J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Hein, de oui! Je connaissais pas ce jingle, c'est lourd. Ah écoute, c'est bossé. C'est moi la guitare. Ah ouais. Ouais. C'est un quoi, un do mineur? Un la sol. Il y a du rap, non? Non, pas du tout. Bah ça pue sa mère. Ah oui, de Kennedy. Non mais je sais pas. C'est vrai que c'est hip-hop. J'ai un radar pour ça. J'ai même pas dit bonjour encore. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Un numéro un peu spécial parce que c'est quand même le 14e de cette nouvelle saison. C'est vrai. Et comme à l'accoutumée, quatre invités qui m'accompagnent autour de cette table. Commençons par Freddy Gladieux. Oh. Bonsoir, salut. Fredouille, la salut. Grenouille. La grenouille. La grenouille. Oh là là. Mais quelle grenouille. Ah, c'est la grenouille. Freddy la grenouille, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être? Alors c'est Fredouille la grenouille. Mais tu... Pardon, excuse-moi. Ouais, bah je me casse, bah je remets le jingle, okay. Pardon. Salut tout le monde. Salut. Le colibri à la limite. On dit Max la menace, on dit pas Sébastien la menace. Donc c'est vrai, Fredouille la grenouille. Mais gifle-moi la gueule directement, t'en supplie. T'es pas une merde, mec, t'es pas une merde. La malice. Ok, nous sommes avec. On dit qui, Denis, la malice, Denis? Ouais, ça rime pas, du coup, on peut te dire. Nous on dit Julie Gaël, la malice, c'est bon. On dit Julie Gaillet, rien à voir. Nous sommes avec Fredouille la grenouille. Ouais. Oh là là. Mais on est auprès d'une marre, ou quoi? Fredouille, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Oh, un humoriste du web. Et un batrafien. Voilà. Il est dans le top 10 des youtubeurs à suivre de Cyprien. Ouais, on peut l'applaudir. Je connais Cyprien, ok. Tout le monde se calme. Mais dis, calme-toi. Okay. Hurleur. Pardon. Quel hurleur. Alors, il est humoriste, pour moi, c'est plus un vlogueur marrant, quoi. Ok. Ah, mais un vlogueur marrant qui fait rire Cyprien. Nous sommes également avec Thomas Gauthier. Bonjour. Thomas, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Oui, alors je suis youtubeur québécois, également dans le top 10 de Cyprien. Oh, ouais. Merci. Mais quoi, mais c'est le vodka des amis de Cyprien ou quoi? Des gens talentueux. On peut d'ailleurs le rappeler Cyprien First. Hein. C'est oui, encore First. Ouais, toujours First. Hein. Un Squeezie. Doucement. Ouais. Redescends. J'avais du mal à choisir moi perso les deux. Bah c'est deux très bons copains. Ils ont fait la paire. Hein. Ouais. Tu es mon meilleur ami. Tu l'as pas écouté la chanson, tu l'as pas écouté. Je connais pas les paroles par cœur mais la substance. Nous sommes aussi avec Mister V. Ouais. Ouais. Oh. Qui n'est pas dans le top 10 de Cyprien. Tu commences déjà quoi, c'est moi je l'ai mal pris en fait, ça que j'ai pas non j'ai pas j'ai mal vécu. Yvick la bourrique. J'ai mal vécu ça. Pardon Yvick. Yvick, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas trop? Salut, moi c'est Yvick, autrement dit Mister V sur internet. Bra. Depuis 11 ans maintenant sur internet. Oh là là. Et maintenant je vais mettre un terme à un débat qui j'étais le premier à passer de Dailymotion à YouTube, ce qui fait de moi le premier youtubeur à avoir fait chronologiquement sur YouTube. Ok. Wow. Vous avez pas vu, mais il s'est applaudi. Il a lancé le C'est quoi? C'est dans l'espoir que Cyprien fasse un top 1? Non, d'un gars qui est passé Cyprien, on dit Cyprien Fort, Cyprien Fort. Et mais c'est fort. Et pourquoi pas Mister V First? Mais Mister V chronologiquement first. Et nous sommes également avec, vous l'avez reconnu, hein, la petite. Peut-être pas. Non, mais si, peut-être, avec sa petite voix, son petit flegme, son petit. 13 points, c'est trop bon. Oh, rien, écoute, c'est ça va. Adrien Méniel. Oh là là. Adrien, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Tu sais, moi je suis un gars, je profite de la vie, quoi. Voilà. Tout simplement. Là, je me balade sur le chemin de la vie. Je vois des gens, je fais salut. donc une balade, mais tu restes poli. Ouais, je dérange personne. Est-ce qu'il fait beau sur le chemin de la vie? Qu'est-ce que j'ai demandé? Quel temps il fait? Tu marches tout un seul, jour il pleut, un jour il fait beau, quoi. Ok. Il faut profiter du soleil avant la pluie, quoi. Tu marches seul ou pas? Allez. Il avait pas très envie. Cette fin abrégée. Allez, allez, laisse-moi tranquille. Allez, vous m'avez enfermé dans mon impro. Et le dernier, je pense qu'on présente plus. Attendez. J'ai fait le logo de Cyprien. Il m'avait demandé de faire un dessin pour son blog. et j'avais fait le dessin et j'avais aussi fait un logo vite fait parce qu'il y avait rien à l'endroit du logo, donc j'avais dit bah tiens regarde voilà ça. Et la couverture de Charlie Hebdo avec Mahomet, c'est Adrien aussi, c'est Adrien, on peut le dire. C'est Adrien, on peut le dire. Il s'en vante un peu moins, mais c'est lui. Non, mais du coup, bon je n'ai. Bon, alors nous sommes comme d'habitude. Il y en a un qu'on n'a pas présenté. L'entertainer, le host de cette émission depuis plusieurs saisons désormais. Ouais. Oh là, il y a un tremblement de terre. Son vrai nom, c'est Florent. Ouais. Son nom de famille, c'est Bernard. Il en a fait un pseudo. C'est Flaubert. Ouais. Bravo. Merci Vic, merci beaucoup. Bravo bah, pour tout. Je fais mon max. Ouais, je peux pas vous dire mieux. Il faut lui donner son petit moment aussi à lui parce qu'il mérite. C'est gentil, Vic. Fait travailler chaque semaine. Donc comme à l'accoutumée, numéro 1 des podcasts français. Attendez, pas toujours. Oh là là. Non. Non, on est doublé par des grosses corporations, mais en indépendant, on est pas mal. Hein. Une fois que t'es allé dans plusieurs sous-catégories, on est premier. On est premier. Un index très spécifique. Le PewDiePie du podcast face à T-Series, qui serait les Floodcast First. Exactement, Floodcast First, n'oubliez pas. Donc, comme d'habitude, on va passer à l'actu insolite. Je vais vous donner des petites questions sur l'actualité. Il va falloir qu'on t'entend ôter de ouf. Ah merde, le t-shirt. Dans son t-shirt. Une mousse pour... Dans son t-shirt. Pas du tout. Donc, par exemple, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes concentrés? Parce que là, oh, en oui. fait, ouais, on va. Pardon. Non, mais yes. Parce qu'en fait, ça va, au bout d'un moment, on peut se marrer. en Australie, d'accord? Il y a eu un record du monde culinaire. Est-ce que vous savez lequel il s'agit? Évidemment, vous avez le droit à des indices. Et alors, pas à est-ce que c'est un, ça aurait un rapport avec un plat typique australien, si tant est que ça existe? Parce que je, est-ce que ça existe? Genre le kangourou? Ouais, bah t'es raciste, ouais. Mon pauvre. pas du tout. Ouais. Pas du tout. Non, est-ce que c'est en rapport avec quelqu'un qui a mangé ou quelqu'un qui a préparé? Quelqu'un qui a préparé. Très bonne question. C'est sur la, au niveau de la taille? Ce n'est pas au niveau de la taille. La quantité? Plutôt ce qu'il y a dans le menu, en tout. Enfin ce qu'il y a dans la recette. T'es déjà en train de vouloir abréger, j'adore. Non, pas du tout. C'est la quantité, non, c'est les ingrédients. Allez, on enchaîne. Non, mais parce que quantité, ça marche sans marcher, tu vois, c'est plutôt. Donc c'est les ingrédients. Voilà. Et c'est une association non. d'ingrédients inédits ou c'est un ingrédient inédit? Bah là, ça serait trop de l'indice. Est-ce que c'est genre le prix, le plat le plus cher? Non. C'est parce qu'il est québécois, il peut pas parler en fait. Wow, les gars. Il faut s'imposer. S'imposer. Ouais. Je crois vraiment que c'est pas ça, mec. Ouais, c'est pas ça. Est-ce que c'est les ingrédients? est-ce que c'est en fonction du temps qu'il a passé à faire son non, plat? Non, non. C'est pas le prix. C'est pas le prix. La rareté? Pas la rareté. Je vous donne un petit indice? Bah ouais. S'il te plaît. Ah, est-ce que ça a été fait avec un ingrédient humain? Non, pas du tout. C'est la manière dont ça a été fait? Pas du tout, pas arrête, la manière. C'est l'endroit. C'est pas l'endroit, mais alors pour le coup, t'es pas mal, parce qu'en fait, c'est un plat qui n'est pas du tout australien, mais qui est typique d'un autre pays. Voilà. C'est la pizza. Très très bon. Oh, alors, oh, qu'est-ce qu'elle a cette pizza? C'est la un record du monde. C'est elle pas la première, il y en a eu d'autres avant. Avec le plus de graisse au monde. Sans gluten, c'est non, la première. Non. Est-ce que c'est en rapport avec la nouvelle, la nouvelle gastronomie, mais la nouvelle façon de manger, on peut dire. Non. Mais attends, record du monde. Comment, qu'est-ce que ça est-ce peut que être l'ingrédient est si fou que ça? L'ingrédient Zifou, n'est pas fou. Tu parles du rappeur Zifou? Pas du tout. Okay. Vous avez oublié Zifou. En tout cas, il est absent de la recette de cette pizza. On se met tout de suite un extrait de Zifou. J'ai oublié. Oh oh, le rap de Zifou. Là, je vais vous le faire, ça fait chicha toute la nuit, chicha toute la nuit. Oh. Doc et Zifou. Là. Oh là là, je te déteste. Moi aussi. Alors, l'ingrédient n'est pas fou. L'ingrédient n'est pas fou, mais peut-être. La quantité de l'ingrédient. Bon bah voilà, ah, voilà, voilà. Non mais. Ah, je sais, le plus de fromage différent. Tomate. L'absence de fromage. Ça. Non, ça n'était pas. Le plus, c'est de, le plus fromage de fromage. Près 14. De... Un peu plus. Ah bah, de 100. Un peu moins. 100. 50. 154 wow, fromages. Différent. Je les ai. Mais alors, Gruyère. Brie. Gruyère. Oh non, mais alors. On est connecté ou quoi? Alors, l'Australien Johnny Di Francesco. Donc, vient de battre le record Guinness du plus grand nombre de fromages différents sur une seule pizza à 154. Le présent record était de 111. Mais... Le chef du 400 Gradient, un restaurant à Melbourne, a battu par la même occasion son propre record de 99 fromages sur une seule pizza. Alors. C'était une petite pizza ou une pizza gigantesque sur laquelle non, la alors il a mis un gramme de fromage. C'est une pizza normale, c'est vraiment une pizza normale, grosse comme ça. Mais comment tu peux ne pas battre ce record facilement en fait? Tu prends la recette, tu rajoutes un fromage. Je pense qu'il faut que ça reste comestible, je pense que c'est oui, ça. Oui, mais genre c'est facile d'en mettre un de plus de fromage et t'as battu le record. Tu sais que le principe des records du monde, c'est se dire ah ça personne n'y a pensé, le oui. faire. Oui, ouais, c'est là quelqu'un avait pensé là. Parce qu'il a battu le record de 101. Genre inversé, genre un dîner où il y a 15 tables inversées, tu peux, tu sais, t'as un record du monde. C'est vraiment, ah, c'est le genre de truc aussi débile que ça. Là, là on le Jack, Jake Paul a déjà battu des records, ça va toi? Comme anecdote, c'est pas mal. Non. Mais non, mais là en l'occurrence, il y avait déjà un record établi de ça. Oui. Oh. Alors, en donc tout cas, tout ce que tu viens de dire, ça ne sert à rien, Fred. Adrien, l'hospitalité française. En plus, depuis le début, vous êtes le un peu, connais, quoi. Vous êtes un peu mis. Attention avec la nourriture dans les micros, il y a des gens qui détestent. Bah, il y a pas de souci. J'adore manger. Les misophones vont nous taper sur les doigts. Désolé d'être français. Ah, et d'aimer la bonne bouffe. On a des petits défauts, mais c'est ce qui fait notre charme, c'est les Français. C'est vrai. Le magazine GQ raconte que Johnny Di Francesco, c'est comme ça que ça se prononce, se serait inspiré du film The Mutant Ninja Turtles de 2014, dans lequel une des tortues ninja parle d'une pizza à 99 fromages comme d'une impossibilité culinaire. L'Australien a décidé de relever le défi et d'ajouter cette fameuse pizza au menu du restaurant. Voilà. Il n'a jamais eu un rapport sexuel de sa vie. Bah maintenant si, je pense. Ouais, excusez-moi, c'est toi qui as fait la pizza à 154 fromages. C'est ça. Je suis déjà à poil. Je suis lubrifié. Faut se dire qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait vu d'autres films, tu vois. C'est inclusif, tu vois, par exemple, l'aurait fait. Bah, il aurait ri. Les amis, à Nice, il y a eu un jeune homme de 15 ans. Il est pas là, déjà, bien joué. Et à Nice, il y a Freddy de Multiprise, bien joué. À Nice, un enfant. Arrête. Un adolescent de 15 ans et une vache ont été deux miraculés d'un accident. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver à ces deux zigotos? Accident de vélo. Non, une vache sur un vélo. Bah, il transportait une vache sur son vélo. Ah, en un coup, ça se fait. J'ai vu des mèmes. Ouais, moi, quand je suis en retard et qu'on m'amène à l'école. Oh, c'est un mème, et ça. Puis je suis une vache, imagine. Ah, oui. C'est un mème. Non, c'est pas des mèmes, c'est des nanes. Oh, oh, je me suis auto-gêné. J'ai pas compris cette vague. C'est juste un gars qui confond les mèmes et les nanes. Ah, les nèmes. Il se dit que les Indiens ils peuvent pas faire des mèmes, mais c'est que des nanes. Ah putain. C'est un truc un peu. Ça, tu pourras couper ça. J'ai eu Cyprien au téléphone qui regrette. Il m'a dit je regrette amèrement. On t'aime quand même, moi, même va. Si t'es un nan. Oui. Ça marche déjà bien mieux. Tous les drames que t'as vécu sont mérités, Adrien. Je comprends. Alors non, j'ai accident de train. Pas de train. Est-ce que c'est un accident dans un véhicule? C'est un véhicule. Ah, trottinette électrique. Les fameuses trottinettes. C'est pas un mec qui transportait une vache comme un paysan qui transporte une vache d'une ferme à une autre la moins marrante. Bah, il transportait une vache dans un truc pour transporter vache classique. C'est ça, exactement. Non, alors, il a de crever la tuile. Voilà. Non, mais en l'occurrence, c'est ça. Ouais. Il était dans un truc pour transporter les vaches. Okay. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il avait pas son triangle derrière pour avertir les autres voitures. Il s'est fait tamponner. Comment il a fait Ah, il était avec les vaches, lui? La tête dans le cul d'une vache? Non. J'aurais adoré. Bah du coup c'est moins bien que la vraie anecdote. Il mais il s'est caché pour passer un barrage. Non mais écoutez, je vous le dis, en gros il y a eu le truc s'est détaché, la remorque s'est détachée et ils ont eu un dévalé de 70 mètres sur une pente à 40 degrés. Oh, donc c'est à dire que ça a fait une trentaine de tonneaux. Ah, du tonneau. Ouais, une vache et un gars dedans. Et hey, une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo mais c'est salaud. Vous connaissez ça? C'est ou... ouais, c'est, ouais. Wow. Ça c'est très, c'est, je pense que tu... Thomas, je pense que tu connais pas. C'est français. Comment définir cette expression pour la France? Bah c'est une chanson. C'est quoi, tu sais, c'est quand tu dois désigner quelqu'un tiré au sort. Ouais, ouais. Tu peux faire plouf plouf nanana. Et sinon, tu pouvais dire une vache qui pisse dans un tonneau, c'est rigolo, mais c'est salaud. Ah ouais, ouais. Ah, ouais. Ah, moi, j'étais. J'ai 20 ans de plus que vous. Plouf plouf, un carambar m'a dit tu te barres. Parce que ah ouais. Carambar, une montée en termes de chiffre d'affaires. Et donc, bah moi, à la mode, moi j'ai grandi en Bourgogne et c'était plouf plouf, si t'es noir tu joues pas avec nous. Ouais. Bah oui, c'est ça. Ah, c'était la Bourgogne, hein, c'était, c'était un autre délire quoi. Donc je joue plus noir, tes potes. Vraiment. Ok. C'est vrai. Que vraiment, c'est. Quand tu dis le plus noir, c'est le seul noir. En Belgique. Un festival va être organisé, lequel? Attends, mais oui, on a su, là, ils ont marre ou pas? Non, ils sont miraculés. Ah, voilà, deux, c'est horrible. Est-ce qu'il y a Bruno, truc pizza 150 fromages, qui a dit c'est moi qui ai fait ça et personne n'avait fait dévaler un vache et un homme? Et c'est moi qui ai ce record du monde? Non, non, il est pas à fond dans les records tout le temps. Ok, pourrait le faire. La vache aussi est en vie? La vache est en vie, elle a ouvert un petit center park. Elle s'est reconvertie. Si, si, elle s'est reconvertie. Sympa. Donc, slam. Non, non, non, juste au Center Park. C'est le Zach l'artiste. C'est le salon de coiffure aussi. Aucun sens. Miskin Zach. La Belgique va organiser donc un festival, lequel? C'est très large la Belgique, hein, j'en ai conscience, mais voilà. Alors, parce qu'il peut y avoir un festival. Est-ce que c'est un festival qui est un peu choquant? Non. Musical? Non. Le Wallon? Non, non, non, non, non. Tu dis des mots clés. La bière. C'est. Il a dit, je dis un mot. Artistique. Le Stromae, non. C'est artistique. C'est pas très artistique. C'est un truc un peu artistique. Le festival du vlog? Ça peut l'être, non, pas du tout. Lié à l'alcool? Non. À la story. Le festival de la story Insta. Ce serait génial, ça. Et la meilleure story. Vraiment, t'as 15 secondes, un truc comme ça. Bah, c'est Freddy, t'inquiète que c'est Freddy. Ah, c'est King. Il c'est fait vrai. Tout le temps le buzz, celui-là. Nourriture, ouais. Hein? Nourriture? Pas nourriture. Est-ce que c'est en rapport avec. Non, t'as dit que c'était pas artistique. Est-ce que c'est en rapport avec un métier du c'est... bois? Non, mais ça peut être un peu artistique. Très long. Le carrelage. Tout ce qui est carrelage. Les travaux d'intérieur, non? Ça pourrait être un peu artistique parce que certains personnes dont c'est le métier se considèrent comme des artistes. Ah, c'est de coiffure alors. J'ai du porno. De coiffure. Non, des coiffeurs. Bah, Zach l'artiste. C'est ça le bâtard. Non, pour moi, c'est artistique, la coiffure. Bah, voilà, donc, alors c'est artistique. Arrête. Mais t'es un malade mental. Pour moi, c'est. Bah, il te fait un coup de tondeuse, c'est un artiste. On est ensemble, parce qu'on est sur une calvitie, donc nous, on est là en mode. C'est pas artistique, c'est vital. Tu me l'apprends. Non, non, mais, non, Adrien, t'as plein de cheveux, t'as plein de cheveux, Adrien, t'as plein de cheveux. Pour moi, il y a certains mecs qui en font, c'est pour qui c'est de l'art, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est parfait. Alors, dans ce cas-là, c'est un festival. Zach, l'artiste qui est mon coiffeur, et c'est. Alors, c'est pas une vanne. Pensez à en parler en story de Zach l'artiste. Je pense que peu de gens nous tiennent au courant. Il est sélectionneur officiel, et c'est pas une vanne. Il est sélectionneur de l'équipe de Tunisie de coiffure, et c'est pas une vanne. Ah, c'est ouf. C'est le Roger Lemaire de la coiffure en Tunisie. Parce que Roger Lemaire était sélectionneur de l'équipe de foot de Tunisie. Non, mais. Ces blagues, c'est blague, c'est documenté quoi. Bah, pas par hasard qu'il fait des blagues. Le mec, moi j'ai toujours été dans la finesse. Dans la, c'est comme ça qu'on se connaît. Les bruits de paix, c'est des vrais paix. Dans c'est pas des trucs avec la bouche, c'est des vrais paix qui sortent du trou de balle. Donc je me permets de recentrer. Donc le festival est un festival de coiffure. Mais alors, quelle coiffure? C'est un type de coiffure. C'est un type de coiffure. Le mulet? Bah oui. Mais oui, c'est très vrai. Bien joué. Wow. Le mulet. En Belgique va s'ouvrir du coup le premier. Enfin, c'est ouvert. Le premier festival de la coupe mulet. Ah non, il va avoir lieu le 18 mai. Une première en Europe selon les organisateurs qui ont prévu tout un programme autour de ce style capillaire particulier. Assumé, parfois moqué, mais malgré tout, stylé, comme l'expliquent les organisateurs sur Facebook. Au programme du festival, une photographe pour immortaliser les meilleures coupes mulets, un coiffeur pour les retoucher. Si toutes les coiffures sont acceptées, les organisateurs préviennent les autres styles capillaires. Gare à votre tignasse! Un teaser du festival est disponible depuis plusieurs semaines. Oh, je l'ai peut-être pas bien vendu, hein, si, le si, gars. Si, ouais. Ouais, c'est bien. Si, regarde, je suis en train de réserver des places. Moi, j'en prends 8, c'est juste pour moi, au cas où j'en perds 7. Est-ce que vous savez pourquoi Scheim a changé de nom? Qui? Scheim. Elle s'appelle toujours Scheim, mais. Il n'y a plus l'apostrophe? Si, il y a toujours l'apostrophe. Ah. Mais pourquoi elle s'est appelée Scheim? Parce qu'elle ne s'appelle pas Scheim. Elle a pris le pseudo Scheim en fait. Exactement. Parce que c'était. Elle chantait pour Camaro en. Elle était choriste pour Camaro. Et Martinez! Et qu'elle était timide, elle se montrait jamais. Ouais. Et que. Va au bout, t'es pas mal. Et M pour Martinez. Ouais. Scheim Martinez. Va au bout. Non, pas du tout, mais c'est pas du tout ça. Je me suis dit, ouais, elle était timide, elle avait un peu honte. Non, à la base c'était ça. Non, à la base, c'était ça. Et son prénom, c'est Scheim. Il pose le casque. Il se barre. Il vit qu'il est en train de se barrer. Il vient de lâcher une caisse dans le micro. On l'a entendu ou pas? Ouais, on l'a entendu. Un peu à côté. Mais je pense qu'on montera en DB. Bon, parce que là il y a Scheim, on parlait de Scheim, tu chies dans un micro. Non, son prénom c'est. Gilles. Elle a un prénom. Non, mais c'est gentil, elle a un prénom. Parle bien dans le micro, Evic. Elle a un prénom, attends. Dans ton paix là. Pose tes lèvres sur ton paix. Là, on pense ça. J'embrasse mon paix, je pense. Attends, elle s'appelle Tamara. Donc, non, qui a rien à voir. Mais c'est lié à ça, c'est lié au fait que le prénom Tamara, elle avait un problème avec ce prénom. Mais c'est qui? Bah parce que je connais pas. Ah, elle a pas traversé l'Atlantique, Chaim? Merde. J'ai réussi à chanter pour Camaro, c'était une couronne de Camaro. Mais avec Camaro, il est québécois. Camaro. Alors, il est pas québécois, il est libanais, mais il a grandi au Québec. Mais il a grandi là-bas. Il a grandi au Québec et il a des restos au Québec maintenant et tout, je crois. Parce qu'il est libanais, il a des restos, c'est ça? C'est la vérité, j'y suis pour rien. Alors, il a un label et je pense qu'il doit avoir. Et donc, Chaim maintenant est une chanteuse. Chaim est une chanteuse qui en France cartonne et elle est jury de The Voice. Accessoirement ma meuf, enfin voilà. Et elle aimait pas son prénom. Et du coup, elle avait honte. Chaim. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'il lui disait, c'était tu manges du tarama ou quoi? Et elle disait, ah, oh, ça va. Mais oh, les lourds là. Elle est trop lourde là. Non, Tamara, je, en fait. Je pensais à Chaï. Parce qu'en fait, sur les moteurs de recherche, n'importe quoi. Les premiers sites sur lesquels on tombait, c'était des films porno en fait. Car le prénom est souvent attribué à des actrices travailleuses du sexe. Ah. Et c'était une association qui ne me plaisait guère, a-t-elle expliqué à Michel Simès. Entre temps, il y a eu une BD. Tamara. Exactement. Et un film Tamara. Et un film. Deux films Tamara. Voilà. Une BO, j'imagine. Une ouais, bien sûr. Une BO. Il y a eu un petit poster. Il y a le film qu'on pouvait trouver dans le métro aussi. Mais donc c'est ça la réponse. C'est ça. En fait, elle trouvait que c'était un prénom d'actrice porno, tout simplement. Et donc, du coup, elle voulait changer, tout simplement. Tu se comprends. Il est arrivé quelque chose à un humoriste anglais ce week-end, un peu dramatique. Il est mort en faisant une vanne sur scène. Ah, joli. Les gens rigolaient. Ouais. Mais tu sais pourquoi? Parce que il faisait la blague du lâcher de salope. Donc non, toi tu sais. Hey, je pense que juste avant, il venait juste à faire une blague sur le fait qu'il allait bientôt mourir d'une crise cardiaque. Exactement. Mais quel enfer. Exactement. C'est-à-dire que juste avant, il a fait. Imaginez, vous vous rêvez. Pas du tout. Attendez, j'ai sauté une ligne. Oui. Il a dit. Imaginez, là, je fais une crise cardiaque sur scène. Et 4 minutes après, il a fait une crise cardiaque. Je fais petit callback par rapport au sketch. C'est comme si Bigard justement lâchait des vraies salopes sur scène. Et il s'est piétiné. Il meurt piétiné par des salopes. Par des salopes. Tu fais, ah, génial, Bigard, bien joué. Mais non. C'est le roi lion. Il se fait attaquer. Par une chauve-souris, t'as tous ces sketchs qui lui reviennent à la gueule. Non, mais c'est la pire histoire, celle-là, c'est vraiment. C'est dingue. Et t'imagines comme c'est choquant quand t'es dans le public, c'est dingue. Et en fait, le gars qu'il a essayé de le réanimer sur scène a dit pendant tout le truc, j'ai cru qu'il allait me faire bouh, tu vois, comme ça. Et il ne l'a pas fait car il est décédé. Voilà, tout vache, bonnement. Bien mort, le gars. Courte manche, t'as pas à te plaindre. Il a gelé une fois. Oui, c'est un spectacle d'impro là. Voilà, non, c'est pour ça, ouais. Ça aurait pu être pire. On prend des petites actus, c'est bien. Tu mets de l'histoire. Quelle insolite opération scientifique a eu lieu récemment au Royaume-Uni? C'est-à-dire quelque chose qui a été fait qui est un peu foufou. Est-ce que c'est une greffe? C'est pas une greffe dans le sens. Avec des mains? Non, mains. Est-ce que c'est. Ils ont mis des neurones d'humains dans des singes? Non. Parce que ça, ils l'ont fait. Oh, les mecs, ils font tout. C'est la Black Mirror en fait. Ouais, non, mais ils ont mis des cellules cérébrales dans des singes. Après, ils ont fait des tests. Et les singes avec les cellules cérébrales humaines, ils avaient des meilleurs résultats que c'est les singes. C'est vraiment dans, le scénario de la planète des singes. Ils se sont dit, on le fait. Franchement. Bah voilà, donc voilà. Bientôt, un singe maire de Paris. Bah, on en est pas loin, les mecs. Oh, prends ça, Hidalgo. Démission. Les trottinettes électriques. Non, rien à voir. Est-ce que c'est l'opération sur le raisin? Sur le quoi? Sur le raisin. Non. Vous avez pas vu? C'est quoi, ça? Non. Il y a eu une opération sur un raisin. Ah ouais? C'est la fin de l'histoire. Ouais. Ils lui ont extrait un pépin, il va très bien. C'était aux États-Unis, mais c'est devenu un mème, je pense. Mais ils testaient une nouvelle technologie d'opération, puis ils l'ont testé sur un raisin. Ah oui, oui. Ouais. Ça me dit quelque chose. C'est cette image où ils retirent la peau, non, rien à voir, mais en fait, grève, c'était pas loin, parce que c'est pas une grève dans le sens du corps, c'est des trucs un peu de cellules. C'est sur la calvitie ou pas? Non. Un truc qui Je sais que ça fait pas marrer tout le monde autour de la table comme sujet. Donc c'est quoi? C'est un truc qui pourrait te rendre immortel? Non, rien à voir. Un truc de cellule. Par rapport à l'utérus, voilà, c'est lancé. Ah, c'est une contraception. Ok. Un moyen contraceptif. L'inverse plutôt. Ils ont inséré un bébé, ils ont transplanté un bébé. Mais de façon un peu particulière. Une paille. Ils ont fait. avec un lance-pierre. Ils ont fait. C'est toujours ça qui n'ira pas dans le nez des tortues. Non, pas du tout. Ils ont fait un bébé comme in vitro, c'est un peu ça, in utero. Non, pas du tout. In vitro, t'as raison. Mais c'est juste là, justement, il y a une particularité dans cette fécondation in vitro. C'est quoi? C'est un homme? Non. Okay. Non, c'est pas ça. Qui a mis au monde? Non, c'est pas ça. C'est un clone. C'est un clone. Ils ont cloné un homme. Ils ont pris le sperme dans la chatte d'une meuf, ils l'ont mis dans la chatte d'une autre, et ils ont deux fois le même gosse. Le scientifique n'a qu'à bien se tenir. Je pense pas que c'est comme ça que ça va. J'adorerais le scientifique qui présente et tout. Non, avec conférence. C'est que j'ai pas dit alors on va prendre le sperme avec les doigts, hein, avec l'index, dans la chatte d'une meuf. Et on va doigter une autre meuf, ça va faire deux fois le même mouvement. Bon là, pas du tout. Là, on va regarder le schéma. Bah ça, c'est un porno, ça n'a rien à voir. Non, c'est le schéma. C'est moi. T'as dit deux fois le même gosse, ça n'a rien à voir. Mais tout à l'heure, j'étais aux galeries et il y avait deux jumelles, deux sœurs jumelles qui se parlaient. Et je me suis dit, si elles faisaient semblant de se croiser, genre elles se sont jamais vues et qu'elles se disent, vous êtes. C'est toi, t'es à côté, tu dis quoi ? Qui sont ces gens ? Je trouvais ça dingue. Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait une incompréhension entre elles. Et je trouvais ça dingue d'imaginer ce truc-là. Écoute, je me permets de. C'est une vraie histoire. Que ah bah oui, il y a un documentaire là-dessus. Exactement, moi c'est on me l'a appris il y a pas très longtemps. C'est ma recommandation de fin d'épisode. Pas du tout. C'est faux, je l'ai pas vu. Ah mais c'est un truc récent. Non, c'est un truc récent. Moi c'est JB de Tales from the Crypt. C'est chinois, pardon. Enfin c'est ça non. Je sais pas du tout. Non, c'est des Américains. C'est... Oui mais il y en a une qui est chinoise. Enfin elle a été adoptée. T'es un malade à mes yeux. C'est des triplés. C'est des triplés. Et en fait, c'est un gars qui va dans une ville et tout le monde fait je sais plus le prénom mais ça va Ben. Moi je m'appelle pas c'est tout Ben machin et tout le monde fait salut Ben, ça va Ben tout le monde et tout le monde fait putain mais je m'appelle pas Ben et il va à une soirée, il croise un gars qui s'appelle Ben et c'est son jumeau en tout point et il ne le connaît pas. Il fait mais putain mais c'est fou, moi je suis né le 6 juin 1969. Il fait mais moi je suis né le 6 juin 1969. Ils se rendent compte qu'ils sont jumeaux. L'affaire fait un peu grand bruit, ils en parlent dans les journaux et là il y a une troisième personne qui fait j'ai vu dans les journaux. En fait, je m'appelle pareil et Ben. Je suis né Ben et je suis né le 6 juin 1901 et en fait, je vous ressemble en tout point. Et en fait, c'est des triplés qui ont été séparés par un scientifique qui a fait une expérience en séparant les triplés en voyant comment ils évoluent selon des classes sociales différentes. Oh. Il y en avait un chez un pauvre, un chez un middle, un chez un riche. C'est vrai ça ou c'est non, apparemment c'est vrai. J'ai pas vu le documentaire mais on m'a raconté c'est ça. C'est pas des meufs plutôt. Je crois que c'est des mecs. Hein. Je crois que de mémoire que c'est des mecs. Incroyable. T'es pas si woke, ça va. Non, c'est non, bon, mais ça. Moi il me semble que j'avais vu avec des. C'est des trucs flippants. T'es le fruit d'une expérience. En même temps, nos parents, enfin, on est le fruit d'une expérience. Après, moi une fois, plus ou moins comme un. Pas, fou, pas ouf des fois, mais. Moi j'ai vu The Rock à la télé, j'ai fait waouh, bah attends, c'est mon jumeau, c'est qu'est-ce qui se passe. Non, c'était Olivier de Benoît. Pardon, je confonds. Enculé. Et c'est un peu vrai. Bon, je recentre un tout petit peu, en fait. Oui, bon, du coup. Voilà. En fait, il y a une particularité chez la mère. En faisant ce truc. Il a dit quoi ? Je crois qu'on est passé autre chose. Il a dit on est toujours sur la chatte comme Pierre, avec la voix de Pierre Bénichon. Elle est toujours sur la chatte là. Bah, elle était ménopausée ? Non. Elle a 75 ans. Mais elle est pas loin. Elle ah. Mais c'est pas ça. Mais ça aurait été stylé mais c'est 76. Non, c'est pas ça. C'est une enfant ? Non, justement, mais non, elle a ça, c'est pas dit. Elle est née enceinte. Non, elle a 55 ans. Elle est stérile normalement ? Non, elle a ce une serait pas si. Elle a pas d'utérus ? Non, elle a un utérus. Un utérus sympa d'ailleurs. Un T2. Elle porte des Crocs. Non. On lui a inséminé un truc qui venait pas d'un humain. Non, si, c'est un humain. Mais justement, l'humain est particulier. Un lièvre. Ah, ça vient d'une femme ? Ah, t'es pas loin. Ah ! De quoi ? J'ai pas entendu. Elle-même. Bon, je vous le dis. Est-ce que je vous le dis ? Elles ont touché leur chat. Non, non, dis pas. Elle est enceinte après. Je vous le dirai jamais. Non, elle s'appelle Emma, cette dame, c'était au Royaume-Uni. Et elle est devenue mère et grand-mère en accouchant de sa propre petite fille. Oula. C'est-à-dire. Ça c'est faux par contre. Vraiment impossible. Sa mère lui a fait le cadeau à sa fille de porter sa progéniture grâce à une fécondation in vitro. À 55 ans, Emma est donc devenue grand-mère en donnant elle-même naissance à sa petite fille. Elle a mis du sperme du mec de sa fille, quoi, tout simplement. C'est dans sa chatte, pour reprendre les termes scientifiques de Yvick. Voilà. C'est en gros une histoire de nos porcs, un peu éclair, en mode. Ce serait bien qu'ils couchent ensemble. Moi et ma fille ne peut pas avoir de bébé. Il va falloir que tu me baises moi. Voilà, je vais porter l'enfant. C'est comme ça des fois, vous avez jamais vu les films comme ça? C'est comme ça des fois. On dirait vraiment un scénario nul. Non mais oui, c'est hideux. Non, tout de suite. Ah, c'est bizarre quand même de demander à sa mère de porter l'enfant. Oui, non, mais elle voulait son sang dans le mais bébé. Est-ce qu'on a ingéré le sperme? Non, ce qui aurait été plus bizarre, c'est qu'elle demande à son propre père de la baiser. Et là, effectivement, ça aurait été un peu chelou. Mais est-ce que du coup, c'est le mec qui l'a. Ça a été un truc qui non, a été c'est fait une insémination, propre, okay. Je pense. Ouais, insémination, il a pas baisé sa belle-mère. Okay. il met une pipette. Arrête de bander. C'est vraiment le mari qui voulait trop baiser sa belle-mère. Ouais. Attends, j'ai une idée. Faut pas avoir d'enfant, mais j'ai une idée. Ta mère. Ta mère, elle est car. Non, mais ça coûte cher l'insémination. Non, non, non. C'est pas ça mon idée. Qui t'a parlé, qui t'a parlé d'insémination? Je veux la baigne. Une plus légère. Qu'est-ce qui est arrivé à un Qu'est-ce journaliste qui est jaune avec. Qui attend. Alors là, j'en sais rien. Tu me poses une colle là. Qu'est-ce qui est arrivé à l'iPad d'un journaliste? Il s'est déchargé très vite. Ouais, pas ouf, hein, après, je l'avais dit. Il a fait la mise à jour, c'est lent maintenant. C'est l'obsolescence programmée ou quoi? Merci Apple. Non, pas du tout. C'est son fils qui a fait un truc avec l'iPad et il s'est passé quelque chose. Ça me dit quelque chose. D'un journaliste, il a tweeté à sa place? Non. Il a publié un article? Non. Il a édité un article? Non. C'est moins fou, hein, je vous dis. C'est qu'il éditait tous ses articles et qu'il dit c'est mon fils, c'est le début de ma carrière, c'est lui. Il a fait un FaceTime avec Obama. Il a fait une dick pic. Non, non, c'est mon fils, c'est pas moi. C'est... Je suis le premier le plus très fier. Hein. Mais non, c'est pas genre il a FaceTimé avec quelqu'un de connu. Le côté journaliste importe peu dans l'histoire. D'accord. Et le fait que ce soit un iPad et pas une tablette classique. C'est un iPad, mais ça pourrait être une tablette. Il a dessiné dessus? Non. Pas si drôle. Non, mais ce que je veux dire n'est pas si drôle. Encore une fois, hein, c'est. Il pas... l'a mis au lave-vaisselle. Oh non, imagine. Il a coupé les légumes dessus. Point, point, point. Non, pas du tout. Est-ce que c'est. Il l'a utilisé comme un autre objet? Non. Il a utilisé l'iPad. Mais il l'a utilisé comme un enfant et donc du coup, l'objet en est sorti différent. Il l'a Il l'a brisé. Il l'a mangé. Il a chié dessus. Non. Il s'est torché avec. Il l'a fait comme un frisbee. Non. Il a mis un chat de sa belle-mère. Non. Il a utilisé comme un enfant. On va parler de toi d'avant. On va s'évaluer. Non, mais tu resserres, c'est bien. Par rapport à l'édito du truc, tu vois. Je m'adapte. Donc il l'a utilisé comme un enfant. Ah, c'est le jeu là où faut mettre le rond dans des ronds, des trucs. Il a mis un rectangle dans un carré. Il a mis l'iPad dans un carré, ça rentrait pas. Non. C'était pour l'anecdote pas ouf. C'était pour jouer. Ouais. Mais c'est ce qui arrive souvent quand les enfants jouent avec des iPads. Est-ce que l'iPad était en bon état après? Il était en bon état, mais il était inutilisable. Il est allé sur Fortnite, il a acheté plein de skins. Il est dans le bain. Yvick, t'es jeune? Non, moi je suis jeune, moi. Tu fais la petite danse là avec les mains devant, les mains derrière. Ouais, vas-y. Voilà, vous le voyez pas, mais c'est fascinant. Ouais, c'est fascinant. Je voudrais te filmer pour faire un bonus. Pendant ce temps-là, je vais faire la musique de Fortnite. Fortnite, petit jeu vidéo dans lequel on s'amuse. Oui, c'est Fortnite, c'est Fortnite. C'est gratuit au début et après faut acheter tout un tas d'options payantes. Ok. Dans le bain, dans son bain. Non, il a bloqué l'iPad, mais un peu beaucoup. Il l'a bloqué pour. Attends, il l'a bloqué. D'années, là. Exactement. Ouais. Il a fait quoi? Il l'a bloqué pour plein d'années. Il l'a bloqué près de 48 ans. Il a trop essayé. Il a vraiment beaucoup essayé. C'est génial. Et ça a bloqué le téléphone pendant 48 années. C'est génial. Je savais pas que c'était possible. Alors en fait, plus ça bloque. Justement, en fait, non. L'iPad est activé, réessayez. C'était faux depuis le début. En fait, ce podcast est un prétexte pour te mentir depuis le début. Non, en gros, il a pris une photo, le journaliste de l'iPad, il avait écrit cet iPad, l'iPad, est désactivé, réessayez à nouveau dans 25 546 442 minutes. En fait, donc 48 ans. Et en fait, c'est un bug qui existe. C'est quand la batterie est vide trop longtemps ou qu'il y a un changement de batterie, l'horloge interne de l'appareil se réinitialise et peut retourner à janvier 70. Ah. D'où un délai de près d'un demi-siècle avant de pouvoir le déverrouiller de nouveau. C'est arrivé à une mère de famille aussi par le passé. Ah, merde. Et donc voilà, ça fait genre, il sera débloquable dans 48 ans. Voilà. Comme quoi, chargez vos batteries. Je peux dire que dans 48 ans, l'iPad, il sera vachement obsolète. Hein. Prends ça, Steve Jobs. Allez, totalement inutilisable. En l'occurrence, je suis allé chez Apple récemment pour changer ma batterie. Et il faut savoir, moi, je payais l'Apple Care en me disant, bah, l'Apple Care, c'est la garantie, quoi. Donc, ça doit tout prendre en charge. Le fait que la batterie s'est chargée vite ne rentre pas dans la garantie de l'Apple Care, c'est 50 yes balles. Tu te dis, c'est vraiment le problème basique de l'iPhone. C'est 50 euros, voilà, je vous le dis. Prenez ça dans les dents, Apple. Après, si vous voulez envoyer des trucs gratos, n'hésitez évidemment pas. Que nous a appris un sondage récent sur les Français? Alors là, le Québécois, tu peux y aller. Ils sont chiants. Quoi d'autre? Dans le métro, ils sourient pas trop. Quoi d'autre? Ils mangent du français. C'est fromage. T'imagines, la rumeur, c'est qu'on se mange entre nous à l'étranger. Ils disent, alors, on se mange chez vous? Ils mangent du fromage. C'était pas ça. Attends, c'était quoi la question? J'ai pas entendu. Oh bah alors t'étais quoi? T'étais sur Twitter? Non, j'étais dans la lune un peu. Ouais, t'es addict. Un sondage nous a appris quelque chose sur les Français, quoi donc? Que nous a appris un récent sondage sur les Français? Est-ce que ça a rapport avec les Parisiens ou pas les Parisiens, c'est français, mais c'est un truc très français. Sexuel? Pas sexuel. Ils râlent. On s'est en baisant, je veux dire. Oh là là. Ah, c'est sexuel. Non, c'est pas sexuel, c'est pas sexuel. C'est un truc une actualité notable? Non, non. Est-ce que c'est un truc sur le mensonge? Pas du tout. Est-ce que c'est qu'ils se trouvent tous mutuellement chiants? Non, mais c'est un truc dont, enfin, ils se considèrent quelque chose. Ils se considèrent tous plus intelligents que la moyenne. Ça il paraît nul en anglais? Non. C'est quelque chose de plus drôle? Positif. Très très bon, Evic. 7 Français sur 10 se considèrent comme très drôle. Ce genre de le dédain dans vos rires. Ils sont en effet 70% à se trouver drôle. Les hommes ont davantage confiance en leur talent comique que les femmes, puisque 74% des hommes se trouvent drôles et 65% des femmes se trouvent drôles. Et donc voilà, donc un bon 7 sur 10 quand même. En même temps, s'ils écoutent le Floodcast, c'est normal qu'ils soient drôles car il y a de l'inspiration. Et Evic sera abattu. Ça avait l'air sympa en plus. Oui, il y a de quoi être inspiré par des mecs drôles comme vous. Ah, t'es génial, Evic, merci. Merci. Ouais, ouais. Bah, c'est drôle. J'en prie, ça a crevé de rire. En même temps, c'est pas étonnant ces chiffres. Parce que s'il y a bien un truc, je sais pas si vous ça vous arrivez dans le métier, mais quand tu démarres et que tu fais des blagues, les gens autour peuvent se disent moi aussi je suis un mec marrant. Alors que tu dis pas ouais, moi aussi je sais poser des charpentes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc dans le métier qui. Enfin, c'est bizarre de voir ça comme un métier quoi. Il y en a qui se disent bah moi aussi j'ai talent. Moi aussi je fais des blagues. Fait, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est le seul truc, c'est un peu le seul truc artistique que tout le monde fait en fait. Ouais, tu dis pas moi aussi j'ai coupé les cheveux aussi bien. Ou, tu vois, il y a un truc en tout cas là-dedans ou qui. Ou la est... peinture. Non, après, les Français, on est toujours. J'ai l'impression qu'on a toujours un besoin de compétition, d'être meilleur que l'autre. Donc dès qu'il y a un truc, il y a un mec qui fait une vanne. On a toujours un besoin de rajouter un truc. Donc tout le monde se trouve à un moment marrant et tout. Enfin, mais c'est complètement. Et le truc en plus, c'est que. Enfin, pour le truc du rire, c'est vrai que c'est vraiment un truc de. Moi, mais dès que je rentre en Bourgogne et que je vois des gens, c'est. Oh bah, j'ai vécu un truc. Ça, c'est un sketch, ça. Ah, alors bah, que vraiment, pas du tout, tu vois. C'est juste une observation du quotidien et voilà. Au Québec aussi, c'est ça, par contre. Ouais. C'est peut-être mondial. Ouais. Pour le coup, c'est Jerry Seinfeld qui dit que tous les hommes pensaient être drôles. Et lui il dit que toutes les femmes pensent qu'elles ont du goût en déco. Enfin tu sais souvent les mecs ils disent bah la déco c'est ma meuf qui gère parce que moi ma meuf elle sait. Et en fait il dit non vraiment pas forcément, c'est juste c'est de la paresse de mec, mais les meufs sont pas si bonnes en déco que ça en fait, faut arrêter. Nous par contre pour nous sucer. Je connais qu'ils sont fortes hein. Hey, les gars, pourquoi personne répond là? Je suis là les gars. On débat ou pas? Depuis tout à l'heure on parle de plein de trucs et là vous voulez pas échanger avec moi? Hein? Flaubert, tu t'enlèves pas ça au montage hein? Comment ça? Thomas, t'es bien? T'as bien la France, Paris, tout ça? C'est cool. Alors, Notre-Dame. Alors, un enfant a porté plainte contre ses parents et leur a réclamé 76 000 euros. Pourquoi? Alors, oui. Parce qu'ils lui ont enlevé son iPad ou son moyen de. Non. Ce n'est pas ça, Evic. Est-ce que c'est pour un truc un peu futile? Non. Parce qu'il a participé à une émission de télé et que ses parents l'ont empêché de répondre à une question, ils l'ont empêché de faire quelque chose et il a pu gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Non, c'est pas ça. Il n'y a c'est pas malin. Un manque à gagner, quoi. C'est pas genre vous m'avez fait perdre de l'argent. Non, coup. C'est pas ça, pas de l'argent. Ok, mais bien vu. Mais ouais, c'est presque un bon scénario de film, tu vois. Il a gagné ou... Non, je crois que c'est en cours d'être... les avocats du plaignant n'ont pas souhaité commenter l'affaire. Là, là, là. Ça avance peu pour l'instant. Non, mais je lis l'article. Non, pour le moment, il ne sait rien. Ça stagne. Donc, c'est pas un truc futile. T'as quoi, fait c'est le genre, début de En apesanteur. T'as fait... exact. Quand tu réfléchis, c'est musique. C'est pas sur lequel on gère toujours. Vous êtes plus seul? Non, c'est face à la mer. Moi, quand je réfléchis, ça fait... Tain, tain, tain. Ah, j'ai l'idée, c'est bon, la réponse c'est. j'ai pas. Ils l'ont. Moi ça fait ODD. Ils l'ont frappé et mutilé. Non. Ça a une bonne raison. Bah là ils gagnent, je crois. Hein. Ils lui ont empêché de draguer une meuf ou de draguer une. Mais c'est futile ça. Ah, bah alors c'est peut-être futile. Ah, non, mais je veux dire, c'est genre tu dis oh quand même. C'est exagéré d'attaquer ses parents pour ça. C'est ce genre de truc. C'est ce genre de truc. Ah d'accord. Ah, donc okay. Okay. On sait qu'ils lui ont confisqué quelque chose. Ouais. Oh, oui. Oh. Il... Le téléphone. Oh oh. Non. Oh oh. Sa trottinette électrique. Non. Son scooter. Son album de PNL. Non. Il a dit vous êtes ODD. Ils ont dit non. Non. Il a fait, bah, vous êtes QLF ou quoi? Je suis Simba. Ils lui ont confisqué son compte, enfin son iPhone. Son iPhone. Je pense qu'ils lui ont confisqué son enfance. Oh. Wow. Comme Michael Jackson, un peu, tu veux dire. Non, voilà, voilà, pas du tout. Voilà. J'ai vu le reportage. Voilà, voilà, pas du tout. J'allais dire un objet. C'est un jeu, un jouet. Non. Est-ce que c'est en rapport avec argent de poche? Non. Est-ce que c'est en rapport avec quelque chose d'artistique? Ça peut. C'est ciseaux de coiffure, pardon. C'est un moyen de communication? Non. La console? Non. Sa caméra? Non. Ses vêtements? Non. Là, il peut attaquer. C'est une partie peut-être. Ses vêtements. Mais... Tu sortiras à poil, mon fils. Confisquer tous tes vêtements. Ah, j'imagine. C'est un instrument, c'est? Non. Pensez, c'est un. Son appareil dentaire? Non, c'est un adolescent. Pensez à l'adolescence. Appareil dentaire, c'était bien. C'était pas mal, mais. Son quoi? Son bédo? Son casque de. Ah, non, pas bédo. Clope électronique. C'est clope non, c'est cigarette. Non, c'est pas de la cigarette, mais c'est truc de l'adolescence un peu interdit. La drogue. Non, la masturbation à la maison. Pas loin. Du porno. Ah, du porno, simplement. Ses parents ont détruit sa collection de vidéos et objets pornographiques. Et alors, du coup, il a. Ah, des sextoys quoi. Parmi ses effets personnels se trouvait sa collection de 12 boîtes de films pornographiques et autres jouets sexuels d'une valeur de 28 940 euros. Mais il avait une société en fait. Non, mais ils ont détruit sa société. Qui a des films porno encore? Il aurait adressé un courriel à ses parents pour demander des explications, rapporte une source judiciaire. Si vous aviez un problème avec mes affaires, vous auriez dû me le dire à ce moment-là et je serais allé ailleurs, a écrit le plaignant dans son mail. Son père lui a répondu qu'il avait agi ainsi dans l'intérêt de sa santé mentale et d'ajouter « J'aurais fait la même chose si j'avais trouvé un kilo de crack. J'espère que tu le comprendras un jour. » C'est en France, ça? Non, c'est dans le Michigan. Mais attends, il a envoyé un mail, donc il habite pas avec eux? En fait, c'est... Lors de sa chambre, il a envoyé un mail. Il a dit « Je vous parle plus, d'accord ?» Non, en fait, le litige familial a commencé en 2016 lorsque l'homme dont l'identité n'a pas été révélée, donc c'est pas un adolescent, c'est un homme, et oui, retourner vivre chez ses parents après son divorce. Voilà, c'est d'accord, ça, c'est un adulte, c'est pour ça qu'il a des vidéos porno. Non, mais j'ai dit penser est... adolescent, j'ai okay. dit. J'ai, voilà. Je parle de 14 ans. Mais 28 000 euros. Il a demandé 76 000, il a demandé en. C'est le préjudice moral, quoi. Préjudice moral. 28 000. Puis il a été des objets de collection. Ouais, j'avoue que c'est fou, quoi. 28 000 euros de porno, ouais, c'est. Ouais. Parce qu'un abonnement Pornhub, c'est quoi? C'est 8 balles Je sais pas, c'est gratuit. C'est... Après, le premium, je connais pas. Ouais, avec la hausse du streaming en plus, il se retrouve. Les prix sont totalement cassés sur les DVD. On va se mentir. Tu vas à Cash Converter aussi, puis t'en as pour moins cher. Moi, je me suis toujours demandé, acheter un porno. Alors, Cash Converter, bon, je suis désolé, je fais la traduction, mais tu sais, en gros, c'est les trucs de. Québec s'appelle. Tu sais, c'est les trucs d'occasion en fait. C'est quand tu revends tes DVD d'occasion. Et okay. En France, à Cash Converter, il y a des rayons porno. Tu sais, tu revends quoi? C'est des objets électroniques quoi, ouais, aussi, mais des DVD, tout, des trucs d'occasion quoi. Tu revends tes. Tu vas là-bas, tu les revends et c'est eux les vendent en fait. C'est des. Il y a un nom là-bas aussi. Pawn shop. Pawn shop, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Tu penses au porno toi là quand tu dis pawn shop? Non, non. Non. Parce que pawn shop, il y a une. Non, pas porn, pawn, P-A-W-N. Bien sûr. Pawn shop. Vous connaissez pas ces vidéos là? Non. Non, non plus. Hein. Okay, ça n'existe pas. Non, en tout cas. Donc, c'est genre. Tu payes avec ta. Avec ta quoi? Pardon, j'arrive pas à voir où mais ça non, va. Mais c'est des meufs, elles arrivent, elles font. Oui, vous pouvez reprendre, c'est une vieille machine à écrire. Bah, je vais la prendre pour 200 dollars. Mais non, mais elle vaut beaucoup plus. Elle vaut beaucoup plus. Ah ouais? Ah ouais? Bah, c'est ma queue, regarde. Ah, j'avoue. Et elle part. Allez, ok, 200. Bon, je te la laisse. 200. C'est que ça. Il a une superbe queue, le mec. Et hyper convaincante en plus. Ouais, il fait bah ouais. Là. Bah, regarde, il fait, j'avoue. Autant pour moi. Salut. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que dans les caches converteurs et tout, acheter des pornos, c'est triste, mais les vendre, moi, c'est vraiment ce truc-là de dire je vais récupérer un peu d'argent de ces DVD. Acheter de ça, c'est encore pire, moi, je trouve. Moi, je trouve que revendre, c'est compliqué. Bah non, tu revends, parce que tu tires un trait sur ça, t'as mûri, tes machins, tu dis je suis allé vendre mes pornos. Les acheter, c'est que ça appartient à un autre gars qui a sans doute son sperme sur la. C'est pire à acheter, moi, je trouve. C'est vrai, ouais. Les deux s'entendent, je et trouve. Et un sextoy, il est léché après quand tu l'achètes. Non, ça, c'est pire, ouais, ça, c'est pire. Gratter avec l'ongle et fumecter là. Non, mais. Non, mais. Je me demande s'il y a des sextoys dans les. dans la cache converteur. Non. Sûrement pas, non. Pour des raisons assez évidentes, hein, quand même. Hein. Bah, non, mais à Emmaüs, je pense. À Emmaüs, oui, par contre. Oh wow. Mais c'était, ouais, reconditionné, c'est marrant, quoi. Ouais. Pourquoi Emmaüs, ah, tu lâches tout ton god. Emmaüs. Je regarde sur le bon coin tout de suite. Pendant que vous faites un truc. Ah, sur le bon coin, il doit recevoir les pires messages, en plus, les pauvres. Les amis. Oui. Ça va? Franchement, sur le bon coin, ils doivent recevoir des messages genre bah alors on aime le sexe? Ouais. Ce truc tellement nul. Non, il y avait des. Bah votre god fait 17, moi 21, et je parle pas de god. Avec une petite photo de bite en plus derrière. Voici, je parlais de ma bite en fait. Regardez la photo. La photo qui va avec. J'ai mis à côté d'une télécommande. Regardez. J'ai mis à côté d'une télécommande. Ça tout bourron, là. Vous voyez, voilà, avec une règle trafiquée. Tu vois, avec 35 cm. Et vous fiez pas aux apparences, c'est des millimètres, pas des centimètres la règle. Hein, c'est, voilà. Oui, donc le thème de l'émission, alors j'avais parlé des rendez-vous pourris, j'avais pris très large parce que j'avais pas ce que vous aviez en magasin, donc ça prend de la date, du rendez-vous professionnel, j'ai tapé extrêmement large. Par exemple, moi je voulais parler de mon rendez-vous chez le médecin que j'ai fait la semaine dernière, donc voilà, j'avais juste envie de parler de ça. Et, je voulais ça pas bien passé, Guigui. Je suis pas allé chez le docteur Guigui, docteur Guigui c'est un ophtalmo horrible. Ah, il t'as un truc à dire je crois. Si on est numéro 1 à cause de ça, c'est terrible. Tu m'en invites. Non mais on peut sampler ton pet et le remettre à chaque fois. Ah bah je l'invite aux auditeurs. Vous pouvez sampler le pet de Yvick qu'on a laissé et en faire une petite instru quoi. Gang. on est ensemble. Ça sera sur le prochain album d'Yvick. J'ai fait une prod avec ça. Non, moi je suis allé voir un podologue parce que j'ai eu un problème au pied récemment. En fait, j'ai laissé traîner un ongle incarné, ce que je vous déconseille de faire. La regarde TV qui est un petit regard. Okay. C'était en. T'en as ? Non, c'est juste que ça me dégoûte. Ah, okay. T'inquiète, je vais pas faire très long dessus. Sachant qu'il vient de péter dans un micro. Mais... bah, ouais, bah désolé, c'est mignon. Là, l'ongle incarné, j'ai l'image de l'ongle, c'est quoi ? C'est jaune un peu et tout machin ? Non, je vais te montrer. J'en ai un que j'ai essayé de soigner, j'y suis pas parvenu. C'est très dur à soigner. C'est très long. Non, ouais. C'est très long, donc moi j'ai dû aller. Regarde, Yvick, c'est ça. C'est... Ouais, je l'ai montré. Thomas, on se connaît très peu, je suis ravi d'échanger ça. Je comprends, ça m'est déjà arrivé aussi. C'est terrible. Ouais. Et en fait, moi, le problème, c'est que je l'ai laissé durer de mes 15 ans à aujourd'hui. J'en ai aujourd'hui 27. J'y suis jamais allé. Et là, récemment, j'ai eu une petite complication liée à ça. Voilà, j'ai voulu faire un peu de sport. Bien mal m'en a pris. Et ça s'est infecté. Donc, il a fallu que j'aille chez le podologue. Et c'est très particulier. Et en fait, le gars m'a pris pour un enfant de 2 ans. Et ça, je voulais vraiment le partager avec vous. C'est-à-dire... Il m'a embrassé le doigt de pied. Désoufflé. Mec. C'est juste pas du tout, c'est la méthode médicale. Déjà, j'ai trouvé ça limite que vous me demandiez pas ma carte vitale. Mais ouais. Alors, de sucer mon orteil, je trouve que là, vraiment. On est passé une borne. À tenter sur Doctolib, je vais pas vous mettre une très bonne note. Hein. Non, mais donc j'y vais. Et le gars donc m'opère. Alors, c'est très bizarre parce qu'il t'anesthésie juste l'orteil. Ok. Donc déjà c'est une sensation bizarre de perdre. Enfin moi je me suis jamais fait anesthésie pour quoi que ce soit. Même quand je vais chez le dentiste, j'avais eu des caries et je l'avais fait sans anesthésie. Parce que c'était des petites caries. Enfin, ça pouvait se faire sans anesthésie quoi. Ah ouais. Et pourquoi par peur? Ou... Non, en fait, c'est la dentiste m'a dit okay. Franchement, c'est des petites caries. On peut les faire sans anesthésie. Moi, okay. J'étais là, genre, je préfère, je m'en fous, allons vite, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, bref. Donc, je me fais opérer de l'orteil. Et en fait, l'anesthésie, le gars, voyant que j'étais pas forcément à l'aise avec. Parce qu'en fait, c'est pas que j'avais peur, mais c'est que vu que j'ai jamais fait ça, tu redoutes quand t'as jamais fait une opération, même si elle est bénigne. Là, c'est un tout petit truc. Il t'arrache la moitié de l'orteil pour t'enlever l'ongle de planter. C'est pas ouf, tu vois. C'est pas une opération à cœur ouvert, quoi. Donc le gars, il voit que je suis un peu en stress et le gars m'a fait le bruit du moustique avant de m'anesthésier, comme si vraiment j'avais rien fait. Bon alors attention, le moustique qui arrive, et moi j'étais genre, j'ai 27 ans, qu'est-ce qui est en train de se passer? Même si t'avais 8 ans, un moustique c'est flippant en fait, ça ne marche même pas ce qu'il fait. Et en fait là où ça marche vraiment pas, c'est qu'il a fait, et après il arrête, je fais... Bah y'a rien qui se passe. Ah ok d'accord. Alors, il a laissé 2 secondes entre le bzzz et piqué. Donc j'ai fait bah c'est vraiment ça ne marche pas de A à Z. Est-ce qu'après il t'a donné un antibiotique? Il a fait attention l'avion va aller à l'aéroport dans la bouche. Il m'a dessiné un papillon autour de ma piqûre. Non il m'a fait l'opération horrible. T'as voilà. Mis un pansement Fortnite ou pas? Non mais en gros voilà, il m'a fait l'opération que j'ai livé sur Instagram. J'ai fait un petit buzz. J'ai fait un petit buzz là-dessus. Et voilà, et depuis ça va mieux. Ça va mieux ton pied? ça va mieux. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que tu peux vraiment pas trop marcher pendant deux jours. Là, c'était vraiment, moi, c'était enfoncé, que vous vous rendiez compte, à 1,5 cm, ce qui est énorme en fait sur un orteil. Normalement, c'est quelques millimètres, un ongle incarné. Et là, c'est vraiment 1,5 cm. Ça ressortait en fait. Ça... De notre côté. Quand tu marches et que ça fait crrr sur le parquet, c'est vraiment que bah, vraiment il a fait le tour. Il y a Thomas qui gerbe tout simplement, qui est en train de dégueuler à mes pieds. Quand tu te coupes les ongles à partir de le de, vraiment de la plante de tes pieds. Ça. bon bref, et donc du coup non en fait tu peux pas marcher au début. Tu peux pas marcher au début et après ça va un peu mieux et en fait maintenant t'as juste un petit pansement où faut faire attention quoi. Mais c'est assez hideux hein, ouais, c'est assez dégueulasse, c'est, je vous le déconseille. Il y a eu des rendez-vous. J'avoue que ça me dégoûte un peu. Ah mon gars. Franchement, ça dégoûte. C'est tellement l'horreur. Le bail de dongle là. Il faisait une gueule de con en plus. Et je me marre et il fait je réfléchis. En fait, il préparait son père. Non, je réfléchis. Ce qui est beau, une anecdote, il faut que je réfléchisse. Bon, frérot, par contre. T'as réfléchi quelle pourrait être la meilleure blague. Tu mettras pas tous les pets, tu mettras juste un qui a vraiment été impactant. Mais là, tu peux pas remarrer vous. Tu crois que je vais m'amuser à choisir tes pets au montage, mon gars? C'est hors de. Moi, je le fais parce que c'est un toc, mais. Non. Le dernier semble être le plus efficace. Le impactant, il a dit. Le dernier, il était vraiment en mode. Oh non, allez, c'est bon. Le dernier, il y a vraiment. On entend presque la merde qui arrive. Vraiment, on l'entend en écho. Comme, tu sais, comme dans un coquillage. Tu entends la merde. T'entends la merde, là, c'est pas pareil. Non, moi, j'ai essayé de réfléchir parce que j'ai pas pensé en amont à un date spécial, là. Ouais. Et j'en ai plusieurs qui m'y en tête, mais je vais passer mon. Tu te laisses un petit peu comme un bon vin. Voilà, exactement, comme un bon vin. Y a t'as eu un rendez-vous toi chez le docteur qui ça va le passer ou pas du tout? Ouais, chez le docteur quand j'étais tout petit avec des amis, j'étais au primaire, je sais pas si c'est l'équivalent de quand nous on a primaire aussi. Ah oui. Ouais. Alors c'est quoi, de quel âge à quel âge? Que nous c'est de 6 à 10. Ouais, c'est ça, à peu près là-dedans. Et je jouais à la tag, vous savez c'est quoi? C'est chat, je pense. Chat, ouais. Et on jouait les yeux fermés, c'était un peu notre manière de lancer. Pas dangereux. Avec des couteaux. Ça rendait ça un peu plus intéressant. Bah, bien sûr, au bord de la nationale, bien sûr. Sur les rails, oui. Et du coup, on courait, et là, j'ai foncé, c'était moi qui étais à la tag, les yeux fermés, et j'ai foncé dans un poteau de soccer. D'accord. Mon œil a foncé dans le poteau en fait. Oh la vache. Et ouais, donc là ça s'est vraiment tout ouvert. On est allé à l'hôpital en urgence. Tout ça. Et bref, on arrive là, la madame elle me rend une intraveineuse vraiment. Donc tu perdais beaucoup de sang. Oui, c'était assez terrible. Puis là finalement ils me font des points de suture mais sans désinfecter la blessure. Oh là. Ce qui fait que finalement je développe la maladie mangeuse de chair dans l'œil, tout ça. Quoi? Attends, c'est vrai? Ouais, ben en tout cas, elle était présente, mais. Donc là, c'était un peu la merde. Et là, le lendemain, quand je me réveille, moi, j'avais tout, la moitié du visage vraiment bleu. Ouais. Il vit qu'un paix, peut-être? Mais qui colle avec l'histoire? T'as l'enfer! Là, après ça, donc, j'ai été hospitalisé suite à ça pour deux semaines, juste pour avoir joué au chat. Ah ouais. Mais après c'est bien parce que je pouvais jouer à Mario, il y avait la Nintendo tout ça. Ah le mec se plaint, ça va. Ouais, cette partie là était. Tu n'as plus jamais joué à ça du coup de ta vie. À tag. Non, mais les yeux ouverts maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai appris. Ouais. Ça c'est trop. C'est trop... Pourquoi se mettre cet obstacle là On était jeunes et fous. Ah ouais. Mais sur un champ de mine. Oh, merde. Dans les auditeurs, on m'en a envoyé quelques-uns de très jolis avec les médecins. C'est anecdote, à 25 ans, j'ai eu une grosse crise d'hémorroïdes. J'atterris chez le gastro-entérologue qui décide de l'incident. En tout cas, qui soigne, j'imagine. Je me retrouve à quatre pattes sur la table d'auscultation. Il me demande de mettre la joue sur la table pour bien avoir le cul en l'air. Ah, je l'ai fait ça. Sympa. Je me retrouve en position, l'équivalent d'une levrette. Il anesthésie les parties sensibles et d'un coup de scalpel, splash, ça gicle comme une ombre à eau qu'on crève. Ça, bombe à eau, je pense. Une bombe à eau, ouais, ça doit être le correcteur orthographique. J'en ai plein les mollets. Il les nettoie vite fait. Je descends de la table et je fais un malaise vagal. Donc je tombe sur le tapis, je fais 100 kilos. Le gars me relève comme il peut, me donne un jus de fruits et me laisse partir. 100 mètres de pansement, du coup il a oublié à cause de la chute. Il a saigné du cul pendant. Je me retrouve dans ma caisse avec le cul qui saigne à dégueulasser les sièges et mon futal. Ça m'est arrivé deux autres fois depuis. Oh merde. Où j'ai refait des malaises vagaux, mais heureusement là il a pensé à mettre des petits pansements. C'est Greg Romano. C'est possible. Possiblement Greg Romano, c'est très Greg Romano dans l'histoire. Mais je pense qu'il aurait dit que c'était lui. Ouais. Du coup, tu l'as dit. Il y a quelqu'un aussi qui est allé voir le médecin parce qu'il avait un pénis très rouge Il est allé voir un urologue. Il était pas très à l'aise quand il est allé pendant le. Il l'a repeint en bleu. J'ai fait un truc. C'est bon, rentrez chez vous. Un motif. C'est bleu. Vous êtes content? Pendant le rendez-vous, après avoir longtemps examiné mon pénis, elle tape dessus et rigole l'air de rien. Elle me dit alors, bah, elle a rien du tout votre bite, faut juste vous calmer sur la branlette. Ah ouais, oh, ça m'arrive. Mais vraiment comme une beauf. Elle a vraiment dit juste ça, apparemment ce qu'il dit, il dit vraiment comme une vieille beauf. Elle, ah fait, mon Dieu. Bah, elle a rien du tout cette bite. Bon, faut juste te calmer un peu sur la branlette là. Hein, monsieur le texier? Enfin, apparemment c'était. Le texier, c'est le nom de famille de mon père, donc c'est sûrement mon père. J'ai encore mille histoires de coloscopie. Freddy, toi, t'as déjà fait un tour chez un médecin? Non, pas trop. Oh la vache, oh. On a perdu la vue. Dans les locaux, on a perdu la lumière. Attends, c'est pas mal en fait ça. Attends, je vais allumer là pendant que quelqu'un parle à ma place. D'accord. Hello. Salut, c'est Freddy Gladieux. Fais gaffe, il y a les prises. Je fais des stories, des vlogs et tout. Bavard. C'est Freddy Gladieux. Bavard. Mais cela dit, moi, il m'est arrivé la même chose. Sympa. Bon, ça ira. Il m'est arrivé la même chose avec ma bite, moi. Mais sauf que moi, j'étais pas allé chez le médecin, mais j'étais jeune. Hein. Et remarque, je te fais pas si jeune maintenant que j'y pense, parce que mon frère était, que mon frère était parce déjà infirmier, donc. On perdait l'Italie en finale 2006. Quoi. Mon frère avait déjà une chaîne YouTube, mais oui, c'était. Parce qu'on a gagné la deuxième Coupe du Monde. Ah oui, c'était vraiment récent. Non, mais j'avais un truc. Enfin, j'avais un truc bizarre. Mon pénis est un peu dans le même genre quoi. Et j'avais montré à mon frère parce qu'il était infirmier. Et il m'avait dit la même chose quoi. Il m'avait dit non, bah juste peut-être calme-toi. C'est un peu humiliant, mais sans doute moins que si j'étais allé chez le médecin. Mais j'ai eu ça frère. Gamin aussi avec mal aux couilles. Et pareil, apparemment, elle m'a dit qu'à moi elle était mignonne. Parce que j'étais avec ma mère. Ouais. Et elle a dit je vais lui faire. Je vais lui dire ce qu'il a, mais vous pouvez attendre à la sortie, c'est rien de grave du tout. Sympa. Et voilà. Bon, je pense qu'après, elle lui a vraiment dit juste pas devant moi pour pas me gêner. Mais t'es sorti, ta mère a dit c'est la branlette. Ouais. C'est ça. C'est fou. Tu sais que quand j'étais enfant, la première fois que je me suis branlé, j'étais persuadé que lorsque j'irais voir le médecin, je sais pas pourquoi, médecin aurait l'info et il le dirait à ma mère, genre. Là, ça, il l'a fait là. J'étais persuadé. Genre, t'as un hymen de garçon. Je sais pas, qui donne l'info, tu vois. C'est exactement ça, il a un stéthoscope, de gars, il te met le stéthoscope sur le dos. Eh bah dis donc, salaud. C'est ça. Dis donc, ouais, là, c'est ça. Ouais. Ça respire comme un bon branleur là. Ça, c'était ma crainte quoi. Mais moi j'ai déjà montré mon pénis, bah, c'était enfin à un médecin. Il m'avait rien demandé. Un médecin dans la rue. Non, j'étais avec une meuf qui a développé une sorte de champignon quoi, ah ouais, dans son vagin. Oh, tu vois. Et ça arrive, hein, ça arrive. Et il est mort de rire, les gars. Que Flaubert a dit ah cool. En mangeant tellement plein de frites. En disant ça va. C'est une belle actu quoi. Et elle me disait ouais, j'ai envie de voir le. Enfin, je vais aller chez le médecin, mais je passe, j'ai un peu honte, etc. Et tout, donc je l'ai accompagnée parce que moi aussi j'aurais pu attraper ce truc là. Bah bien sûr. Donc on y allait une sorte de couple quoi. Et elle passe. Sympa de ta part. Elle passe avant moi, ouais, je suis tellement ce gars. Et elle passe avant moi, c'était une femme médecin. Et c'était Dr Quinn. C'était Dr Quinn. Okay, c'était Dr Quinn. Mais si j'ai inventé un truc, c'est une série en fait. C'est une fausse histoire. Donc moi je demande à Huggy, est-ce que t'as un bon tuyau pour aller chez le médecin? Il me dit ouais. Il me ramène dans une voiture, c'est une K2000. On dit le titre. Ouais. Carrément. La référence, ouais, c'est de dire le titre. C'est bah, la chérie. Et là ils sont avec moi. Là c'est Grey's Anatomy. Stranger Things. Voilà. C'était bref, mais pas bref. Et donc elle passe avant moi, elle voit le médecin, on voit chacun notre tour. Et je passe en deuxième. Et donc déjà c'est hyper humiliant de quand il va pas pour toi, moi j'y allais pas vraiment pour moi quoi. Ouais. Et elle me dit pouvez-vous retirer votre caleçon, enfin votre jean, votre caleçon. J'étais hyper gêné. Et il y a un truc quand même de montrer son pénis à. Enfin, qui est pas en érection à une femme, je sais pas, c'est un particulier quoi. Ouais, c'est pas, en plus, c'est pas en plus, ton dans meilleur ces... jour quoi. Ouais, en plus dans ces moments-là, t'étais vraiment pas à l'aise et tout, j'étais vraiment pas à l'aise et elle me le touche, mais comme si c'était. Je sais pas, c'était humiliant. Il y avait un truc de. Elle faisait ça quoi, comme ça, avec ses. Ouais, elle avait un truc de. Ouais, même pas elle te branle quoi. Ouais. Genre, tu regardes un échantillon de papier peint dans non. une tête, tu vois. Ouais, celui-là il est pas mal. Le tissu pour le canapé, tu sais. Bah, celui-là il est pas mal, regarde. Non, mais tu sais, je sens un truc où vraiment, mais vraiment pas à l'aise quoi. Et après, elle me dit bon bah dites-le-moi, vous couchez avec d'autres femmes? Ouais, là. Je lui dis, mais de quoi? Elle me dit, ouais, enfin, votre compagne, c'est pas la seule, quoi. Vous couchez avec d'autres meufs, alors que c'est vraiment pas du tout, que j'étais vraiment fidèle. En fait, t'es la merde. Je lui dis, non, ouais, c'est tellement ça. Et en fait, elle était persuadée que j'avais couché avec d'autres meufs et c'est moi qui lui avais refilé ce truc-là, quoi. Ah, tu vois. Et, hashtag men are trash. Et du coup, c'était humiliant, vraiment humiliant, sale pute. Oh non, pardon. Attends, ouais. Et du coup, moi, pardon, ça n'a pas de rapport. Et elle le savait peut-être pas à l'époque, mais elle m'a humilié. Tu m'as humilié. Maëva, je m'en rappelle, sale pute. Mais moi, il m'est arrivé, du coup, parce qu'on est clairement dans le même thème, c'est que j'étais allé aussi, moi, chez le médecin pour des rougeurs au pénis et tout, des trucs. Et je pense qu'en fait, elle avait été sympa parce qu'elle m'avait dit, ah bah, vous êtes sans doute allergique au gel douche et tout. En fait, c'est clairement, je me branlais trop, je pense, et elle a essayé de me dire autre chose. Mais le truc qui était un peu humiliant aussi, c'était que j'étais quand même assez vieux. Genre j'avais je sais pas, j'avais peut-être 20 ans. OK, j'imaginais bien plus vieux. Non mais non. J'y suis retourné plus vieux et même conclusion a priori. Parce que je me suis dit mais quand même j'ai encore ce truc, c'est pas possible. C'est toujours la même chose hein. Qu'est-ce que je dis? Oui, et donc je dis ouais voilà, j'ai des rougeurs et tout machin, etc. Et elle me dit est-ce que c'était quand votre dernière relation sexuelle? Et j'ai dit jamais. Et du coup, c'était un peu. Ah ouais! Un peu. Et il un t'a peu dit mignon. Maintenant? elle a fermé la porte à clé, elle a fait ça. Mais c'est vrai qu'on a parlé que de pénis. Enfin, médecine pénis. Ouais. Quasiment. Après, moi, je peux pas trop parler de mon utérus pour être tout à fait honnête. Mais. Okay. Le truc, c'est que c'est souvent. Non, il y a eu un trou de balle qui saigne aussi, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Je te prierai de pas oublier ce monsieur. Cela dit, les deux trucs des auditeurs, j'ai eu une expérience similaire, quoi. Parce que moi aussi, j'ai eu un truc dans le trou de balle et tout. On me l'a pas incisé, mais. Non, mais alors moi c'est une anecdote. Il m'a mis un bon doigt dans le cul et un spéculum quand même. Ah! Et après. et les clés d'une 206. Et après, ça, j'ai pas compris. Et après, je suis allé travailler. J'étais animateur centre de loisirs à l'époque. Et je suis allé très tôt le matin. Et après, je suis allé avec les enfants. Hey, c'est vrai, gars. Et je m'étais pris un spéculum dans le cul le matin même. Et j'avais eu ça en tête, forcément. J'avais ce. Est-ce que c'est. Si vous saviez. Est-ce que c'est la première ligne du deuxième chapitre de ton autobiographie où tu fais. Ce matin-là, 2 heures avant, j'avais eu un spéculum dans le cul. Et là, je jouais avec les enfants. Personne ne le savait, mais sauf moi. Moi, j'ai pas eu trop de trucs vis-à-vis de la bite et des médecins. Mais bite qui, je le rappelle. Est grosse, donc tu vois, okay. Ça a été encore j'avais plus gênant, tu vois. Et longue. Et donc voilà, ça a été compliqué. Non, et donc, j'ai le dermato. Et normalement, j'avais toujours une dermato femme. Donc, je me disais, bon, quand c'est une femme, ça va toujours être plus facile, entre guillemets, qu'un homme. Attends, c'était pour de la bite là? Ou pas du tout. En fait, j'avais une sorte de début de verrue au niveau de la bitasse, tu vois. Bien sûr. Et une sorte de petite émestelle, mais il m'avait expliqué le mec. Ouais. C'est sympa, hein, une petite émestelle là, c'est d'un coup. Non, c'est ça va, cool, mais attends. Tu sais, ici, c'est radio libre. Ah, ok, parce que. Je plaisais énormément, tu vois. Et donc, donc j'avais une émestelle, donc c'était une sorte de mini. Sans capote et des clodos. Essentiellement. Voilà. Ça, évitez les jeunes. Ça, si on peut donner un petit message aux jeunes, évitez. Ouais. Au moins, pas la nuit, parce qu'on voit pas bien. Voilà, exactement. Donc, bref, non, j'arrive avec ma verrue en haut de la bitasse. Et elle arrive et il vient pour mettre du coup le pistolet à brûlure. Ah, ouais, le truc, l'azote liquide là. Ouais, voilà, pour me brûler. Un taser, c'est très douloureux. Et donc, en vrai, il s'est rien passé de fou, il me l'a vraiment brûlé. Mais c'est juste horrible cette sensation de dire bah, elle est là. Et tu baisses en haut, je baisse à la moitié de ma bite pour que voilà, j'ai pas envie de tout lui montrer. Il fait ah, il faut, je vois pas très bien là. Bah si, tu vois bien, elle est là en fait. Ouais. Tu veux pas, elle a dit non, mais là elle est molle. Je peux pas, je vois rien là. Il t'a massé le cul comme ça. Et tu fais quoi là? Il a fait, mais branle-toi. Quoi? Tu viens juste de me demander de me branler là? Ouais, non, tu peux le faire, je le fais, mais voilà. Non, je peux pas, c'est médical, c'est bon, médical. Bon, écoute, Yvick, je me mets torse nu. Quoi? Et voilà, et il m'a vraiment brûlé le truc. Et bon, lui, il a rien mis comme malaise et tout, mais il fallait vraiment que j'ai mon. En fait, c'est la sensation de se dire, tu te baisses, tu montes, et puis lui qui est grave détente. Grave détente avec ça, oh, bah, une queue c'est une queue, hein, voilà, mais pour toi tu dis oui, mais c'est pas n'importe quelle queue, c'est ma queue. Et là, je suis en train de te montrer à toi que je connais, que j'ai jamais vu de ma vie. Oui, bien sûr. Je monte ma queue. Ah, c'est très dur, c'est, ouais. Enfin, c'est compliqué. Il m'est arrivé un truc gênant aussi, j'en ai beaucoup apparemment. Écoute, non, mais bah, pareil, en fait, j'avais des. En fait, j'ai la peau hyper fragile, donc en fait, j'ai des. Et je fais de l'eczéma, des trucs comme ça. Et du coup, des fois. Oh, le nul! Pardon. Du coup, bon, j'avais un peu des rougeurs sur la bite, mais là, c'était il y a vraiment 3 ans. Quoi. Et j'étais allé chez le dermatologue. Le podcast existait déjà, c'est vous dire. Non, mais je gardais pour la saveur, la fine bouche. Non, je vais chez le dermatologue et il me dit bon bah allongez-vous et tout, donc je m'allonge, je baisse mon frog, donc je suis la bite à l'air et tout, et donc moi je suis sur le dos, lui il est debout et il ausculte ma bite et tout, il fait et il termine son auscultation. Et il me parle, moi je suis toujours allongé, mais il me dit jamais, bah c'est bon, vous pouvez ranger votre bite quoi. Et donc il me parle, il me fait, bon écoutez, c'est rien, hein. C'est juste, voilà, c'est des petites allergies et tout. Et moi je suis à poil, mais pendant ultra longtemps. Et vraiment, juste moi dans ma tête, je me souviens pas de ce qu'il a dit parce que juste pensais, est-ce que je peux ranger ma bite? Je suis à poil. Et vraiment, t'es allongé, les bras le long du corps, tu sais, et t'es genre, d'accord. D'accord, donc ça peut se. D'accord, changer de gel douche. D'accord, très bien. Et vraiment, t'as la bite, mais en plus, nul, tu sais, qui sort un peu du caleçon, tu sais, avec le limite ouais. L'élastique en dessous, qui timide. Vraiment horrible. Ah, et lui, il parle comme si derrière. Lui, il parle normal, et en plus, il est au niveau de ta bite, lui, il est pas au niveau de ta tête. Il reçoit un coup de fil et tout. Oui, allô. Et lui, il a. Tu vas attendre. Sous le nez. Il a ma bite sous le nez, en plus, tu vois, juste devant là. C'est il vrai. Parle et tout. Genre, C'est drôle, si reçoit un coup de fil, tu veux ranger ta bite. Non. Attends, vous embêtez pas, vous embêtez pas. J'ai pas fini de parler. Par contre. Il prend une photo, il sort son téléphone. Voilà. C'est bon. Non, après, en rendez-vous médicaux, j'ai jamais eu de trop trucs, enfin des trucs trop gênants. Non, mais moi non plus. Hein. Enfin, je prenais large. Parce qu'on a aussi des trucs sur rendez-vous professionnels. Parce que moi, j'en ai quelques-uns quelqu'un aussi. Quelqu'un a déjà fait une analyse de sel ou pas? De crotte? Non. Ah, toi, t'as déjà eu, toi, t'avais raconté. Alors, depuis, mais toi, tu l'as déjà raconté, je crois. Chier dans la petite botte là? Non, toi, t'as raconté ton bro de pisse. Bah, jerrycan de pisse. Ton jerrycan de pisse. Parce qu'il y a plusieurs types d'analyses d'urine. Tu pisses une fois dans un flacon et ils analysent. Et il y a un truc qui s'appelle les urines de 24 heures. Et là, ils te donnent un bidon de 3 litres. Et ils disent, toute votre pisse de 24 heures, vous pissez là-dedans et vous nous l'amenez. Et du coup, tu es dans la rue avec un bidon de pisse. Et c'est comme ça qu'on crée du Fanta, d'ailleurs. Je crois. Et après bah, moi, si je veux bien animer des colocs à la Maison Fanta, donc peut-être pas du Fanta, du Orangina, du Orangina, pardon, j'adore Fanta la thune. Fanta a été créé par les nazis. Ah non, non, vraie info. Ouais, c'est une vraie info. Non, c'est une vraie info. C'est créé. Si tu regardes sur Wikipédia de Fanta, il y a marqué pays d'origine. Reich allemand. Ouais. Reich allemand. Et t'as le drapeau. Oh, allez, je vous fais l'histoire, j'aime bien. Fanta, en gros, c'est une marque donc de la Coca-Cola Company. Et au moment de la Seconde Guerre mondiale, Hitler a évidemment arrêté de travailler avec les Américains. Donc il a coupé l'importation de cola des autres pays du monde. Donc la Coca-Cola Company Allemagne s'est retrouvée bien embêtée parce qu'ils ne pouvaient plus faire du coca. Donc du coup, ils ont dû trouver un truc de chez eux, donc l'orange. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le Fanta. Et c'était tellement bon qu'après la Seconde Guerre mondiale, ça a continué à se commercialiser. Sauf que le vrai pays d'origine du Fanta, c'est l'Allemagne nazie. Voilà. Ok, McFly et Carlito. Ah, on en parle moins de ça, hein. T'imagines si chez eux, il n'y avait que de l'ail. C'est dégueulasse. C'est vraiment des bulles, la pire boisson, quoi. Vraiment, de l'ail, de l'ail Hitler. Oh. Après, je déteste les nazis, hein, je le dis quand même. Moi, je les aime pas trop non plus. Non, moi, pour moi, ils ont fait beaucoup de mal à ce monde. Voilà, bien trop. Et ils continuent. Très peu d'achats d'albums de nazis, je crois, donc. Non, moi, je déteste en tout cas. Ouais, Thomas, les nazis, ton avis? Bah, plus ou moins, ça. Je comprends. Il y a un plus, quand même. On est tous sur la même longueur d'onde. Ok, cool, j'ai peur. Peut-être moins que plus. Attends, je réfléchis. Ouais, moins que plus, quand même. Combien de branlettes? Si on en invite pas, on pourra jamais savoir. Non, mais c'est ça aussi. Combien de branlettes par jour, Adrien? À un moment où c'était rouge? Pas là, pas. Cette transition de naze. Je sais pas, une. Une seule? Oui, quoi, non, ça va. Quoi? Non, mais elle a duré vraiment 5 heures. Ah, mais en revanche, ça suffisait. Je me branle très longtemps, moi. Oui, moi aussi. Non, mais moi, je vais pas le faire. J'ai pas un nombre énorme, mais par contre, c'est vrai que j'aime bien les. Quand elles durent plus longtemps que 5 minutes en mode. Comme ça et tout. Ouais. Que tu sois, voilà. un peu stylé quoi. 2-3 heures. Non mais moi en fait moi c'est aussi la recherche de vidéos qui prend du coup hein, c'est pas je veux pas forcément que ça dure longtemps, mais le temps de chercher une vidéo porno, ça peut vraiment c'est drôle, parce que moi c'est vrai que je me prends la tête pour ça. Ouais, moi il y a un peu un truc de et j'ai assisté à un tournage porno avec Moniel Ferrara. Oh. Voilà. Et c'est drôle parce qu'il se prenait beaucoup la tête sur des trucs que nous on calcule vraiment jamais quand on est sur genre quoi. Dans la lumière. Exactement. Ah oui, d'accord. La meuf, elle voulait faire un effet. Bon, je voulais en parler de cette anecdote-là dans une autre émission, mais c'est toi qui vas avoir l'exclu. Yes. Dans votre gueule, Radio Sex. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, pardon. Ou alors je le ferai dans les deux. Ouais. Bah oui. Et la meuf qui réalisait le truc, parce que c'était pas un tournage où Manuel jouait. Parce que ouais. Je lui ai dit, je pourrais te voir. Parce que tu le connais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et je le voyais déjà dans plein de films sur Xvidéo. Voilà. C'est pour citer que ce site-là. Bien sûr. Pour pas faire la concu. Bien sûr. Parce que j'ai des parts dedans. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ouais. T'en connais pas, toi, d'autres? Non. Attendez, il y a des sites porno sur Internet. Attendez. Il existe du porno autre que dans nos vies intimes. Tu sais que filmé. T'as essayé d'aller plus loin que cette vanne. Ouais, j'essaie d'imaginer la suite. Il existe le sexe. C'est ça. Je crois que. C'est ça. Bon, et la meuf qui a réalisé ça, elle a mis un vidéoprojecteur qu'elle a fait projeter sur une toile, sur des rideaux transparents. Et c'était des images de ciel avec des nuages, tout ça. Et la meuf qui arrivait, elle devait être devant le vidéoprojecteur et que son ombre, elle se projette là-dedans. Ouais. Ça a pris 2 heures au moins à mettre en place. J'ai vu la vidéo, j'ai oui, au moment où la meuf a sa queue du mec dans la bouche, mais pas du tout quand il y a la lumière. Tu veux dire que le ciel bleu a peu joué dans ton orgasme? Il n'y avait personne. Et la meuf, c'était, pour l'anecdote, c'était l'ex de Charlie Sheen, qui était actrice porno. Ah ouais? Ah, Denise Richards. Non, pas du tout. Et c'était là, et c'était très marrant parce qu'au début, j'avais trop peur de bander. Parce que tu sais, pendant le. Ouais, dommage, bah oui, ouais. Et en fait, pas du tout, parce que t'as tellement de caméraman, de gens, c'est très pro finalement. Ouais, ouais, ouais. Que je suis allé aux toilettes me branler. Non, mais que du coup, t'as même pas le réflexe ou l'envie parce que c'est tellement pro en fait que. Ouais, c'est vraiment. C'est pas excitant quoi. Ouais, alors que moi, si, parce que c'est les caméramans qui me font bander. Mais okay, que ouais, je me branle que sur les caméramans. Ils ont que des gueules, mais d'énormes branleurs. C'est ce que je veux dire. C'est vraiment des mecs qu'ils pouvaient pas faire autre métier que ça en fait. Tu veux dire qu'ils sont même pas payés? Mais ils ont bénévoles. Des professionnels de ça. Mais par contre, ils parlent avec des actrices et tout au calme après. Enfin, tu sais, c'est trop bizarre comme ambiance. Oui, c'est ça. C'est quand t'as pas baigné dedans, sans mauvais jeu de mots. C'est pas pourquoi, le truc. Pourquoi ce serait quoi le jeu de mots? Genre du sperme, je voulais dire. Genre du sperme. un bas de sperme. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Une piscine olympique. Une piscine olympique de sperme. Est-ce qu'on a la preuve que le sperme est bon pour la peau? Ça, j'y crois pas du tout. Pourquoi? Scientifique. Ça a toujours été un peu le mythe chez les mecs qui voulaient éjaculer sur le visage de leur meuf, de leur dire attends, c'est bon pour la peau. C'est ce que je veux dire. En quelle année? L'huile de ricin, je suis d'accord, tu vois, c'est pas mal pour la pousse des poils et tout machin, mais le sperme, pour avoir testé, ma moustache était au même niveau. Enfin, par rapport à du beurre de karité, par exemple. C'est un titre, voilà. Non, mais y a pas de dit. Enfin, je sais pas si c'est ce mythe-là. Dans les commentaires, réagissez sur le hashtag Footcast. Il n'y a pas de commentaires. Si, des fois sur SoundCloud, les gens laissent des petits commentaires. Ça arrive sur Twitter, aussi on m'envoie des petits tweets. Voilà. Twitter, allez-y. J'ai F de souche, on est ensemble. Non. Quoi? Pas du tout. J'avais oublié ce compte. C'était pour Sardoche. Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, Thomas, tu sais que c'est pour toi. Hein. Et voilà. Tu sais que la France t'offre ça. Merci. On a encore Ivy qui va faire un saut TPT. Est-ce que je le teste en face Burry? Vas-y. Attends, vous avez pas vu, mais il a vraiment fait un face Burry. Il a fait un saut. Il a fait un truc que tu fais dans Ninja Warrior pour aller à la finale. Il a fait un truc magnifique. C'était magnifique. Avec le quelqu'un veut une bière. J'enchaîne avec des rendez-vous professionnels, mais sans aucun lien. Adrien, toi, tu m'avais dit que t'avais eu ça. J'ai eu un casting vraiment hideux. Vas-y, tu peux nous en parler. Alors, c'était un casting pour une série. Alors, déjà, de base. Est-ce que tu peux nous dire la série ou pas? Non. Sachant que non, si tu peux éviter du montage, j'ai déjà écrit les non, time codes. Je vais pas le dire, mais en tout cas. Mais c'est déjà... Baron Noir, en tout cas. C'est Baron Noir, on peut le dire. Non, pas du tout. Non, c'est une série plutôt cool en plus. Et, c'est presque adulte. Et non, j'ai dit, c'était plutôt cool. Oh il tire à balles réelles. Non, et bon, déjà, c'était vraiment le casting où mon agent m'avait dit. Oui, il y a un casting marrant. Non. J'allais dire un truc, genre c'était dans l'urgence et tout, mais non, pas celui-là. Mm. Mais en tout cas, clairement, j'auditionnais pour un mec beaucoup plus jeune que mon âge réel. D'accord. Et je m'en suis rendu compte vraiment dans la salle d'attente, okay, où j'ai fait ah, mais genre le mec est censé avoir genre 25 ans. Et toi t'avais ? Bah c'était l'an dernier, donc j'avais. Non, mais même 21 ans. Non, mais j'avais 38 quoi. Oui. Et donc j'étais genre ouais, bon, je fais peut-être plus jeune, mais là 25 ans. Tu t'as carrément joué un directeur dans une série Disney là. Oui, j'ai joué un prof de maths. Ça me rappelle à Golden Moustache quand on cherchait un ado, on fait bon, on va raser Flaubert. Les gars, je commence à être un peu vieux quand même. Mais voilà, et donc je me dis bon, déjà, j'ai quand même une calvitie et tout, donc voilà, le mec. Quoi? Enfin, il paraît. Enfin, oui, c'est la blague que j'ai fait. Ils ont fait cette blague, je sais pas pourquoi. Ouais. Non. Et donc, déjà, ils me voient, ils savent pas trop qui je suis et tout. Donc, je me dis bon, j'espère qu'au moins ils sont au courant que je suis là. Et c'est trop marrant qu'ils t'aient appelé toi. Non, mais je pense que c'est mon agent qui a dû me caser, tu vois, qui a dit ah bah il y a lui, prenez-le, hop, tu vois. Mais je pense que eux, ils savaient pas qui j'étais du tout, je pense. Ce qui est toujours cool déjà d'arriver et vraiment bon. Et la meuf me fait premier truc, donc j'arrive et tout, je suis debout et la meuf fait salut, tu connais la série un peu, t'as regardé? Je fais non, j'ai pas regardé et tout. Et la meuf fait non mais tu viens à un casting, t'as rien regardé. Et vraiment elle me gueule dessus direct, elle me gronde comme si j'étais un enfant quoi. Elle dit t'as internet, t'as tout, t'as même pas regardé le générique. En plus le générique il est super et tout, tu as même pas regardé. J'ai envie de voir ce que c'est comme série. Tu t'es pas dit que c'était un test parce que le personnage dans la série il se fait gronder souvent. Non mais vraiment, moi j'ai cru putain, j'espère que je vais pas oublier des détails. Ah, mais... putain, non mais en vrai je me suis dit, est-ce que c'est une méthode pour déstabiliser les gens? Ah, donc vraiment tu as cru un peu? Oui ça parce que, et donc j'étais genre Ouais, je sais, ouais, genre, je suis désolé et tout machin. Est-ce que après je peux comprendre que tu dises putain mec, tu pourrais au moins regarder, te renseigner et tout. Mais voilà, et la meuf, donc je dis ouais, pardon, je suis désolé. Elle fait non, mais parce que merde, tu vois. Et genre elle continue pendant deux plombes à m'engueuler. Donc au bout d'un moment je suis genre bon, on va peut-être passer à autre chose quoi, tu vois. Je le dis pas évidemment. Et la meuf fait bon, on y va et tout. Et c'était l'été, c'était genre au mois d'août. Donc il faisait vraiment, sans exagérer, 37 degrés quoi. Et moi j'étais venu à pied, je crevais le chaud et tout. Et généralement à un casting on te propose un verre d'eau quoi, au moins. Et donc j'arrive, elle s'assoit derrière sa caméra, elle fait bon on va y aller et tout. Et je fais désolé, je pourrais avoir un verre d'eau? Et elle fait elle lève les yeux au ciel, elle se lève et elle fait là il y a de l'eau là. Elle monte le truc, donc je vais me servir un verre. Je fais merci et tout. Dans un aquarium. Dans un puits où tous les poissons étaient morts. Non, et vraiment, donc je me sers moi-même mon verre d'eau et tout. Et on commence, et elle dit bon, en gros il y avait deux personnages, il y avait une, il y avait le mien, il y avait une dame qui avait une réplique au tout début qui disait bonjour machin, tu vois, et après c'était un dialogue entre deux personnes, et elle dit bah moi je vais faire madame machin et mon assistant va faire celui qui te donne la réplique. Et je dis ok, très bien. Et généralement, en tout cas les castings que j'ai fait jusqu'à présent, au début tu fais le texte au début tu fais le texte normal, tu vois, enfin genre tu colles le texte. Tu veux dire que tu fais le texte, l'animateur de Des Amours? Bien sûr, ouais. Qui est mon cousin? La vie de ma mère, c'est vrai, c'est pas le texier. Ton famille, c'est le texier, c'est un de mes cousins à moi. Bah non, bah mais là, si, non mais tu peux pas interrompre un truc avec c'est de la merde mon ami. pardon, mais je vous le dis, on en parlera fou après, mais c'est vrai. Ah non, mais génial. Non mais merde, putain, bon. Donc généralement tu colles au texte et après ils disent bon, on va en refaire une, on peut improviser et tout machin, etc. Et donc normalement le personnage de la meuf me disait bonjour et c'est tout. Donc elle commence, elle fait bonjour machin. Je fais bonjour madame truc et tout. Elle fait c'est bizarre comme prénom machin et tout. Et je fais ouais et tout. Et dans ma tête moi je me dis putain, ils m'ont pas envoyé le bon texte quoi. Ok. Tu vois, parce qu'elle me sort un truc comme ça. T'as rien à voir en fait. T'as rien à voir. Ouais. Et donc je fais donc je dis ouais. Et elle continue de me parler et tout. Et je fais je suis désolé, je crois que j'ai pas dû avoir le bon texte et tout. Et elle fait, oh là là, elle éteint sa caméra et vraiment elle soupire, mais genre comme si j'étais la plus grosse des merdes. Mais vraiment à chaque fois, quoi. Elle fait, et donc, et son assistant qui était gentil pour le coup, il fait, non, non, mais c'est de l'impro en fait et tout. Et je fais, ah, ok, pardon, désolé, non, il n'y a pas de souci. Elle fait, non, mais c'est bon, on va faire le texte parce que. Et je fais, non, non, non, mais on peut improviser, il n'y a pas de problème et tout. Elle fait, non, mais on va faire le texte, on va faire le texte parce oh là que là. Là l'enfer, et donc je fais, donc je fais, ok. Et vraiment c'était horrible quoi. Et donc on recommence. Et donc elle fait bonjour machin, tu sais genre limite elle met le ton genre donc je fais bonjour et tout. Et heureusement après son assistant lui est quand même parti en impro. Et du coup j'ai improvisé, j'ai montré tout ça. Et après ça allait. Après elle a genre elle a baissé le bouclier tout simplement. Ouais, elle a vu que j'étais excellent quoi. Ouais, non, je n'ai pas eu, j'ai pas été pris. Comme tous mes castings. non mais après c'est calmé, elle m'a donné des indications genre qui étaient valides quoi. Délicieuse. Genre elle a dit bah là peut-être fais le plus comme ça machin, on a refait. La deuxième scène c'était mieux et elle a dit ouais tu t'es bien rattrapé et tout machin donc j'étais content. Elle a été enfin voilà, mais elle était horrible vraiment, elle faisait tout pour me faire dire t'es de la pire des merdes. Et je me suis demandé si c'était une technique pour déstabiliser les gens pour voir comment ils s'en sortaient quoi. C'est fou. Ouais, elle aime faire ça pendant des années. Sa carrière entière, elle aime faire ça. Mais hors du travail aussi en fait, elle aime tellement son taf qu'elle le fait tout le temps. Mais je me suis dit, en tout cas, c'est formateur quoi, parce que si tu arrives quand même à faire le casting, C'était la méthode de Stanley Kubrick. Oh, franchement, ah ouais, Stanley Kubrick. Incapable. Ah non, ça c'est trop dur, mais Stanley Kubrick, c'est ce qu'il avait fait sur Shining. Stanley Kubrick, apparemment, c'était tellement pervers que Jack Nicholson. Il pétait dans un micro pendant que le mec. Mais joue là, parce que je pète, que tu t'arrêtes. Non, mais genre Jack Nicholson, il lui faisait faire genre 3 prises. Il fait bon, on va faire le contre-champ. Et il faisait faire 60 prises à la meuf pour qu'elle soit dans un état de nerfs et de fatigue, vu qu'elle joue la victime de l'autre, qu'elle arrive à un état de nerfs et de fatigue où elle perd la tête à la moitié, comme dans le film, quoi. Et c'était la technique de Kubrick. Et à la fin c'est du bien joué parce qu'elle joue très mal devant. C'est vrai À côté de ça, Nicholson fait une pure carrière et pas elle. Dans Shining Oui, bah, elle joue bien. Elle a eu le prix de la pire comédienne de l'année. Ah ouais, elle joue bien dedans pourtant. Ah non, c'est odieux. Oh bah, donc tu critiques le film Shining, c'est cool. Totalement. Ok, Freddy. Il m'a ennuyé. Odieux, j'ai dit. Odieux. Bah, Yvick a adoré. Yvick, toi d'ailleurs, t'as eu des trucs professionnels? J'étais en train de réfléchir à ça. Toi déjà, c'est peut-être pas une anecdote drôle parce que ça s'est sûrement très bien passé. Parce que t'as toi, perdu t'es un proche. T'es dans le film. Tu as adopté. Non, mais parce que t'es dans le film. Mais moi, j'étais fasciné de savoir comment s'est passé le casting avec Bakri et Jaoui, quoi. Ah, bah là, alors là, pour le coup, c'était incroyable parce que j'ai carrément fait le casting avec Bakri. Et j'ai eu Vincent Cassel. Qui est bête. Mais qui est bête. Tap Tom Lee. Pourquoi Tom Lee d'ailleurs l'ancien. Ah c'est vrai, je me suis posé la question. C'est l'ancien nom. C'est peu intéressant par contre. C'est trop tard. C'est l'ancien nom, j'adore l'ancien nom. Au tout début je faisais avec un ami, puis c'était Thomas et Olivier, et là on était hyper créatifs, donc on a fait Tom Lee. Yeah. Un peu comme Flaubert. Ouais, ça va, c'est moi je trouve ça vachement bien, moi super bien. Ouais, bien sûr. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue de retour sur Radio Gros Port. On a invité Yvick, il pue de la bite. Il a des lunettes dans la barbe. J'ai testé une drogue le week-end dernier. Vous avez déjà testé le BDB? Non, ODD. Non, le. Attends. Le BDB, c'est un truc que j'ai pris en boîte. J'ai trouvé ça incroyable comme effet. Olivier de Benoît, c'est non, le beurre de bite. T'as jamais testé? Non, mec, c'est que cette vanne. Mais parce qu'on dirait pas une vraie drogue. T'as pris du BDB? Mais mec, faut prendre deux cachetons par semaine. T'en as pris 7 au moins. Les gars, c'est quoi du BDB? Du beurre de bite. Quand c'est concentré, ça monte direct au cerveau. C'est le pire, mec. C'est bon, celui qui vient d'Espagne là. C'est comme ça que Kurt Cobain est mort. Il a fait une overdose de ça. C'était un peu CBD en plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je dis, c'est ça qui me dit. Bref. Bakri. Rebondir sur Bakri. Après beurre de bite. Bah, c'est un peu son univers, hein. C'est un peu même genre de truc. L'épée dans le micro, ça c'est son délire. Non, il a. En gros, je fais mon casting et moi je me trouve horriblement nul vis-à-vis de Bakri, qui lui, tu sais, il improvise à chaque fois des textes. Lui, c'est jamais. Il lit jamais le texte, il sait vers où ce personnage y va. Ouais. Et lui, il improvise, tu vois. Donc, moi, face à lui, je me sens claqué et tout. Mais voilà, j'ai eu le rôle et j'étais super content parce que. quand tu fais un essai face à Bakri, t'es dans tous les cas mal à l'aise. Parce oui, que, bah oui, il en impose. T'as Bakri qui est en face de toi et tout ça. Et au final, non, voilà, j'ai été pris. Trois semaines après, j'avais la réponse. Jaoui qui m'appelait en personne pour me dire voilà, t'as été pris. Et justement, j'ai été vraiment, vraiment une belle expérience pour moi. Mmh. Ah ouais. J'étais dans une période de ma life où j'étais professionnellement pas spécialement, enfin ça allait, mais humainement, enfin dans ma tête, j'étais pas au mieux, tu vois. D'accord. Et ce tournage là m'a fait du bien parce que j'arrivais sur le tournage et je pouvais parler de mes soucis à personne parce que j'étais dans un truc de, c'était que des gens beaucoup plus âgés que moi, machin et tout, donc c'est pas moi qui fallait dire ouais, mais meuf, elle avait meuf. Non, tu vois, non, bien sûr, y a pas de ça, tu vois. Ouais. Et du coup, bah voilà, c'était hyper enrichissant pour moi de faire ça et d'arriver là-bas sur place, de montrer aucun signe de ouais, d'être dans le taf en fait, mais de jouer. Mais par contre, c'est un tournage qui était pas un truc de comédie, enfin, c'était pas un tournage marrant en soi, c'était ouais. un tournage professionnel, super bien travaillé et tout. Mais, ouais. Mais par contre, faut faire des trucs comme ça pour que, après, quand tu viens sur des tournages, bah quand ouais. on a fait Mac Walter ou des trucs ouais. comme ça, ouais. bah là. Pour moi, c'est encore. Enfin, t'apprends et du coup, bah, t'as une rigueur que oui, ça se nourrit en fait. Ouais. Vas-y, j'aime bien que ton anecdote gênante, c'est. Bah, j'ai passé le casting devant Bakri, bon, bah, je l'ai eu. Jaoui m'a appelé en personne. Jaoui m'a appelé en personne. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais alors, s'il faut une anecdote gênante. Gênant, je l'ai tutoyé et tout. Non, mais professionnel. J'ai 06, on est potes depuis. Enfin, ultra gênant. Allez, on appelle Bakri, on va péter dans le téléphone. Il dit que je suis un génie, enfin, la honte quoi. Professionnellement. T'as franchement j'en ai. Non non mais fais le tri hein, y a pas de galère, t'es pas obligé de tout dire. Non non j'irai parce que en fait une première fois que j'arrive avec, en studio avec un mec qui s'appelle DJ Core, qui est un d'accord. gros DJ de la scène française, en gros un pionnier de. Il a fait sortir plein de rappeurs ouais. dont Corti, Lacrim, SCH, Corti c'est ça. Corti. Core K-O-R-E. Okay. Et je me retrouve en studio avec lui, j'étais avec mon gars Sadek, il y avait SCH aussi qui était là. Et j'avais Franck Gastambide parce que j'étais là pour faire un son sur la BO de Pattaya à l'époque. D'accord. Et là, Core nous fait écouter des nouveaux sons de SCH qui vont sortir. Et moi, SCH, j'étais grand fan, comme aujourd'hui. Mais à l'époque, il venait d'arriver, donc j'étais trop content d'écouter des exclus. Et là, d'un coup, il y a Core qui dit ouais, vous en pensez quoi et tout. Et moi, j'oublie que je suis avec des gens qui sont très sérieux dans le rap et qui font pas trop de blagues, tu vois. Ah, t'as dit, ouais, pas ouf. T'as non, pété dans le micro. Non. Et je dis moi, SCH, n'importe quel son, je mouille. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Aïe. Et quand tu dis cette blague-là? Avec des mâles alpha. Avec des gens. C'est, pas, ça, c'est ça. Ce truc-là, ça va vraiment faire un truc de. T'es tout le monde. Déconnexion de tout le monde. Comment ça? Ah, tu veux le sucer ou quoi? C'est même pas ça, c'est ouais. juste un. Et moi qui voulais te dire. Alors en fait, c'est une vanne que je fais des fois avec mes potes, mais qui passe dans mon humour. Et depuis maintenant que je vais en studio, c'est. Ça arrive vite, ouais, ça arrive. Enfin, moi, tu vois. Ouais, ça dit quoi? Ouais, beaucoup, là, je sors d'un braco. J'ai fait deux ans. Quand, fallait bien que. Voilà, on fait nourrir la mif, t'as capté. Non, j'ai totalement changé de. Parce que j'ai dit, ah non, mais merde, c'est pas le même monde, tu vois. C'est comme. C'est drôle. Premier pas en studio avec tout n'importe quel rappeur, c'était à chaque fois. Il y avait à chaque session que je faisais avec un rappeur un moment gênant parce que je me dis allez c'est bon on est potes on rigole bien et d'un coup je sais pas faire le con danser comme un con faire un semblant de twerker et d'un coup ça va faire c'est à chaque fois mais bien sûr on n'est pas là pour rigoler ouais non mais parce que moi j'ai toujours eu un pied entre les deux et au début je me disais bon vas-y et alors, au bout d'un moment quand je me sens à l'aise avec dans une session je dis toujours la connerie qui ouais qui met un petit et ça m'est arrivé plusieurs fois maintenant c'est bon je fais plus le j'ai plus les conneries toute la session plus gigoto non maintenant je suis mais il y a toujours ce truc quand tu rencontres quelqu'un enfin tu sais quelqu'un de bah, du milieu ou pas mais en tout cas quelqu'un que t'estimes. Et après tu rejoues la scène que tu as fait, tu fais ouais, je crois que j'ai été nul à chier mais pas forcément gênant mais nul à chier de A à Z. Voilà la première fois quand j'ai bossé avec j'ai fait une pub pour Gad Elmaleh. La pub Netflix pour son spectacle et donc je le rencontre et tout et en fait il y avait un texte mais il était pas fan du texte donc on a réécrit le truc et on déjeune ensemble et pendant le truc on réécrit et après on parle de mille choses et après je me rends compte que tout le long mille vraiment 102. Ah ouais. C'est une expression, c'est une expression. Ouais, c'est une expression, Adrien. Après, voilà. C'est courant, ouais. On donne souvent 1000. Ouais, je l'ai pas inventé non plus. Hein, c'est précis, quoi. Pardon, ouais, mais... en vrai, on a parlé de allez, 13 à 16 sujets. J'ai okay, pas le chiffre exact, c'est mais. C'est beaucoup moins que 1000. C'est un peu moins. T'as les yeux plus grands que le ventre. Non, mais attends. Ça, par exemple, les yeux plus gros que le ventre, c'est pareil, ils sont pas vraiment plus gros, c'est une expression quoi. Ouais. Alors, ouais. Ça dépend si t'es Black M et que t'as fait l'album Les yeux plus gros que le monde. Oui, mais même pareil, je pense que c'est une expression. Mais t'es diamant. Oui, non, mais d'accord, mais ça reste une expression. Je pense pas que c'est. Le monde, c'est gigantesque, on vit dessus. Et bah... C'est pas si gigantesque par rapport à d'autres planètes. Non, mais là, on oui, serait en train de marcher sur ses yeux alors qu'il est là. Et du coup, il ferait ah, ça fait super mal. Non, il irait aux urgences comme Thomas. Non, exactement. Tom Lee, pardon. Sauf s'il a des yeux très résistants. Non, parce que son album, c'est les yeux plus gros que le monde et pas les yeux les plus résistants de la Terre. Enfin, c'est vrai. Pardon. Excusez-nous okay, hein, pour cette okay, petite. Pardon, mais bon, non, mais faut recentrer. Les points sur les i de voilà. Tom Lee, tu vois. Voilà. Bon, bref. Et en fait, je me rends compte que pendant tout le truc, je vais parler vraiment que d'autres gens que de lui en disant ils sont trop drôles, quoi. Et à aucun moment, je vais dire en tout cas, je suis content de travailler avec toi. Oh, c'est vraiment. Alors que moi, j'étais trop fier. J'étais à New York, on a tourné la pub à New York. Et moi, il y avait un espèce de truc de putain, je tourne une pub avec. Enfin, tu vois. Un gars avec lequel j'ai grandi quand même, tu vois. Bien sûr. Et vraiment tout le long, je fais ah ouais, ah oh, génial, machin. Et Chris Rock, t'es allé sur le bateau Chris Rock. Et genre, j'arrêtais pas de parler de gars plus connus que lui dans le monde. Et voilà, il a dû dire ah bah cool, j'en mets. Mais après, il avait l'air, franchement, il avait l'air content. Il avait l'air. Non, en fait, c'est marrant, il a fait une série qui s'appelle Huge en France. Je voulais en parler après. Mais parce que moi, je l'ai pas vu, mais sur le pitch, c'est bien. Le peu de temps que j'ai passé avec lui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le gars est kiffé. À un moment, il a dit oh putain, gars. Viens, on va acheter du chocolat. Et genre, j'étais là, genre, ouais, si tu veux. Enfin, moi, j'en achète dans la vie et c'est pas un événement de ouf. Mais lui, il était trop content s'il pouvait aller acheter du chocolat en bas de sa rue. Et vraiment, tu sens que c'est un truc qu'il a fait kiffer. Donc, après, est-ce que ça mérite une série et un spectacle? Ça, je laisse chacun juger. Moi, j'ai pas vu la série. J'ai commencé à regarder la série, c'est bien. Mais, genre, mais moi, je te dis, j'ai pas regardé, mais le spectacle, moi, je le trouvais super cool. Moi, j'ai le spectacle aimé. Qu'il avait fait, moi, j'ai trouvé ça charmé. Bah, si dans la série, il va juste acheter du chocolat, pardon, mais je, ça me... là, ce que j'entends, je me dis, bon, ouais. Ça, j'ai commencé hier soir, ça fait deux épisodes. Non, mais alors. S'il faut parler de Huge en France, là, Huge en France, la série. Ça, après, non, ça, non. Ok. On peut en parler à la fin. Toi, t'as déjà eu des rencontres professionnelles ou des trucs. Pas forcément dans le monde du spectacle, hein, d'ailleurs. Hein, c'est ça, parce que moi, du coup, je travaille très peu. J'ai pas beaucoup de. Ben, je sais pas, niveau casting, j'en ai fait une fois. Je l'ai pas eu, mais c'est juste triste parce que contrairement à Adrien, moi les gens étaient vraiment gentils tout le long, tout ça, mais j'étais juste pas très bon. Est-ce que c'est pas pire quelque part? Oui, c'est pire. Ouais. T'en ressors quand même un peu plus soulagé, je crois. Que... Ouais, ouais. Mais il y a eu d'autres trucs, non de... Franchement, je sais pas, j'y pense depuis tantôt, là, je réfléchis. Vrac TV, parce qu'il a bossé en télé. Ouais. Toi, t'avais ton émission télé, ouais. J'ai fait une émission, c'était un truc, c'était pour les enfants, 9 à 11 ans, c'était 13 fois 22 minutes. C'était sur quelle chaîne? Vrac TV, qui est d'accord. Qui est la moi j'ai découvert quand je suis allé à Montréal la première fois à 14 ans, Vrac TV, j'étais fan, parce que c'était une chaîne pour moi de divertissement pour jeunes. Mais ciblé, il y avait un truc de 11-15, on va dire, c'était ça à peu près. Et en France, t'avais toujours soit pour les très petits, pour les adultes, mais pas dans l'entre-deux. Et vrai que je trouvais qu'ils arrivaient à trouver l'entre-deux cool. Les ados, ouais. Les ados, pour les ados. Et vraiment, en plus, c'était à l'américaine, tu vois, au Québec, donc j'avais kiffé. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, Vrac TV, c'est stylé, tu vois. Oui, parce que j'avais essayé de pouvoir regarder Vrac TV depuis Internet quand je suis rentré en France après. Tellement j'avais kiffé Vrac TV. Ah, c'est à quel point. Oui, parce que toi, tu faisais. Parce que les gens, ils te connaissent par. Enfin, maintenant, il y a Tabou, ça a pris un essor et tout, mais tu faisais du sketch, en fait. Du sketch mis en scène et tout. Ouais, au début c'était ça, c'était plus. Puis l'émission de télé c'était ça, c'était des sketchs absurdes. Et t'as pas envie de revenir des fois là-dessus? C'est peut-être chiant à produire tout seul. Ouais, sur YouTube, ouais, peut-être j'avais l'impression que je tournais un peu en rond. Peut-être là avec Tabou, j'ai l'impression de plus avoir quelque chose à dire, mais là c'est peu intéressant. Non, mais c'est intéressant. En fait, il n'y a jamais de ligne conductrice dans ce podcast, vraiment, on change des trucs. Parce qu'en fait, c'est un phénomène intéressant, parce que c'est un truc qui se voit de plus en plus, où les gens font moins en moins de sketchs sur Internet, des sketchs, et c'est vrai que toi, tu fais des trucs très absurdes, comme Yvick, Adrien, ou Freddy, ou même moi, on a pu faire dans un autre style, et c'est vrai que ça existe plus trop, j'ai l'impression. Bah, Freddy, c'est plus des vlogs, mais ouais. Non, mais tu vois, même. que des voyages. Après, c'est personnel à chaque personne, j'imagine. Mais moi, c'est si j'avais l'impression que je m'essoufflais un peu, tu sais. Ouais. Je faisais une vidéo, puis j'avais moins de plaisir, je me sentais moins accompli peut-être un peu tout ça. Mais c'est vrai qu'on a tous baissé un peu le rythme aussi en vrai, ouais. De vidéos même. Je suis en train de l'augmenter donc si vous pouvez respecter un peu. Il part à Milan demain. Non mais moi c'est ça, un passeport, plein de vidéos. Comme enfin les sketchs, je les faisais quand j'étais à Golden Moustache, mais j'y suis plus donc c'est. Oui c'est ça, tu fais plus de sketchs. Ouais. J'ai pas. Ouais. Puis j'ai vraiment la flemme de. De faire des sketchs tout seul quoi. Moi enfin, ouais, je comprends, ouais, même ouais, moi pareil. Hein. Enfin, nous, quand on a eu Golden ou Bagel, on était tellement encadrés que quand après on dit bon bah voilà, maintenant tu fais tout seul. Oh, oui, c'est ça, c'est ça quand t'as commencé, ouais, quand t'as commencé là-dessus. Flemme. Moi c'est l'inverse, c'était que quand on me disait bah là tu as partagé ça avec lui qui va faire ton montage, lui qui va définir la tenue, lui qui va te dire à quelle heure aller. Moi c'est là où j'ai décroché et que j'ai moins aimé le travail. De collectif où j'étais plus tout seul et où j'aime bien moi avoir un peu le monopole sur tout parce que je suis très très narcissique je pense qu'à non moi. Non mais c'est pas ça non, mais ça moi je l'entends à fond mais t'as même quand on a fait Mac Walter qui est un truc très indépendant t'as quand même quelqu'un qui gère la prod tu vois c'est pas toi qui téléphone à tous les trucs de décor de machin c'est ce truc là qui me nique tout. Moi le montage bah on l'a fait ensemble sur Mac Walter, moi je kiffe tout ça mais c'est vraiment l'organisation. Déjà un podcast c'est pour ça qu'il y a des fois il y a des pauses de 6 mois et demi, c'est qu'à organiser je trouve c'est une tannée. C'est tout le truc que je déteste parce que c'est pas de la création en fait. C'est et après aussi pourquoi il y a moins de sketch, c'est parce que YouTube c'est devenu un format où il y a beaucoup d'émises, enfin de trucs qui se font aussi, tu sais, des concepts de vidéos où les gars ils réagissent à des vidéos. Ouais, c'est des concepts quoi. Beaucoup, ouais. Et donc au gros maintenant bah c'est, il y a tellement des trucs que... moi c'est mon cas par exemple, moi quand je vois des, mais c'est en aucun cas une critique de YouTube. Ah bah non, que, non. Vu que c'est devenu, il y a beaucoup de formats comme ça qui se font, des mecs qui sont devant leur ordi et ils réagissent, ils commentent, ils rigolent entre eux. Que, en fait, du coup, je sais pas comment expliquer. Mais non, mais eu, et puis moi, eu, moi des fois, il y a eu une envie de me dire ah pourquoi je ferais pas ça, mais d'un côté, je me dis mais ça me, est-ce que ça me ferait kiffer de faire ce genre de format. Ouais. Et après j'ai dit ouais mais d'un côté est-ce que les gens ils sont pas contents quand ils disent ah putain un sketch Divic évidemment où il va avoir moi, je pense son truc à lui, tu vois. Mais bien sûr. Bah, le dernier avec McFly et Carlito par exemple où ils ont non mais tu vois c'est marrant j'ai envie de péter mec. Pète. Non mais fais ça, hein. Pour le coup tu vois c'est un exemple assez intéressant parce que McFly et Carlito je sais que des fois ils veulent ramener de la fiction pour qu'ils oublient pas les gens que des fois il y aura aussi de la fiction. Ouais. Et la preuve que là quand ils ont voulu faire un peu autre chose et machin, les gens avaient été plus délire entre potes, McFly et Carlito, ils invitent des gens et ils se marrent pendant une demi-heure. Et quand tu leur proposes autre chose, alors là, c'était un peu pernicieux parce que tu dis aux gens, ça va être un délire entre potes, et en fait, ça n'est pas un. Et je pense qu'ils se sont sentis un peu frustrés de ça. C'est clair. Ouais, ouais, ils auraient kiffé juste une vidéo avec des délires. Des délires géniaux. Des délires géniaux. Du fun, quoi. Du gros fun, bah, du rire en barre. Mais ça dit, c'est pas la première fois qu'ils font ça. ODD Fortnite. Non, mais bien sûr. Mais ils ont fait. Oui, mais ils le faisaient sans invité. Là, je pense qu'invité. Tu dis. Le truc de papa là qu'ils avaient fait, c'était. Mais c'est pas ce que les gens avaient le plus apprécié chez eux aussi, tu vois. Je crois qu'ils préfèrent ce truc quand ils jouent. Non, mais ils avaient apprécié. Ils avaient compris le délire. Ça avait marché, mais je pense que les gens préféraient. Enfin, c'était pas la préférée des abonnés, quoi, tu vois. Et vu qu'il y a plusieurs personnages aussi, je pense que ça joue dans. Ouais. Moi, je suis tout seul, et c'est vrai que les gens s'attendaient à un truc de. Oh, il y a Mr. V. Sachant que vous aviez déjà fait un truc en vrai et que les gens avaient adoré. Les gens avaient adoré. Je pense que c'est la déception de se dire. Oh non, mais là vous ramenez un truc, et en plus c'est le côté où moi ça me victimisait qui a déplu aux gens parce qu'ils disaient mais vous le laissez pas avoir ramener de l'humour de son côté. Ouais, il se fait défoncer. Pour moi, t'es le plus drôle dans le truc, quoi. Bien sûr, mais dans tes tentatives de dire et toi, vas-y, fais-le toi. Enfin, c'est ça qui me faisait le plus rire. Ouais, mais c'était. Mais comme on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment, tu vois, Kian il a kiffé. Enfin, c'est un public spécial qui kiffe ça. C'est des gens qui ont l'aspect comédie, qui voient le derrière. Non, mais tu vois, ça, c'est pour m'autociter. C'est un peu comme quand j'ai sorti Défense Personnelle, où c'est un peu un type d'humour qui est incroyable. Ça. Non, mais c'était la même chose, quoi. Genre pareil, tu vois, Kian il avait kiffé et tout, mais c'est vrai que le public ils avaient pas du tout aimé, et c'est parce que c'est un registre d'humour qui est différent, quoi. Ouais, c'est pas direct. C'est des débiles, quoi, faut le dire. Et on finit sur ces mots, merci à tous d'avoir suivi le podcast. C'est Freddy qui l'a dit. Non, mais sinon, ce truc de concept, c'est toujours le même problème. En fait, c'est un avantage qui devient un problème dans le sens où t'es très fort dans ce que tu fais, t'as un concept, enfin c'est très fort, un concept ou pas, c'est-à-dire que t'as une patte, t'as une direction artistique, t'es très fort, on te connaît pour ça, quand t'as envie de faire autre chose, ouais, c'est difficile. Bah forcément, on n'a pas envie, en fait, si tu fais du rock et que d'un coup tu dis, hey les gars, une petite valse, c'est, ouais, c'est, bah, c'est dire, bah, tu viens de résumer la carrière de Linkin Park ou de This Is La Peste à une époque. Ouais, ouais, tu vois, t'as les humoristes qui ont envie de faire un truc sérieux. Il s'est suicidé, donc merci le public. Bravo. Mais c'est tout le monde. Mais c'est pour ça que c'est hyper flippant de. J'avoue. Ça fait toujours peur. Je sais que moi, j'ai une peur, c'est de m'enfermer dans des concepts, tu vois. Quand je fais un truc, si jamais on me dit refais-le, j'ai tellement envie de me dire, mais non, jamais. J'attendais. C'est qui le dit? Non, mais moi je te laissais, mais je vais ouais, mais c'est des villes différentes. Ouais, les gars. Pareil. Les gars, c'est des villes différentes. C'est ouais. 2 ans après, les gars. Hey, revoyez les vidéos. Ouais. Pardon, mais. Mais ouais, c'est toujours ce truc du concept. Bah, effectivement, quand t'as un concept, c'est compliqué, quoi. Il y en a encore qui arrivent. Albert du concept. Par exemple. Oui. Oh, bof, bof. Bah non, bof, dis pas oui. Moi je le prends. Alors moi je suis très tiré par les cheveux, pourtant il n'y en a plus trop. Qu'il est con. Qu'il est con. Et c'est pas moi ça. C'est AM. Alan Moore. J'ai c'est quoi ce nom? Je le prends, écoutez. Alexandre Miller. Ouais, c'est le W, tu l'inverses. Alexandre Marley. Ouais, un des fils de Bob Marley. Mais pas le plus connu, ouais. Les amis, est-ce que vous avez des dates, peut-être des petites meufs que vous auriez rencontrées? Là, il vique. Attends, juste avant, parce que toi t'en as demain ou pas du tout? Parce que tu fais quand même beaucoup de blagues dans tes vidéos. Oui, tu parles de tes relations amoureuses. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que j'en ai très peu. Non, mais honnêtement, toutes mes dates amoureuses se sont généralement bien passées. Oh là là. Là, je suis en couple heureux depuis 3 ans. Oh, oh non. Il le dit. Exclu. Il le dit. C'est un perso. Il ne déteste pas vraiment les femmes. Non. T'as fait partie de la ligue du LOL par contre. Ouais, c'est en fait. Freddy, toi t'as un petit des dates qui se sont passées moyens? Ouais, en général ça se passe bien. Oh ouais, là, bon, allez. Mais je me souviens juste d'un truc et en plus. Qu'est-ce qu'elle se réveille? C'est limite. C'est très très limite. Mais il y a un clip d'Angèle qui est sorti aujourd'hui. Balance ton quoi. Et dedans il y a une blague de. Peur, c'est pas ouais, le mot. Ouais, ça, le mot c'est peur. Ouais, que tu cherches, ouais, maintenant ce que tu demandes. C'est fou qu'il soit pas documenté pour chercher le mot avant de faire la chanson. Et surtout que c'est un hashtag super connu, c'est trop bizarre de pas savoir. Ah bon, bref. Mais c'est ça, effectivement. Le top commentaire, c'est ça. C'est porc le mot que tu cherches. Et dans ce clip, il y a un moment, un petit passage avec Pierre Ninet, entre autres, et ils font une blague de. Un frérot. Un frérot, d'accord, ok, très bien. Tout simplement. Le il joue au basket avec lui. Bah oui. C'est vrai ça. Bah oui. Ah, c'est un pur frérot. Quoi? De la Vega ou non? Ok. Non, rien à voir. Normal. De la veine en tout cas, c'est le sang de la veine en l'occurrence. Jérémy Frérot, le vrai nom d'un des deux frérots de la Vega, c'est vraiment Frérot. Ah ouais? Ok. Jérémy Frérot. Voilà. C'est fou, je savais pas. Il y a un truc très intéressant dans les frérots de la Vega, c'est que je me souviens moi de la fois où ils se sont dit on va arrêter. Il y en avait un qui était heureux, l'autre triste. Et celui qui était heureux, c'est celui qui est revenu la seule et qui chante, et l'autre il est pas là. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un choix de l'autre et que l'autre le subissait. C'est Jérémy Frérot justement. Ah, okay, ça me rappelle moi et sur I4. Alors, Freddy. Ça me rappelle. Freddy de la Vega. Et à un moment, ils font. Enfin, dans ce clip, il y a une blague sur le c'est fait. Dans Linkin Park, un mec qui s'appelle Linkin. Excuse-moi. Voilà, c'était bon, les gars. Pardon. Vous saviez que. Dans les Beatles. Genre. Normalement, ils sont que deux. Alors, pourquoi c'est les Beatles et ils sont quatre? Ah, bah, il y en a que deux. Bah si c'est les et les Beatles. Et Beatles. Quoi? Ça fait deux. Les Beatles. J'essayais de faire la même chose. Mais ça marchait pas. Non mais il a quand même pas été vexé du fait qu'on le coupe à deux reprises. En vrai si. Et il a rajouté deux. En vrai si. Mais est-ce que t'as été plus vexé du fait qu'on rit pas à ta vanne? En vrai. En vrai moins. En vrai, moi, j'ai toujours pas compris. En vrai, moi, je repars sur l'anecdote. Ok. Ouais. Franchement, plus personne nous écoute, vas-y. Hein. Bref, à un moment, il y a ce truc de. Il y a une blague de. Donc, quand une meuf, elle dit non, c'est vraiment. Non, on peut y aller, il y a un truc dans le genre. Ouais. Et moi, je me souviens d'un truc parce que c'est récent, donc c'est pour ça que je m'en souviens, parce que sinon, j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, si c'est récent, j'arrive à m'en souvenir. Genre là, je me souviens de ce qui s'est passé depuis le début de l'émission. Oh, il est fort. L'épée voilà. Et tout. Et l'épée, entre autres. Et je suis. C'est un soir avec une meuf, on se voit. Dans un Pour l'instant, j'ai peur. Vu l'introduction. Ou ils disent ça veut dire non, je suis pas sûr. Donc, j'étais avec une meuf. Tout le monde a des gouttes de sueur. Genre, attends. En fait, ce qui est marrant, c'est que si je raconte mon anecdote et c'est coupé, on passe à quelqu'un d'autre. On se dit, attends, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui a été coupé? Pourquoi il a pas coupé avant ça? On se regarde tous et genre, qu'est-ce qu'il a raconté? Où est-ce qu'il va? Non, généralement, ça se passe plutôt très bien. Les fois où j'ai vu des meufs, ça se passe plutôt très bien. Bizarre. Et là, la meuf, elle a un truc de. Ouais. Je suis plutôt un mec quali. C'est une histoire d'empathie. Voilà, pour les gars qui veulent savoir comment on fait, c'est de l'empathie en fait. Faut savoir ce qui se passe un peu en face. Ah ouais, ok. Tenter de répondre positivement. Ouais, wow, ok, d'accord. Ou pas si ouais. On est égoïste, mais okay. Je suis hyper généreux. Ok, d'accord. Et en gros, la meuf me chauffe. Ok, il y a un truc de elle me chauffe vraiment quoi. Elle me chauffe. Et je me dis, bon, bah, c'est le moment où j'y vais. Je commence à la caresser un peu et tout. Et elle me dit, non. Ouais, entre autres. Et elle me dit, et je bande. Et elle me dit, non, ce serait pas. Faudrait pas qu'on le fasse, non. Et donc j'arrête, tu vois, je retire les mains, tu vois. Bah, il y a un truc de j'arrête, tu vois. Tu fais, d'accord. Je me dis, bah, non, ok. Elle revient. Stop. Ok. J'ai les mains levées. Ok. J'ai fait une Macédoine. On va goûter ta Macédoine, attends. Attention. Une panna cochotte. C'est pas mal. Ah non, attends. Pasco. Une Jeff panna cloche. Chat Pasco. Attends, j'arrive pas à vous suivre sur le jeu de mots. Panayotis, Jeff panna cloche, panna cota, Jeff panna cochotte. Plein de noms propres que mais... Thomas n'a pas, hein, je crois. J'ai compris 5% des trucs. Bah, Jeff panna cloche. Je te présente mes excuses. Ouais, vraiment. Je les comprends, mais je suis. Enfin, c'est un peu comme toi là. Je suis perdu un peu. Ok, voilà, pardon. Dans ces recours, t'es au-dessus de Jeff panna cloche, Pasco. Hey, Jérémy frérot. Alors, vas-y. Le bon frérot. Donc t'arrêtes de la caresser. Donc tu la doigtes quoi. Ouais, après t'arrêtes. Ouais. J'arrête. Donc elle me dit ouais non. Douane. Donc j'arrête. Elle m'attaque à nouveau. Quand je dis elle m'attaque, elle a pas d'arme. Avec un ouais. Vous me comprenez. Elle me menace avec un gun. Elle me chauffe, je tente de répondre et elle me redit non, faut pas le faire. Je me dis ok, bah faut pas le faire. Tu vois, j'arrête. Ouais. Et elle insiste à tel point que vraiment, à un moment, il y a sa bouche comme ça au niveau de mon pantalon entre les cuisses. Mm. Elle me dit oh, j'aimerais tellement comme ça la prendre dans ma poche. Ah oui, ça. Ouais. Elle me dit oh, j'aimerais tellement le faire, mais faut pas. Et je me dis oh là là, arrête un peu. Elle voulait que juste je ne respecte pas oui. Son choix à ce moment-là. Ah il y avait un truc de non et que ça finisse sur un non, tu vois. C'est il faut, ouais, c'est ça, il ouais. Le faut, ouais, c'est ça. Et que j'attaque pour quand le même. Gondor. Et que j'attaque quand même. Est-ce que du coup tu y allais ou pas? Alors je suis allé quand elle a dit oui, mais ça a mis du temps. Mais je voulais lui dire, mais ne joue pas à ce jeu, on se connaît pas, on peut pas jouer à ce jeu tout de suite. Oui, mais du coup, c'était marrant, c'était très long du coup. Mais du coup, il y a un peu un truc où en plus tu dois avoir cette discussion peut couper un peu l'envie de. Excuse-moi, oui. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut se poser deux minutes. Quel est le but de cette conversation? Bah, je pense qu'elle voulait se sentir désirée. Il y avait bien sûr. Elle, c'était un truc. Il y avait un truc de. Non, mais je suis tellement une sainte. Je suis une sainte Nitou. Tu sais, il y avait un truc de. Je suis fragile. Oui, puis c'est aussi un kiff de des fois être un peu. Voilà, mais sauf que quand tu connais pas la personne, c'est ça. La première fois. C'est un kiff que tu fais quand tu connais bien la personne. Laurent Bounot, fils de pute. Laurent Bounot, ta grand-mère. Ouais. Flaubert, nique ta mère. Ouais, ouais. Les mots d'oiseau là. Ça va. Ça va quoi? Fred Musa qui fait. Dis donc les mots d'oiseau là. C'est ça le rap? Fred Musa, ta grand-mère. C'est une femme exemplaire. Musa règne. J'apprécie à moi. Je suis pas un animal, d'accord. Fred Musa règne. Je suis pas un animal. C'est pas un nom d'oiseau, c'est un nom de rongeur. C'est toi le rongeur peut-être. Musa règne, c'est pas une araignée? De quoi? Une musaraigne? Ah non, ça c'est une migale. Ok. Débilos va. Ça ce sera en bonus. Attends, Ashkenaz c'est bien un animal qui court comme ça. Non, Ashkenazton c'est un rappeur. Ah oh, là, là. C'est pathétique. Alors, vous avez acheté déjà du parfum chez Sepharad? C'est pour un. Ashkenaz, ta blague. Je l'adore. Ah, salut, c'est facile de faire des blagues comme ça. Juif, alors. Pourquoi on appelle ça des noms d'oiseaux? Les gros mots. Ouais. Parce qu'à la base, le fils de pute était un. C'est un volatile. C'est un volatile d'Afrique du Sud. Un fils de merde. Ouh, ça, c'est un fils de pute. Oh, voilà, attendez. Je reconnais, c'est un plumage de fils de pute, en tout cas, c'est sûr. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes un sacré fils de pute. C'était ça, le corbeau et l'envers. La fontaine, elle avait écrit ça. En revanche, le chant, c'est plus un ta mère la pute, quand même. Ça, on l'entend. Donc, Tex, c'est ton cousin. Moi, je peux pas dire une anecdote. Vas-y, si, bah, moi c'était la petite parenthèse. Tex est mon cousin. Mais... Non, mais je vais vous en donner une. On a tous une anecdote sur le fait que Tex est notre cousin. Pardon. Il se concentre. L'artiste se concentre. Ah, ah, il a raté. Sachez qu'il a encore le droit à un essai. Ah bon, le joueur français se lance. Attention, il prend son élan. Silence sur le court. Oh, il est parti. Oh, t'as bien celui-là. T'as vu une anecdote? Oui. Vas-y. Alors une fois, j'avais fait une apparition en boîte. C'est comme les gens de les anges de la télé-réalité qui ont, quand ils sortent de l'émission, ils font des apparitions en boîte. Bien sûr. Donc, moi, une fois, on m'a proposé ça et je savais pas ce que ça allait donner, donc je l'ai fait. C'était claqué. Un showcase. Attends, c'était quoi? C'est genre t'étais annoncé et tout? Mais tu chantais ou tu faisais juste coucou? À l'époque, je faisais pas encore de musique. Ah, donc ok. C'était juste une apparition où tu vas un peu ambiancer les gens, mais ça va pas être fou. Tu mets un micro et puis tu sautes et tu. Tu mets des sons et tu dois faire turn up les gens. Il y avait personne dans la boîte, c'était claqué, j'avais fait aucune promo. C'était nul, c'était vraiment au début. Mais par contre, j'avais été payé en liquide en fait. Oh. Et j'avais pris une belle somme qui est 4000 euros. Ah oui, quand même. En liquide. Ouais. Donc quand t'as ça chez toi, liquide, tu te sens, t'as l'impression de tenir un rinté et de bicrave un maximum de drogue. T'es content, t'as plein de billets. Et moi, et un soir, je ramène une meuf chez moi. Donc c'est dans mon ancien appart qui faisait vraiment... Oui, qui était pas très grand. 20 mètres carrés, était tout petit, c'était un minuscule, il y avait une seule pièce, machin de ça, donc c'était pas non plus stylé, mais... Il y avait une petite liasse que je laissais toujours en apparence. Oh, le beau! Quelle grosse merde! Et ça veut dire. Et ça veut dire. Hey. Tu sais que ça, j'ai gagné durement au Macumba? J'ai passé 2 sons de gradure. J'ai fait gagner une bouteille de Sky. De Fianso. Et non, j'étais à l'époque, bref. Et donc, je ramène une meuf. Bon, c'était un coup d'un soir pas foufou, on va pas se mentir. Voilà, c'était vraiment pas foufou. Tu me passes le Pepsi. C'était une meuf que j'avais rencontrée dans un bar, dans une rue, la rue de Lappe à Paris. Donc, d'accord. C'est vraiment les rencontres que tu fais à 8,12 g et ça finit ça finit chez Watt. Et bref, et donc le matin, je me réveille. Elle et moi, on est tous les deux. Ah, ok, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Oui. Et je vais prendre ma douche. Et je lui dis, bon, bah, vas-y, à plus tard. Et sur ma table, quand je dis que j'ai laissé des liasses, je ne sais pas des grosses liasses, mais j'avais peut-être laissé, je sais pas, 100 balles. Comme billet ça. De 5. Il y avait genre un billet de 50, deux billets de 20, un billet de 10. Ok, ouais. Et j'avais en fait le billet de 50 était au-dessus, plié. Tu sais, c'était plié et dans les billets, t'avais d'autres billets pliés. Ouais. Et du coup, il était en apparence, il voyait que le 50 et en dessous, il y avait l'alias. Et je reviens, elle est partie. Et quelques jours plus tard, j'ai pas touché à cette petite à 100 balles, tu vois. Je prends l'alias comme ça et je fais, ah putain, je vais prendre les billets de 20 et les billets de 10 et je vais aller m'acheter, je sais pas, des clubs ou des trucs comme ça, tu vois. Et là, je vois qu'il y est plus, tu vois. Elle avait juste laissé. Genre, elle a fait vraiment la technique de je te prends des billets qui sont en dessous, qui sont pas apparents. Et je te prends le reste. Pour 30 balles. Et je me. Pour 50 balles, peut-être, tu vois. Et je me casse, tu vois. Elle m'a jamais écrit et tout machin. Et je la recroise. Oh ah, 2 semaines après, au bar. Elle me dit, ah, ça va, je fais. Attends, toi. Tu m'as volé 30 balles. Toi, me dis pas bonjour aussi aisément. Je veux dire, il va se passer. Moi, je suis le cousin de Tex, ok, doucement. Non, mais aisément, dans le sens où vraiment, t'arrives comme ça, comme si de rien n'était. Eh, tu vas bien, moi, j'ai tout. Attends. J'ai dit, excuse-moi, la dernière fois, tu m'aurais pas volé du bif. Elle me dit, droit dans les yeux, ah si, c'était pour le taxi. Mais genre, avec le genre plus grand mal, la plomb, quoi. Mais genre, la facilité de, ah mais si, mais c'était pour le taxi. Et genre, j'ai dit, mais c'est incroyable quand même d'en arriver à un point où tu... Ben genre, c'est normal pour toi que de voler. Ouais. C'est pas de. C'est normal pour toi que le mec te paye. Parce que si elle me l'avait demandé, peut-être. Oui, bah voilà. Par principe, voilà, je l'aurais fait. Bon, même. Mais, oui, parce que là, on est presque sur une prostituée, quoi. Couche avec toi et en repartant, elle prend de l'argent sur la table basse. Tu vois, c'est genre, ben là, c'est, qu'est-ce que. Tu l'as su. Enfin, qu'est-ce que tu veux passer comme message? Et en plus. Je me demande si elle habitait pas assez proche de chez moi pour ne pas prendre le taxi et rentrer tout juste en métro en fait. Ce que je veux dire. Oui, que c'est le lendemain matin, c'est pas au milieu de la nuit en plus. Non, voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Bah si, j'ai pris une trotte électrique, donc je t'ai pris 40 euros du coup, normal. Ouais, j'habite à Porte de Charenton. Ouais, c'est, donc, c'est en dehors de la zone, alors du coup ils me prennent 50 balles. Enfin, c'est l'amende. Ah, non, mais ah magnifique. Voilà. Magnifique. Et j'ai une autre anecdote qui est beaucoup plus courte. Mais du coup, attends, du coup, elle a gardé l'argent terminé quoi. Ouais, parce que alors, si tu veux, je t'ai payé un coca. Ah, mais parce que vraiment, j'ai vu. Enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, est-ce que ça sert vraiment que je fasse. Attends, on va à la LCL là, tu vas me les rendre. je rigole pas là. Eh, ok. Non, là, au contraire, enfin, je voulais surtout plus échanger avec cette personne. Ouais. Pour lui, vas-y, 50 balles, gros. Bah, en fait, ouais. Bah, c'est flippant si tu couches avec elle à Montpellier qu'elle habite à Paris, quoi. Si elle repart le soir, tu vois, c'est. Oui, en termes le prix du billet de train, c'est toujours plus cher, quoi. C'est très cher. Tu vois, ma mère, elle va me prendre un bon 150. Elle va me prendre un Ouigo. Et donc, autre anecdote, c'est une fois j'étais en Tebois avec un pote. En boîte pour un. En boîte pour les ODD Fortnite. J'étais avec un pote et on rentre avec des filles, on me dit ouais, on fait after à la maison. Donc voilà, ça se passe très bien. Grand seigneur. Et. J'avais une taille de Jagda et que je. Truc bien sale. Et la play. Et il me restait une boulette de shit. Ah, c'était vraiment cette ambiance là en plus à l'époque. Enfin, bref. Et donc mon pote, c'était toujours dans mon ancien appart qui était clacos, vraiment, je dormais sur un clic-clac. C'était celui où il y avait le poster voter Didier Gustin. Sur la porte, il y avait un poster voter Didier Gustin. J'avais un autre poster, c'était un hamburger dessiné avec écrit hamburgerologiste. De la merde. Une vieille affiche de New York que j'ai dû acheter pour le principe. Et une affiche du Whoop, la seule que j'ai eue de ma life. Enfin bref, tout était claqué dedans chez moi. Et donc. Donc on est chez moi, là, on est en after machin et tout. Et là d'un coup, j'ai failli dire son blaze. Mon pote, il part avec une des deux meufs dans la salle de bain. Mais la salle de bain, c'est vraiment la pièce, l'autre pièce, c'est la seule autre pièce de chez l'appart, moi. Ouais. C'est vraiment tout petit, tu vois. Et il part, et bon, je commence à comprendre qu'ils y vont pas juste pour discuter. Pour tu savais, non, ouais. Là, j'arrive au malaise, c'est que donc ça se passe, et que moi je suis à côté sur le canapé. Au moment où ça se passe, moi je suis là à me dire, ah bon, bah. À mon tour. C'est parti. Et vraiment, je fais à la meuf. Et elle me met une tège, mec, de l'extrême. Et là, va se passer 30 minutes où les autres sont toujours en train de passer la meilleure soirée de leur life dans la salle de bain. Et moi, va broder quelque chose pour essayer de tenir 30 minutes avec une meuf qui veut pas de toi. Donc il y a plus de tu peux rien faire en fait, tu vas pas enfin tu oui, non, tu parles de quoi tu t'es à dire et donc toi les mecs c'est comment. Qu'est-ce que tu vas ah, enfin, tu sais je pouvais tu prends la manette Big Ben comment ça se passe la manette Big Ben. Big Ben, génial. Elle est géniale celle-là. Normalement tu lui dis même pas, t'espères qu'elle la prenne en premier. Tu prends d'abord la bonne manette. Et donc non, et donc voilà, et après quand ton pote revient, c'est la délivrance, quoi. C'est alors vous avez bien baisé. Alors ouf. J'espère que t'as pris vraiment bien, parce que moi, vraiment, je me suis bien fait chier. Hein. Et ouais, avec la meuf, je suis pas. Et la meuf, que tu recroises, en plus, c'est des soirées après, donc, oh, tu sais, le malaise à chaque fois qu'il y a du regard, tu sais, son regard du. Enfin, t'as essayé, mais c'était nul, quoi. Enfin, vraiment, c'était mort, quoi. Et donc voilà. Magnifique. Et aujourd'hui, cette meuf, je l'ai pas rebaisée. Ça va, toi? Bien sûr. Ce serait la bonne chute, tu sais. Et aujourd'hui, cette meuf. C'est ma femme. On a deux beaux enfants. Elle est là. Non, et voilà, c'était mes petites louses. Mais c'est pas des dates, magnifique. C'est plus que ça. Non, tu non, vois. Mais okay. Écoute, mais ça me rappelle une anecdote et du coup, je vais la dire. Vas-y. Du coup, mais en fait, pendant longtemps, je n'ai pas voulu la dire parce qu'il y a un truc que j'assumais pas. Maintenant, j'assume. Ouais, j'ai pris de l'âge. Non, mais la bouteille. Non, mais j'étais jeune et avec des potes, on tu sais, il y a ce truc où on se dit si on faisait un plan à plusieurs, quoi. Ah, c'est le que je connais. Sauf que bon. On s'est dit bah un plan rémunéré à plusieurs parce que bon les meufs ont pas trop envie de coucher c'était avec nous. C'était une OP, faut t'excuser. Et donc on passe une soirée avec des escortes. D'accord. Si. Ok. Donc bof. Vraiment bof. Flaubert qui a vraiment bof. Le bon escort qui avait kiffé la fait. Stylé. Le bon puceau. Le bon puceau. Waouh. Waouh, la chance. Waouh. T'as bandé, la bah, chance. Genre, elles étaient là pour nous et tout. Elles avaient leur nichon dans leurs mains des fois. Waouh. Elles avaient des grosses gougouttes. Ah, le bol. Donc on est avec des escortes. On doit être Bah on est 6 au total. Ah ouais. Et ah ouais, c'est mec. Ouais. C'est mec. Donc trois gars, trois meufs. Ah oui d'accord, une vraie touze, pas ouais. Juste un plan à trois. Ouais non non non ouais, ouais, ouais, ouais, ouais ok. Oui, non, ouais. Non mais c'est intéressant, ouais, ouais. Je demande des détails. Donc on arrive dans la chambre d'hôtel, me demandez pas comment ça s'est fait. Le non non. Ce truc de mais, qui. Mais dis tout quand même. De qui choisit qui, il y a un truc de partage qui se fait quoi automatiquement. L'équivalent d'un qui est. Est-ce qu'il a une moustache. Toujours est-il que je prends Freddy. Toujours est-il que je me retrouve dans un lit avec l'une d'entre elles quoi. Bien sûr. Et mes potes, apparemment, ça se passe bien dans mon dos. Moi, la meuf me chauffe et tout, et ça prend pas quoi. Il y a un truc de. Attends, ouais. Vous êtes dans des pièces différentes chacun. On est dans on est dans une sorte de une suite, sorte de un mésodrome. Ouais, exactement, ouais. Une sorte de suite d'hôtel. Exactement. Où il y a il y a deux lits, un canapé, exactement. D'accord, vous êtes voilà. Dans la même pièce quoi. Et on est dans la même pièce, on est dans la même pièce. Voilà, ouais, exactement. Et donc elle essaie de me chauffer, etc. Et moi, enfin, ça prend pas quoi. Je me rends compte que ça va pas prendre. Bien merde. Et donc gâché 200 balles. Ouais ouais ouais. Alors que derrière moi, ça se passe bien. Elle essaie de me chauffer, ça me gêne profondément. Elle se lève, elle commence à danser et tout. Je me dis waouh, c'est gênant. Oui, c'est tellement gênant. Pas. Parce qu'elle dit ok, genre j'ai la technique. Elle se met à danser un truc un peu à la Britney Spears. Bah, elle dit, a fait la danse de Fortnite là. C'est si gênant. Ouais, c'est tellement gênant. Je peux faire la danse, c'est tellement gênant. Elle a fait ça. Attendez, il est en train de. Ok, je vois. Le joueur français. Genre, ok, je vois ce qui va te faire bander, c'est ça. Il est en train de se lever. Il est en train de. Il se déhanche. Ah, il se déhanche. Les épaules sont lancées. Voilà. Imagine ce pas là. Imagine ce pas là. Fait par une meuf. Ouais. Que là, on pourrait se dire ah, ok, en vrai, c'était pas ça. Elle bougeait comme ça. Ouais. Elle dansait par. J'étais pas là. Hein. Il était derrière moi, ça se passait très bien. On a l'identité d'un des deux gars. Et donc, bref, ça marche pas. Et alors que au moment où elle danse, à côté, c'est déjà chaud quoi. Tu vois. Ouais. Il y a déjà mes potes qui. Il y en a déjà un qui a joué. Il transpire déjà. Vraiment, il transpire. Ça fait des. C'est beaucoup trop chaud. Ouais, il fait vraiment. Très chaud et elle avait un chihuahua cette meuf. Je commence à jouer avec quoi, c'est à dire que la meuf c'est abandonnée. Attends, t'as mis un slip à ce moment là. T'as mis un caleçon. Ah, mais je joue avec des jeux normaux de, avec un chien et ah, un voilà. Humain quoi. Voilà. Ouais, ouais. Tu lances la balle, ouais, mais dans la même pièce. Attends, pardon. Oui, donc dans la même pièce, dans la même pièce, il y avait mes potes qui baisaient et moi j'étais avec le chihuahua comme ça. Ils me regardaient mes potes et je faisais des blagues de attrape ça, attrape avec le chien. Alors que mes potes étaient vraiment en levrette, ils avaient des gouttes de sueur comme ça. Ah ah ah, et moi j'étais là, allez, va. Mais il y avait ce truc très marrant de moi je jouais, c'était très j'étais un enfant attends, de 8 attends, ans attends, et eux vraiment c'était des adultes qui prenaient des escortes en levrette juste devant moi. Ça c'était une résidence d'écriture multiprise. j'ai payé. Elle t'a pas dit garde. Oh. Bah non, bah non, pour le principe, elle se déplace. Demande, et tout, je demande. J'y connais pas grand chose. Il a adopté le chien, il est là. Et depuis, bah, j'aime peu les escortes, mais les chihuahuas, j'aime beaucoup. Et que faisait la meuf pendant que tu jouais avec son chien à ce moment-là? Ah, c'était mise à côté. Mais elle n'est pas allée voir les deux autres? Non, elle s'installait, elle était sur son. Elle était allée et à côté, quoi. T'as pas fait ce truc comme dans les films, les films dramatiques où des mecs vont voir des escortes où elle te franchement en disant t'inquiète pas, ça m'arrive souvent. Non, elle non, a pas. Non, non, non, tu sais quoi, elle a été vexée en fait. Ah ouais? Je te jure, ah. elle était vexée. Ah, elle a fait ma petite danse là. Quand elle a fait sa petite danse, ça a pas pris. Ma chorégraphie de Shakira. Et elle disait à mes potes, bah alors, votre pote, ça va pas ou quoi? Oh, elle le prenait pour elle, je voulais lui dire non, mais c'est même pas toi, c'est le fait que tu sois une escorte et que je dois payer pour pénétrer, ça me dérange profondément. J'ai un bloc. Un blocage dans le cerveau quoi. Ouais, moi pareil, ça m'aurait grave bloqué. J'aurais été là, oh là là, attends, hey. Je veux jouer avec le chien. Genre, moi dans toi là, ouf, oui. J'ai pas ces valeurs là. Ça m'étonnerait. On est où là? On est où là? C'est tellement pas. Ce podcast dure 8 heures. J'ai des gens ont posé des questions. Après, je vais couper beaucoup de choses. Donc, bah oui. Mais alors. Alors putain, je suis désolé, il y a plein de questions. Tac tac tac tac. Thomas, va-t-il y avoir d'autres vidéos les essayeurs sur ta chaîne? J'ai vraiment beaucoup aimé la première. C'est des questions anonymes, hein. Désolé, j'ai pas les noms des gens. On sait pas encore justement. C'est un projet qu'on développe depuis quelques mois déjà. C'est genre on essaie de créer une espèce de média parodique comme BuzzFeed version version parodie, version satirique, tout ça. Et c'est avec une boîte de prod au Québec. Mais on travaille là-dessus depuis quand même assez longtemps, ça avance lentement tout ça, mais là on a mis c'est ça un petit pilote pour voir la réception tout ça, mais c'est pas prévu à date. Il y a pas de suite vraiment prévu. Pas de suite prévue pour l'instant. Mens-nous Thomas, mens-nous. Ouais, fais-nous rêver. Mens-nous. Yvick, peux-tu nous rencontrer cette photo improbable que tu as prise avec Booba? Comment s'est passé cette rencontre? Alors, on a eu deux, une première c'était à la Wanderlust il y a 4 ans à peu près. D'accord. Et c'était fou parce que j'avais pris une photo comme un fan de ouf, je l'ai posté, comme je suis toujours fan, mais ouais. J'avais posté cette photo et le lendemain il l'avait reposté sur son Instagram, ça, donc ça à l'époque c'était déjà fou. Et deuxième fois, c'était à Miami. Donc, c'était quand j'étais en tournage pour un film français au Guadeloupe. Ouais. Et j'étais en week-end. Je partais en week-end à Miami avec mon bon Théo Jouss, qui était MVP du match de la Wolfgang. Face à Adrien Méniel. Et donc, j'envoie un message comme ça au pif à Booba en me disant Je sais qu'il me connaît. On s'est déjà vu, on se sait, comme on dit. Et je lui envoie un message, il me répond vraiment une heure après, mec, tu me dis quand t'es là, on se voit et tout. J'imagine tellement pas avec cette voix. Oh mec, carrément. Bah, en vrai, il est super ouf. En vrai, c'est un gars, il est grave gentil dans sa manière de rencontrer les artistes et tout machin. En tout cas, moi, il m'a hyper bien accueilli. Ah. Dès que je suis arrivé à Miami, il m'a appelé. Ouais. Il a su que j'arrivais à Miami, il m'a dit, ouais, tu vas faire quoi ce soir? Ouais, je te conseille ça. Bah, vraiment, le gars. Tu dis, c'est aux antipodes de l'image que je me disais, où je me disais il allait être vachement fermé, pas trop avoir le temps. Il avait, c'est pas un mec qui a non plus 1000 heures devant lui, mais il avait au moins le temps d'aller manger avec moi et tout machin. On a bien discuté et grave marrant et tout ça. Et donc, du coup, j'ai dit, est-ce que je peux faire une photo parce que trop quand cool. même, bah oui, normal, bien sûr. Tu vois, trop bien. Donc voilà, super belle rencontre et on continue de s'écrire assez souvent. Mais là, je sais pas trop le déranger parce que je pense qu'il est plus dans des autres histoires. Ouais, il est occupé là. Mais en tout cas, voilà, ça. Très belle rencontre. Freddy Gladieux. Oui. Pourquoi continuer à faire des vidéos avec les gars de Multiprise si Multiprise est mort? Voulez-vous pas plutôt relancer Multiprise? Non. Ok. Non, mais c'est pas nous qui décidons de relancer Multiprise ou pas, même si on a notre part de responsabilité là-dedans. That's right. Mais c'était produit par Golden Moustache, Multiprise. Ouais. Et au bout d'un moment, quand t'es pas rentable, et bah forcément, t'arrêtes quoi. Tu vois, c'est normal. Je pense que c'était pas non plus aisé de. On sait comment ça marche l'économie sur YouTube de la fiction ou l'économie tout court. C'est, ouais. Ou alors t'es produit par de la télé et après la vidéo tu la mets sur YouTube. Ou alors bah tu dois faire des placements de produits, etc. Autant vous dire que sur Multiprise. Les placements de produits sur à part des multiprises, ouais, compliqué à faire. Malin. Mais voilà. Mais c'est justement parce qu'on s'aime bien et qu'on continue de se capter qu'on fait des vidéos ensemble. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai reçu un message concernant Sydney. Alors, je vais pas le lire, sinon ça ferait vraiment branlette. Mais j'ai reçu un très beau message. Sydney. Ah, pas une question, juste un compliment. Non. Allez, ah. Voilà. Donc, je voulais le partager avec vous. Ça finit par une question. Comment j'ai imaginé Sydney sur ici et comment se passe une écriture à 80 avec Alison? Désirais-tu mettre en avant quelque chose qui n'est pas très exploité chez Alison, sa mélancolie par exemple? Est-ce différent d'écrire un rôle pour Alison Miller en comparaison d'un rôle que tu créais pour Justine Le Potier par exemple? Bon, il y a beaucoup de questions, mais en gros résumé, déjà j'ai pas écrit que avec Alison Sydney, puisqu'en fait moi je suis arrivé un peu plus tard. L'histoire en elle-même, c'est avec Robinson Latour qui était le directeur d'écriture des Cartes Blanches, qui a aidé aussi Adrien sur la sienne avec Jérôme Niel, Phantom Force, mais qui a aussi aidé sur Eglandier, en fait sur toutes les Cartes Blanches de Studio Bagel. D'ailleurs, ça s'appelle plus Cartes Blanches, c'était Studio Bagel la collection. Donc moi je suis arrivé un petit peu après, ils avaient déjà l'histoire en tête. Et après, non, bah Alison, moi je trouve que c'est une très grande comédienne, enfin franchement je la trouve extrêmement forte. Je la trouve même sous-exploitée en France par rapport à son immense talent. Ouais. Et Sydney restera un peu ma frustration parce que. Pourquoi? Bah, j'aurais adoré faire une série. Et on en fera sûrement une série pas. Une série, en fait, ça a été pensé comme un pilote potentiel pour une série. Il y a une fin, je trouve. Il y a une fin, mais un peu ouverte, si tu regardes bien. La mère arrive. Enfin, bon, bref, tout ça pour dire que. Oui, t'as envie d'avoir. Qu'est-ce qui va se passer avec cette daronne? Exactement. Et c'était un peu l'idée. Nous, on rêvait de faire une. En fait, Alison adore chanter aussi, parce que moi, j'avais écrit aussi. Ouais, ça sent. D'autres trucs avec elle où elle chante, quoi. Et bref. L'idée, c'était de faire ça. Bon, ça ne verra pas le jour, mais j'espère. En tout cas, c'est prévu dans les projets. Réécrire avec Alison, parce qu'évidemment, c'est je la trouve très douée. Moi, bravo. Ah, c'est gentil. Mais c'est aussi grâce à Théodore Bonnet, qui est le réalisateur, et qui a aidé aussi à l'arrangement sur les musiques, comme il l'avait fait sur Clash d'Astéroïdes. Et voilà. Donc, lui, je le féliciterai pas spécialement, mais toi, bravo. Non, mais en tout cas, c'était super cool. Et c'est pas forcément différent. Enfin, c'est différent d'écrire pour Alison, parce que c'est un autre humain que Justine Le Potier, comme c'est différent avec chaque acteur, en fait, tout simplement. Voilà. Mais merci en tout cas pour ton gentil message que j'ai bien lu et qui m'a bien fait plaisir. Freddy, est-ce que tu t'es vraiment fait plagier par Quotidien? Non. Mais c'est pas ta voix. Bah dis donc, eh. Parce que moi je crois. Moi je sais quoi. Tac au tac. Non, mais parce que moi je croyais que c'était ta voix. Moi je suis pas au courant de cette histoire. Est-ce qu'on peut résumer? En fait, même Aurélien pensait que c'était ma voix, parce qu'on était ici même, on était autour de cette table. Aurélien était là-bas au bureau. Et surtout, j'ai vu un tweet derrière. Où il te cite en dessous, genre, haha, merci Freddy Gladieux. Vous pouvez dire ce que c'est? Pardon, ouais, je le fais à ta place pour si tu veux pas te sentir mal. Mais en gros, ils ont commenté un match de curling comme un match de foot. Tu dis pas là. Et voilà. Ça hurle des noms. Et c'est vrai que le ton ressort. Alors après, l'idée de sketch c'est de hurler, c'est du curling. L'idée du sketch de hurler, c'est pas l'idée de Freddy, tu vois. Mais moi, effectivement, je l'avais fait avec la pétanque. Avec le, ouais, avec le bowling. Oui, ah, la pétanque, c'est vrai ouais. aussi. Et, mais c'est vrai que ah ouais, la bah voix. Vous m'aviez plagié avant. Calme aussi. Bon, bah voilà, en fait, c'est, faut poser la question à Adrien. C'est sur ma page Facebook. Hein. Tout simplement. Non, mais donc c'est pas ta voix, parce que j'ai vu qu'il t'avait cité. Non, c'est pas ta voix. Non, c'est pas ma voix, okay. C'est pas ma voix. Mais Aurélien aussi pensait que c'était. Non, je pense que. Je sais pas, tu sais. En plus, c'est difficile dans sa position de dire ouais, carrément, ils m'ont plagié, ce fils de pute. Non, c'était moi. Moi, je suis pas au courant, mais ils t'ont plagié. C'était moins et ça que. Ils que... aussi. Voilà. Moi, c'était moins ça que. Est-ce que c'était ta voix? Je pensais vraiment non, que c'était alors, ta voix. Pour être honnête, c'est très proche. Ouais. C'est vraiment très proche dans le sens où il y a même. Enfin, même musicalement, il y a des petits creux pour. Vraiment, ça ressemble vachement. Plagiat. Mais c'est ce que j'ai fait à la base via la vidéo d'Adrien. J'avais la vidéo d'Adrien. Et je le faisais. Mais ce que je veux dire, c'est que. Déjà, enfin, c'est pas grave. Plagiat ou pas, je sais pas. En plus de ça, tu sais, des fois, tu captes des trucs, tu refais la même chose, c'est même pas grave. J'ai envie de dire. Et même, franchement, si ça a été inspiré de ce truc. Je sais ce que c'est que de faire des quotidiennes. Chez Quotidien en plus, parce que tu ouais, l'as fait. Non, ouais, mais en vrai, c'était pas une quotidienne, mais en plus. Soi, non mais je suis pas en train de dire c'est pas grave, mais en vrai, je m'en fous. Et c'est cool, ça a fait marrer des gens, tant mieux. Et en vrai, ça va quoi, j'ai pas fait un long césarisé quoi. Non. Ça t'inquiète pas, Marc. Ça, t'es pas prêt de le faire, mon pote. Apparemment, t'écris sur des films, et je peux te dire que déjà, on a des échos, c'est pas top, mon gars. Ok, génial. Freddy dit ça, mais c'est pas ce qu'il m'a dit en privé. Donc ils ont plagié tes vlogs. C'est ça. Thomas Gauthier, penses-tu que ta chaîne YouTube, ton humour même carrément, changerait si tu venais à t'installer en France? Waouh. Ça voudrait dire que tu fais des trucs très nationalistes. Ouais, ben c'est ça. Je, à quel niveau? Non, mais je sais pas. J'ai pas plus sur la question. Est-ce que tu penses que vivre en France changerait un peu, je sais pas, ton œil acerbe? Ça peut être moins méchant avec nous. Ben, je sais pas. Mais peut-être. Est-ce que ça changerait? Ben, c'est sûr qu'au Québec, je suis un peu un des seuls YouTubeurs, en tout cas, qui s'adresse à la France. Fait que c'est certain que juste le fait de pouvoir côtoyer d'autres YouTubeurs qui comprennent, qui font le même métier que moi et qui comprennent ce que je fais, je pense que ça m'ouvrirait un peu sur la créativité et sur différentes choses qui peuvent se faire. C'est sûr. Ouais, en collab et tout, bien sûr. Et même donc, toi, tu commenceras à travailler avec des gens d'ici qui auront. Tu vas trouver des sujets peut-être différents de quoi parler, tu vois. Mais peut-être, il y aura toujours un comparatif avec le Québec, tu vois. Il rappellera des trucs. Je sais pas si tu fais un tabou sur un truc avec Macron ou sur un truc comme ça. Peut-être qu'à chaque fois, tu feras des petits comparatifs avec Trudeau et des trucs comme ça. Donc, il y aura toujours peut-être un rapport. Mais évidemment, moi, je pense que si demain. Le nombre de fois que je suis venu à Montréal. Ça t'inspire tellement pour faire des trucs. Même le fait d'être sollicité, pas forcément pour ta chaîne, mais le fait d'être sollicité, tu vois, moi comme d'autres, moi ça me fait plaisir de te rencontrer, Thomas. Salut. Ouais, salut. Enchanté. Ouais, <chanter. rire> Non, mais c'est vrai, moi ça me fait plaisir de Moi, quand j'ai su que t'étais enfant, je voulais trop que tu viennes parce que. C'est vrai, tu vois, c'est trop bien que finalement tu sois là. En plus, il m'a dit, je suis en France, c'est faux. Alors que moi, quand je vais au Montréal, je fais Thomas, t'es là et tout, viens se caver de machin. Moi, Thomas, il m'a appelé direct. L'avion venait à peine atterri. Yvick, t'es où? Mais il a pas dérangé, c'est pour ça. Il a pas regretté, puisqu'après, t'as lâché des caisses pendant 2h30 dans un micro. Donc, il a eu aucun regret de sa part. On va être numéro 1, les gars. Prends ça, Laurent Ruquier. En tout cas, moi, tu sais que tu m'as ouvert les yeux. Calme-toi, peut-être, direct. genre sur Trudeau, je savais pas. Par exemple, moi, j'avais une image un peu du mec ultra stylé et d'avoir un point de vue québécois sur la question, ça change un peu le truc, mine de rien. J'ai l'impression que Trudeau, il ressemble d'une certaine manière à Macron. À Macron, parce que. Mais je connais pas beaucoup la politique ici, mais je pense qu'il y a un peu le côté de. La politique de centre qui est un peu déchirée, qui essaie de plaire à tout le monde, qui parle beaucoup, mais qui après ça va être un peu hypocrite sur certaines choses qu'il va dire, tout ça. Fait que... Oui, je suis pas mal. Pour le moment, ça ressemble à toi. Mais en tout cas, puis, Trudeau, c'est pas mal ça. Ouais. Un avis politique, Adrien? Tous pourris, les mecs. C'est tous ça, dans le même panier pour moi. Non, mais il est comme ça, il préfère pas prendre de pincettes. Ah, bah non. Pas besoin. Moi, je trouve Le Pen pas cool. Calme-toi, putain. Non, bah je dis, je trouve quoi. Evie qui est un peu fermé d'esprit quoi. Et Evie qui est Freddy, est-ce que vous attendiez à un tel succès sur vos vidéos de chansons de beauf? Ah putain, meilleur truc d'internet. Franchement, un peu quand même. Un peu parce qu'on savait que en fait, on a tellement rigolé en les faisant. Je réponds nous deux, mais je pense que Freddy a son avis et tout, mais en le faisant, on s'est dit ça nous tue de le faire. Oui, donc c'est incroyable. Va... Donc on sait que au moins nos potes, ça va les tuer parce que on était mais sans limite et on s'est dit on va le faire. Par contre, la seule déception, je vais te dire, c'est que je l'ai posté sur mon feed Instagram et que Instagram me l'a fait supprimer. Ah merde. Et moi j'ai trouvé ça horrible parce que je me suis dit putain. D'ailleurs, il y a un truc intéressant, qu'est-ce qui fait qu'il les vidéos, enfin les photos avec des seins nus. Note bien le. Non, alors, avec des seins nus sont straqués, pas les fesses. Mais alors, c'est autre chose, mais on. Bah, on c'est le téton en fait, apparemment, je crois que c'est un truc avec le téton. C'est... Donc bref, non, je me suis fait donc strike la vidéo, donc c'était un peu compliqué. Parce qu'on s'était vraiment marré à le faire et c'était vraiment drôle et que vraiment les gens avaient bien réagi à ça. Mais donc, pour savoir si on attendait un tel succès, on se doutait quand même que ça allait être. On a posté ça en story, donc quand tu postes un truc aussi travaillé avec de la chanson, un truc clippé, ça partait à la base d'une meuf qui m'avait clashé. On sentait un truc de. Les gens, s'ils vont au bout de la story, ils vont être surpris, tu vois. Ouais. Et par contre, à la base, c'était juste, on voulait juste faire des chansons de beauf. Ouais. Et j'ai dit merde, il me faudrait faire des chansons de beauf pour faire des chansons de beauf, c'est con. Enfin, ça va être gratos et je pense que ça va être un peu hardcore parce qu'on nous disait voilà, suce ma queue, lâche mes couilles, machin. C'était un peu sale. Ouais, donc on s'est dit. Comparé à ce podcast qui est beaucoup plus fin. Et en fait, deux jours plus tôt, je vois un tweet d'une meuf qui met ouais, Mister V, on peut pas faire plus beauf que lui et tout. Je fais ça m'a vraiment fait mal parce que. D'autant plus que la meuf en question, que j'avais vu son profil, elle était mignonne, donc j'ai vraiment fait ah ouais, les meufs belles, elles me trouvent beauf quoi. T'inquiète, quand elle écoutera ce podcast, quand elle écoutera péter 800 fois dans un micro, elle changera d'avis. T'inquiète elle va pas. Refaire un tweet. Pardon. Mea culpa. Flo, je compte sur toi, Mix. Mec, je suis à 17 points qu'il faut que je censure là. Ok, ouais. Ah, je pense que c'est pas bon déjà là. Non, et donc, bref. On s'est beaucoup marré à le faire et on est content en tout cas des retours. Et quand je reçois des vidéos de soirées de gens où ils la passent, bah bien sûr. La passent, c'est incroyable parce que je suis le Patrick Sébastien X divertissement YouTube. En même temps, je suis platine, mais en même temps, j'ai des sons qui pourraient être platine. Bon, c'est ce que je veux dire. Donc c'est très marrant. Et puis, bah, merci à vous. Est-ce qu'on te reconnaît, Freddy, des fois pour la chanson de Beauf Divic? Oui, on en voit aussi. On m'en envoie des fois, genre truc où t'as les extraits, etc. Oui, c'est marrant. Et surtout, c'est trop bien parce que le fait poster peu de temps après, quand je dis peu de temps après. Vraiment enregistré le matin. Ouais, c'est ça, enregistré, etc. Mais en fait, on était tellement pas là pour ça. Ça qui est marrant aussi. Ouais. C'est que ça naît d'un truc de. Tu sais, on bossait quoi. Enfin, on bossait, on s'amuse aussi quand on bosse. Mais le truc à côté, c'est genre. Oh, l'autre cours de récré. Et d'un coup, ça prend du exactement. Temps. Exactement. Et là, il y a Vic qui. Enfin, je vois son implication. Il y a un truc de. Gars, on va faire ce plan-là. Je me dis, mais waouh. Ouais, c'est une story, le gars. Il s'implique tellement. Ouais, et ça m'a tellement fait kiffer, ce truc-là. C'est génial. Les fesses, ça tremble en tapotant sur l'écran. Je me dis, les gars, ils étaient en séminaire d'écriture. Hein. Ils devaient écrire un très long projet. Et ils se cassaient le cul à faire ça. J'ai fait, bah, nickel. Non, mais et en même temps, t'avais Vincent qui était à côté. Lui qui disait, bon, qu'est-ce qu'ils font les deux cons. Et lui, à mettre des bouteilles dans la cuisine et à faire des trucs. On remettait la musique, on chantait, machin, tout. Non, mais d'un côté, c'était trop bien parce que je suis revenu à un peu les délires de début de vidéo, enfin, quand on a tous commencé à faire des vidéos. Ouais. Et qu'on prenait la caméra avec notre pote et qu'on faisait n'importe quoi. Ça, c'est trop bien. Là, c'était pareil. Et en plus de ça, bah, on a fait ça jusqu'à quoi, 4h du mat, 5h du mat. Si on est allé se coucher, le lendemain, on rentrait à Paris. J'ai enregistré la vidéo où je clash la meuf. Ensuite, je prends le Uber et j'ai fini de monter dans le Uber. J'arrive chez moi, je suis avec Vincent. J'ai tout fini de monter. On prépare chaque story. Je les poste tous et je vais en soirée. Et là, c'était trop bien parce que en soirée, tu vas ton téléphone qui fait. Trop bien. Et tout était la mode. Ok. Je viens de casser internet. Non, c'est trop marrant. Vous êtes pas prêts. C'est trop cool. C'est des petits trucs comme ça, excuse-moi, qui font du bien des fois à internet actuellement. Enfin, moi, pour moi. Oui, les trucs l'arrache. Bien sûr. Et donc, bien les sûr. Stories, c'est vraiment la meilleure des choses du moment. Regardez des stories. Tout simplement. Devant ODD. Thomas, as-tu des projets musicaux à part entière? J'adore tes chansons en fin de tabou. Non, pas. J'ai pas de projets musicaux particuliers. Mais t'as envie d'en mettre un peu plus? Enfin, en tout cas, la chanson, ça a une place importante quand même dans ce que tu fais. Ouais, ben, j'aimerais ça faire un projet, je sais pas si c'est musical ou juste un projet en général sur lequel je mets plus de temps. À plus longue échelle, un peu comme fait Yvick, mais j'ai pas le talent du Vic pour réussir à faire autant de choses, malheureusement. Allez ouais, là je mets une patate. Et moi, quand on est gentil avec moi, je mets une patate. Mais ouais, c'est avec Tabou, tout ça, j'ai toujours vraiment la corde au cou. Je finis ma vidéo, je la mets en ligne le lendemain, puis après ça, je recommence sur la prochaine. Fait que, mais j'aimerais ça. Non, mais en plus, tes chansons, elles ont. Ce qui est fort, c'est que tu fais tout en. Enfin, c'est limite du live, quoi, à chaque fois. Ouais, tu c'est, vois. C'est la performance, toi. Mais donc voilà. Parce que je suis meilleur, je me trouve pas bon en studio, je sais pas pourquoi. Parce mais que ouais. Après. T'as peut-être pas pour l'instant assez développé le truc de studio, de t'enregistrer vraiment, parce que. Moi à la base pareil en studio, enfin j'arrivais jamais spécialement, et c'est à force de me dire vas-y je fais un truc concret, c'est quand t'as un objectif concret je pense que ça que tu développes ça en fait. Ouais. Pour l'instant vu que t'es en mode bah j'aime bien faire de la musique mais j'ai rien de concret, de projet précis, peut-être que justement t'es en mode un peu plus je m'en fous un peu même, tu vois, enfin. Et des concerts ça te fait kiffer? Ouais, j'aimerais ça, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis depuis plus d'un an déjà, à faire un spectacle sur scène. Ouais, ce serait cool. Ce serait trop cool, mais encore une fois, c'est le même problème. La scène aussi, c'est tout un monde. Je sais pas trop par où commencer. Je sais pas comment écrire de la scène. Donc, ouais. C'est vraiment comme je vois des grosses barrières devant, mais j'aimerais. T'as envie de les sauter, ces barrières. Ouais. Ah, je suis Michel Drucker. Un spectacle bon. Où tu mélangerais stand-up et chanson? Ouais, je pense. Je sais pas si vous connaissez Bob Burnham. Ah, bien sûr, bien sûr, incroyable. Okay, j'adore. Cool. C'est un des premiers youtubeurs, lui, à l'époque. Ouais, c'est un des premiers, je me rappelle, je suivais ses vidéos de chansons là. Ouais. Ça serait bien, ça, pour toi, grave. Ouais, ben, je suis très fan, moi aussi, tu vois, puis j'aimerais ça. J'aime le côté théâtral de ces spectacles, mais mélangé avec la musique, tout ça. Donc, ça tirait très bien. Ouais. Ouais, c'est gentil, mais. Bah, on attend, vas-y, écris là. Ouais, ouais, c'est ouais. Ça, okay. D'ailleurs, c'est pas du tout un piège, mais il y a une guitare, tu vas faire une chanson à la fin. Ça te dérange pas? L'enfer sur terre. Question pour Thomas et Adrien. Alors là, c'est tous les deux, attention. Hein. Vous parlez, ça va vous mettre bien à l'aise, vous êtes prêts? Vous parlez beaucoup de dépression. Ah yes! Comme relief humoristique. Est-ce un moyen de relâcher la pression sur votre propre situation mentale, présente ou passée? Il pique un petit peu. Le pire truc de tout le monde est là, ouais, comment vous avez vécu ce Adrien? La dépression. Non mais la question est intéressante. Mais j'ai pas répondu à cette question. Genre limite la semaine dernier flotcast. Eh bah tu sais quoi, je laisse Thomas répondre. Et peut-être ouais. Tu rebondiras dessus. Non mais j'avais pas déjà cette question là. Je sais pas, en tout cas là ça s'applique bien à vous deux. Donc, donc je laisserai répondre Thomas. Et tu vois si t'as un truc à ajouter. Oui. Ouais bah après c'est, j'imagine c'est personnel à chacun. Je sais pas c'est quoi ta condition, ta santé mentale Adrien. Mais, moi j'ai pas j'ai pas de dépression sérieuse à ce niveau-là, tu sais, j'ai ouais. Un peu d'anxiété, ces trucs-là, mais après, j'aime l'humour que... J'aime cet humour-là, en fait, je pense, à la base, tout ça. Mais c'est vraiment... ça part d'une sincérité, tout ça, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment exagéré. Bah, Bob Burnham, que ouais. Tu citais, je pense c'est un peu ça aussi. Oui, c'est exact. Fait, c'est, au final, c'est un personnage. Toutes les choses que je fais sont vraiment, vraiment écrites. Comme par exemple, quand je fais des blagues de où je casse avec ma copine ou mon ex, tout ça, mais ma copine m'aide à les écrire, tu sais, donc c'est vraiment c'est vraiment en cassant avec lui justement, c'est ça, c'est pour toi que je fais ça Thomas, ok, c'est pour toi. Faut dire qu'elle est pas toujours fan de ces blagues là, bon. Ah, c'est le jeu. Et est-ce que tu, il y a aussi une question qui dit que, enfin en gros c'est pour rebondir sur un podcast qu'on avait fait la semaine, il y a deux semaines, tu rigoles? Rien. On avait fait un podcast sur la colère qui disait que c'était l'art d'accoucher sur papier est une façon parfois de se débarrasser de la colère. Est-ce que toi tu vis ça avec Tabou, demande quelqu'un. Est-ce que des fois t'es en colère contre des sujets et Tabou ça t'aide à sortir ça? D'une certaine manière c'est certain que ça m'aide à extérioriser ou juste à, juste des fois ça fait du bien de pouvoir donner son avis sur les enjeux, sur les trucs, tout ça, donc ouais. Bah, je prends l'exemple du sketch du Québécois, je pense que c'est un truc qui t'a un peu énervé, que t'avais envie de traiter le sujet parce que c'était un truc qui te touchait aussi, parce que tu te dis bon, encore une fois on va trop vite dans le cliché, dans le stéréotype du Québécois, et voilà, je pense que oui, d'un côté il y a des fois c'est ces trucs qui nous marquent et que dont on a envie de parler, tu vois. Mais genre ouais. Par exemple pour reprendre cet exemple là du Québécois, entre le moment où tu découvres le sketch et où tu sors la vidéo, il se passe combien de temps à peu près? Le Québécois, ça s'est fait assez rapidement. Oui, c'est ça, ça sort comme ça, quoi. C'est ouais. Genre, bon, faut que j'en parle, ça me saoule, ouais. Un peu un truc. Après, le Québécois, tu vois, c'est pas, j'en suis pas le plus fier nécessairement. Non, c'est pas parce le plus profond, c'est pas le plus intelligent. C'était vraiment en mode moquerie, tout ça. Ouais. Puis après, le tabou, je trouve un peu. Oui, mais c'est trop marrant. Oui, c'était, c'est ça, c'était drôle, tout ça, mais après. Non, c'est moins travaillé, mais en tout cas, je prends cet exemple-là, moi, parce que je trouve que. il est assez synonyme d'une colère. Enfin, ça sent que t'es vénère contre le truc, quoi. Tu vois, c'est ça. Bah alors, du coup, le dernier, par exemple, que t'as pu faire de tabou, ou celui sur les jeunes et la technologie, tu mets combien de temps à peu près? C'est 2-3 semaines de D'accord, travail. D'accord, quand même okay. Ouais. Entre l'idée et la sortie. Ouais, c'est ouais, peut-être une semaine de recherche, une semaine d'écriture, après ça, tournage, montage, tout ça. Ok. Bah ça c'est quand même, il fait en sorte que le sujet soit maîtrisé quoi, donc c'est vrai que ça sent. Mais enfin, ça sent d'ailleurs. T'es un peu obligé d'avoir un minimum d'avoir un peu tout étudié pour être sûr de ce que tu dis quoi. Surtout qu'au début quand je commençais c'était sur des sujets qui m'intéressaient ou sur lesquels j'étais à la base un peu informé tout ça, mais là plus j'avançais plus j'étais un peu dans la situation délicate où je devais trouver des nouvelles choses. Ouais. À parler, donc c'était un peu de commencer à m'informer sur des nouveaux sujets ou trouver de quoi j'ai envie de parler. T'sais. Moi j'ai une question, est-ce que tout ce que tu racontes tu l'écris avant ou alors beaucoup de choses c'est des idées et tu parles vis-à-vis de... T'improvises devant la caméra Devant la caméra c'est tout écrit vraiment. Ok. Ouais. Mais des fois je me dis putain il fait des longues phrases avec plein de mots compliqués. Ah non mais tu vois en ce moment dans la vraie vie je suis vraiment pas tant bon pour parler, c'est ça aussi la fin. Les gens sont toujours déçus quand même. Mais c'est vraiment c'est écrit, puis justement pour essayer de garder un peu cette fausse le côté authentique qui est important sur internet tout ça, je pratique beaucoup, je pratique les textes 2 jours avant de les tourner pour que vraiment quand je le fasse t'as l'impression que j'ai ouvert ma caméra puis que je le lis. Mmh. Ce n'est qu'une illusion. C'est mesmer, depuis le début c'est mesmer. Freddy Gladieux, je rebondis d'ailleurs sur toi, quel est ton niveau d'impro dans tes vlogs? Toi est-ce que c'est total? Ouais c'est ça. Parce que des fois tu te fais, oui mais sur une impro tu te fais chier à une grosse mise en scène quand même. Les mises en scène elles sont toujours au montage. Ah ouais? Quasiment, c'est à dire que en fait le truc de la photo et tout, tu t'es fait chier là quand même. Ouais, mais c'est en fait, j'y ai pas pensé avant de voir le photomaton. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, je vois le photomaton et je me dis, je vais partir. Ouais. Ça peut être marrant de le faire. J'avais un chapeau nul. je me dis, du chapeau nul, tu vois. Mais c'est toujours sur place, quoi. C'est comme les stories, tu vois. C'est-à-dire que tu fais une vanne. Tu dis, putain, c'est marrant, je vais faire une vanne par-dessus. Je vais surenchérir. Là, tout le monde va attendre que je surenchérisse. Du coup, je fais un contre-pied. Enfin, c'est ça en fait, c'est toujours un peu comme ça, tu vois. Et t'as ça que tu brodes un peu et tu sais un peu comment ça se passe après au montage. Et le montage, t'as encore la possibilité de recréer par-dessus. En fait, c'est infini, tu vois. C'est un truc infini qui part d'impro, mais derrière, t'as tellement de solutions de faire ce que tu veux avec. Et j'ai l'impression aujourd'hui que. Avec n'importe quel rush, tu peux toujours tout sauver avec le montage. Tu vois. Ouais. Je découvre ce truc en ce moment. Et toi, c'est vraiment des vidéos. Enfin, tu joues très bien et c'est trop marrant. Hein, ouais. mais c'est le montage qui fait transparaître le plus. En fait, c'est simple. Quand je vois mes rushs et que je fais juste des vannes, je suis déçu, quoi. Je me dis, c'est d'accord. Je m'arrêterai à cette vanne. J'en ai pas envie. Je pourrais m'arrêter à cette vanne. Tu vois. Par exemple, toi, il a une créativité dans le montage. Ça, j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Et par exemple, dans les stories, j'en ai pas la possibilité. Tu vois, je le fais pas en story. Mm. Mais en story, en vrai, je me contente de vannes. Mais parce que je peux pas. Et encore, quoique. Ouais. Quoique, très vite, j'ai envie de mettre des musiques, mettre des trucs, etc. Quoi. Ouais. Mais donc, ça naît toujours de l'impro. Mais c'est toujours ce truc que vous connaissez. C'est comme si j'ai l'impression de brainstormer avec moi-même, quoi. Mais tu sais, t'as ce coup. Mais nous, quand on a fait Macwalter 3, il y a plein de blagues qu'on a trouvées au montage. Exactement. Complètement. Donc, ouais, de l'impro. Et des fois, je me dis, ça me fait rire. Je pourrais me déplacer pour aller là-bas pour le faire, mais c'est toujours un truc. Je l'écris pas. Je l'écris sur place, quoi. Ouais. Vincent, n'importe quoi. Adrien, quel était ce match de basket dans lequel on t'a vu parmi quelques stories ce week-end? C'était caritatif, je crois. C'était caritatif. Je sais pas trop à quel point j'ai le droit d'en parler. Mais merde. Il y a eu des stories en même temps. Donc, Oui. En tout cas, je peux en parler. La vidéo va sortir bientôt, non? Je sais pas, j'en sais rien. Mais du coup, c'est ça le point sur lequel je suis pas sûr de pouvoir en parler. En gros, c'était caritatif. Attends, je vais juste. Adrien, alors j'ai une question pour toi. Bien sûr. ça va, les gens vont penser que c'est pas du tout répété, tu vois ce que j'aime dire. C'est pas du tout couper la question au montage parce qu'on n'avait pas vraiment le nom de la sauce, tout ça quoi. Aucun problème, je pense. Les gens ont demandé ce que t'avais fait ce week-end comme match de basket, c'était caritatif, je crois. Bien sûr que c'était caritatif, tu rigoles ou quoi? C'était un match de basket, alors ils appelaient ça All-Star Game, mais bon, c'est. Voilà, en termes de stars, on est. Il y en avait, Adrien, quand même. Il y en avait, il y en avait effectivement, puisqu'il y avait Orelsan, Rosta, il y avait quand même du beau linge. Il y avait moi aussi. C'est à ça que je faisais référence. En termes de grand écart. Okay. Pour donner un éventail. En termes de star, ça allait de moi à Orelsan. Et non, c'était très cool. Bon, on a perdu, hélas. Hein. Ouais. Bon, j'ai tiré mon épingle du jeu comme j'ai pu. On me l'a dit. Il a marqué 13 points. 13 points, c'est trop bon. On me l'a dit. 38% à 3 points. non, et c'était donc à l'issue du match, on remettait un chèque de 10 000 euros. Ok. L'asso s'appelle CAPSA. C'est CAPSAAA. D'accord. Et ça se dit Webedia. Ça se prononce Webedia. Non, et en gros, c'est des gens qui promeuvent le l'handisport et qui surtout, enfin ça, je trouve ça très cool. C'est ils vont faire des démarches auprès de jeunes et sans doute aussi moins jeunes qui ont été accidentés et qui ont perdu l'usage de leurs jambes, leurs membres, etc. Et en gros, ils essayent de les pousser vers le sport, de reprendre un peu le... Enfin, de réapprendre... Enfin, c'est ce qu'expliquait la personne. Réapprendre à aimer leur corps via le sport, en fait. D'accord, quoi. Super. Ce qui est vraiment indispensable, j'imagine, quand... Enfin, le mec disait, quand tu as un accident, tu perds des membres, tu aimes plus ton corps. Et le sport permet justement d'avoir ce truc de... tu te resserres de ton corps, bien tu sûr. T'amuses avec ton corps. Et du coup, tu reprends un peu goût à la vie, en fait. Et j'imagine que les gens peuvent potentiellement faire des dons. Ouais, si les gens qui nous écoutent, s'ils tapent CAPSA, c'est ça CAPSA? Ouais, CAPSAAA. D'accord. CAPSAAA.net. Ok. J'imagine qu'il y a plein de façons d'aider cet asso en faisant des dons ou peut-être donner de son temps si on veut et tout. Ouais. De l'ODD financièrement par exemple. De ODD, ouais, voilà, exactement. Moi je me suis contenté de me faire humilier sur un terrain de basket. voilà. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et voilà. Ouais, très bien. C'était très, très chouette. Bon, les amis, ce podcast est très long, même si on va couper des trucs. Théo Juice, le MVP du match. Hey, mon man Juice. Bravo. Qui a sorti deux projets, Multifree et Multifree 2, qui sont disponibles sur iTunes. Oh, non, je rigole. Mais tu l'as dit. On est déjà. Mais voilà. Je rigole. Le mec, il est tout le truc après. Non, je rigole. Mais c'est vrai. Je dis pas ça parce que c'est moi qui le produis. Il m'a pointé. T'allais dire quelque chose, Flaubert? Non, je disais qu'on est déjà à 2h47 et que voilà, même si on va couper un bon quart d'heure. J'ai une envie d'uriner folle. Ouais. Plus non non bah non non ouais, ouais, franchement si tu m'avais dit 4h j'aurais pas été je sais pas j'ai perdu la notion du temps. Mais du coup on va faire un tour de table de recommandations très rapide. J'ai très envie d'uriner. Va pisser, va pisser. Je pense que je t'enlève tous les moments. Regardez, j'ai bu ça. Mais alors je vais pas tout arrêter les moments de paix, je préfère te le dire. Je vais quand même en garder un bon nombre parce que c'était quand même formidable. Moi je vous partage une chaîne YouTube d'un monsieur qui s'appelle Alfie. C'est un mec qui fait comment je pourrais dire ça, des analyses de trucs culturels, mais très différents. Il a autant analysé alors Kevin Smith, dont moi je suis très fan. Là récemment, il a fait sur BoJack Horseman, mais il a aussi analysé le travail de McFly et Carlito et de pourquoi ça fonctionne. Et c'est toujours très intelligemment fait. Le travail sur le montage, et on parlait de montage tout à l'heure, je le trouve hallucinant. Ouais. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc allez checker sa chaîne sur Bob Burnham, je crois d'ailleurs. Il a fait aussi un truc sur Bob Burnham. Comment t'écris Alfie? Ouais. Il a fait sur moi aussi. Ah, il l'a fait sur toi. Ouais, il l'a fait sur toi. Alphi. Pourquoi ça me dit quelque chose? Je sais pas, mais j'en sais rien, mon pauvre. Et il a fait un truc sur Romain, enfin c'est très très large. Il pas frames. C'est très possible. Si. Et il a 21 000 abonnés et c'est pas assez. J'espère qu'il aura plus. Ça commence à être de plus en plus vu ce qu'il fait, mais ça mérite encore plus. Oui, bien sûr, il a fait un truc. Je m'abonne actuellement. Thomas, bien sûr, on va faire le clown, Thomas Gauthier. Eh bah, ils l'ont. Et oui. Pas mal. Et non, c'est vachement sympa, bien. Quoi. Non, c'est vachement bien ce qu'il fait. N'hésitez pas à regarder, c'est très intéressant. C'est autant sur YouTubeur que sur du cinéma, que sur de la série télé. Et tous ceux que j'ai vus, je les ai trouvés vraiment chambés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous Thomas abonner. Thomas Gauthier ou faire le clown. Yvick, toi, tu conseillerais quoi? En recommandation culturelle. Théo Juice, peut-être. Et bah, déjà, oui. Évidemment, d'écouter les deux projets de mon gars Juice, mais également de vous abonner à une chaîne. Excusez-moi, je cherche la chaîne actuellement. Je peux faire une petite chanson en attendant? Fortnite! C'est le jeu pour s'amuser, pour tuer les gens et pour rester le premier! Fortnite! Je fais des top 1 ou quoi? Je fais des top 1 ou quoi? Oh, la danse, la danse. Mes mains sont devant mon corps, ma main sont devant. Il faut absolument looter. C'est une chaîne, alors c'est une chaîne YouTube de quelqu'un qui bosse chez Golden en plus, mais qui pour moi c'est un mec qui était. Mais c'est sur... le comptable, donc c'est vraiment il était beaucoup sur Twitter. Et je pense qu'il est plus chez Sylvain. Ouais, il est plus chez Golden. Bah alors lui. Ouais. Sylvain avec le Sylvain, exactement. Le ouais. A de Sylvain, c'est un Q. Ouais. Et je regarde sa chaîne YouTube où il fait des reportages, quoi. Des reportages, c'est super intéressant. Et il a un délire, c'est de tout mettre en image d'années 90. Ouais. Et ça me tue parce qu'il fait vraiment tout. Tout est VHisé. Ouais. Alors qu'il n'y a pas besoin, des fois. Il le fait, mais c'est vraiment bien. Et il fait un vrai travail d'analyse. De reportage, ouais. de l'investigation, le mot. Parfait, c'est investigation. Tout à fait. Exactement. Voilà, donc il va loin, quoi. Il va faire des interviews des gens et tout. Enfin, c'est ouais, vraiment des mecs qui escrocs, des escrocs, machin. Ouais. Ça. Il a fait un truc sur les magazines ouais. papier. Il est génial, où il va interviewer le gars, justement. Ouais. Il va interviewer le gars, c'est super intéressant. On l'avait invité, Sylvain, d'ailleurs, dans un podcast. Il était déjà venu. On réinvitera. Ah bah désolé, bah voilà, moi je Mais non, mais super, mais au contraire, bah c'est bien de rappeler qu'il est très fort. Ok. Mais ta gueule, il vit, en fait. Hey, Laurent Bruno. Laurent Bruno, t'as dit. Ouais, bah, j'avais pas bien le nom. Moi j'écoute Europe 2. TV avec les sauvages, on s'en rappelle. C'est tellement bien cette série. Les sauvages. Bien sûr. Europe 2 TV. Savages avec le mec beau gosse qui jouait dans plein de séries d'ado. Florent Bernard. Thomas, qu'est-ce que tu proposes à la communauté Floodcast? Bon, pas ouf, pas ouf. Ouais, la communauté Floodcast. Terrible, je me suis gêné. Les Floodcasters, quoi. Ouais, alors le nom qu'on leur a trouvé, c'est les Floodcastaldi, pour être tout à fait honnête avec toi, mais voilà. Ben, moi, puisque je suis québécois, je vais vous conseiller un artiste québécois, un musicien, qui est vraiment bon, il s'appelle Les Louanges. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Il a sorti un premier album récemment. C'est un mélange un peu de funk et de R&B. C'est un musicien indépendant. Il est actuellement à Paris, justement. D'accord. Ouais, j'ai des amis. Il joue ce soir. Justement, j'ai des amis qui vont le voir pour se dépayser un peu. Ils vont voir un artiste québécois. Bien sûr. Et voilà, il a sorti son tout premier album. Très bon, vous m'en donnerez des nouvelles. Wow. C'est quoi, on se le mettra en fin d'émission. Ah oui, voilà, ça serait cool. On l'écoutera en fin d'émission. On a le droit qu'à une seule personne, mais il voulait parler d'Artus aussi, mais il adore son travail. Sinon, il y a Artus. si tu écoutes aussi, peux-tu me débloquer de Twitter? Freddy Gladieux, Freddy Glorieux. Comme vous le savez peut-être, je regarde très peu de films et de séries. C'est vrai, oui, tu l'avais dit. Ouais, je l'avais déjà dit. En vrai, je me suis rendu compte que j'écoute plus de musique. Enfin, je suis plus à jour sur la musique que sur le ciné. Et tu as le droit de partager de la musique. Mais hier, je regardais, je me suis fait une petite liste, Les Nouveaux Sauvages. C'est pas récent. Le film? Ouais. Oui, c'est un film à sketch, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Je crois que c'est argentin. Ouais. Et j'ai vu. Ouais. Ouais, et j'ai été hyper surpris de ce à quoi ça ressemble, quoi. Le début, c'est génial. Le premier est très bon. Bah en fait c'est avec ça avec l'avion c'est ça avec l'avion j'ai vu le premier, le deuxième, j'étais très fatigué, je me suis endormi au troisième, mais je m'endors quasiment à chaque fois. Je crois que le troisième est le moins bien. Moi j'aime bien le premier, celui de la fourrière, je sais plus lequel c'est, et avec la mariée le dernier, il est très cool. Mais c'est trop bien ce type de format, et je me suis dit putain, c'est trop bien que ce type de format puisse être produit, que ça sorte au ciné, etc. C'est très rare. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je crois que le dernier, truc de l'avion, je savais pas du tout ce que j'allais regarder, et quand il y a ce truc, enfin la scène quoi, mais non, bref, j'ai vraiment été surpris. Ça fait très longtemps que j'ai pas été. C'est surpris, très sympa, les nostalgiques. Mais c'est vrai que le film à sketch est un format qu'on fait pas trop. Ouais, qui existe pas je crois trop, qu'en France, le dernier, ça va être Les Infidèles, je pense, qui ressemblait le plus à ça, qui était effectivement. Je vomis dans ma bouche. Qui ressemblait le plus à un film à court métrage. Mais c'est vrai que sinon, on n'a pas tant que ça, quoi. C'est pas un grand truc. Ouais. Ménélite ? Alors, moi, j'ai deux choses. Une dont je viens de me souvenir. J'ai découvert c'est un network de podcast, en fait, qui s'appelle Bababam. Qui est assez petit, je pense, qui commence. Et ils ont plusieurs podcasts que vous trouvez si vous cherchez Bababam, B-A-B-A-B-A-M. Et y a deux podcasts que j'écoute, notamment. Il y en a un qui s'appelle True Story, qui raconte en gros des histoires assez incroyables, etc. C'est assez court, je crois. Ouais, c'est genre 5-6 minutes par épisode. Et c'est assez intéressant. Et un autre truc qui s'appelle Maintenant vous savez. Et là c'est encore plus court, c'est 3 minutes 2-3 minutes. Et c'est juste ça explique qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce que le polyamour, qu'est-ce que le big data, qu'est-ce que le GPL, qu'est-ce que Twitch, qu'est-ce que les GAFA, qu'est-ce qu'un LBD, qu'est-ce que les fourchettes. Non, mais tu vois, le tabasco. Celui-là est très court. Le tabasco, une IPA, la procrastination, etc. Et c'est vraiment hyper concis à chaque fois. Ils t'expliquent le truc. Et je trouve ça cool. Et aussi, ils ont les c'est, plus... Tu viens de... C'est un dictionnaire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais du coup, c'est quoi la plus-value par rapport à Wikipédia ou un dictionnaire, ou dictionnaire? Il y a des blagues. Est-ce qu'il y a un ton? Il y a un ton, il y a un truc. Non, c'est une voix robotique qui lit une page Wikipédia. Bien sûr qu'il y a un ton. Oui, mais la question c'est quel est ce ton? T'es sarcastique ou quoi? Je sais pas, c'est le principe de la vulgarisation. Est-ce que c'est drôle quoi. Ou pas c'est, par exemple. Alors, pour moi, c'est le point noir, c'est que quand il y a de l'humour, c'est pas super, mais d'accord. C'est pas vraiment, ils cherchent pas à faire de l'humour. La plus-value, c'est que tu vas pas aller forcément dire tiens, c'est quoi ça? Je vais aller chercher sur Wikipédia, mais quand tu. C'est que ça vient à toi. Quand le truc vient à toi, tu dis ah bah oui, c'est vrai, tiens, je sais pas ce que c'est. Ah, et c'est okay. Ce qui m'est arrivé, moi j'ai regardé la liste des épisodes et j'ai vu. Le clitoris. L'orgasme féminin, bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Une légende, mais je vais quand même écouter. Non, et du coup, je trouve ça chouette. Bah, trop bien. Et il y a notamment un true story qui est très drôle sur un mec qui est. Ils disent c'est le pire scientifique de l'histoire. Et c'est vraiment drôle, c'est-à-dire que le mec est à la fois responsable du le fréon dans les frigos. C'est lui qui a dit, bah attendez, j'ai trouvé un gaz... Parce qu'avant, c'était pas du fréon. Il a dit, attendez, moi j'ai trouvé un gaz génial, le fréon. Donc ça a été une catastrophe écologique. et avant ça, il avait... Ah merde, putain, j'ai oublié. Ah non, oui, il a dit, j'ai trouvé un truc, faut mettre du plomb dans l'essence. Et catastrophe écologique aussi. Et enfin, c'est vraiment très drôle. Enfin, voilà. Et un autre truc, une BD qui s'appelle... Oh, il l'a ramené. Ben, je l'ai acheté ce matin. Oh, trop marrant. Et c'est très joli. Et ça s'appelle À Travers. L'auteur, il s'appelle Tom Ogoma. H-A-U-G-O-M-A-T. Et en fait, ça raconte la vie de quelqu'un. Alors, je ne l'ai pas fini encore, donc je ne peux pas te dire où ça se termine. Mais en tout cas, ça commence vraiment à sa naissance. Et le principe, c'est sur la page de gauche, on voit la personne en train de regarder quelque chose. Par exemple à travers une fenêtre, à travers des jumelles, à travers une loupe, à travers n'importe quoi. Et sur la page de droite on voit ce qu'il regarde. Et c'est que ça le principe narratif, c'est il regarde, sur la page de gauche on le voit regarder un truc, et sur la page de droite on voit ce qu'il voit. Et en gros ça raconte l'histoire de sa vie où il voit ses parents faire ceci, cela. Et c'est très très beau quoi. Le style graphique est vraiment, vraiment très très beau. Et voilà. Je recommande ça. Bah, très cool. Par qui? C'est de qui? Tom Ogoma. H-A-U-G-O-M-A-T. Eh bien, les amis, merci beaucoup. Il y avait juste une petite question pour Thomas. Est-ce que le Québec est un pays ou toujours pas? Toujours pas. Toujours pas. D'accord. C'était la question qu'on se posait. Thomas, où est-ce qu'on peut te retrouver? YouTube.com/ThomasGauthier. Très bien. Merci beaucoup d'être venu. Ouais, voilà, c'était super cool. Je suis trop content qu'on ait enfin fait ce truc-là. On applaudit Tom et TV, s'il vous plaît. Je propose qu'on le réapplaudisse. Ouais, ouais, ouais, ouais. Encore une fois. Okay. Ouais, ouais, ouais, ouais. Un avis sur Gilbert Ozon. Ah merde. Tu l'attendais pas celle-là. Freddy Gladieux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah écoute, je tente de faire de plus en plus de vidéos sur ma chaîne YouTube dès que je pars en voyage, évidemment. Dublin, c'est la prochaine. Donc l'idée c'est que je prends de plus en plus de plaisir à faire des vidéos sur ma chaîne, et pas forcément quand je voyage. je ris de moi, je n'y crois même pas. Non mais si là par exemple je vais sortir une vidéo qui est pas du tout sur les voyages, mais sur préparer un voyage. C'est vrai. Non, je plaisante. Ah bon? Non, mais c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec le voyage, et je vais juste c'est sur le périph, mais donc voilà, ouais, donc sur la chaîne Insta, et sur le reste c'est du off. Quoi qu'il arrive, quand on regarde des vidéos, nous en voyage. Oh, on peut applaudir, on peut applaudir Freddy. Au pays de l'humour. Oh, donc toute ta mère. Laurent Bonneau, ta grand-mère. Yvick, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et bien, on va me retrouver sur YouTube. Le Flutecast sortira quand? Lundi. Bah, vous avez pu voir ma nouvelle vidéo qui est sortie vendredi, du coup. Oh, Rap versus Réalité 2. Oh, co-écrit avec un mec autour de cette table qui s'appelle Freddy Gladiux. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. alors ça s'aime. Mais t'as voyagé lors de cette vidéo ou parce que sinon il a pas. Pourquoi il est là Freddy si tu voyages pas? J'étais en Grèce. C'était non voilà cette vidéo. Et je joue dedans. Je t'envoie, attends, merde. Il dit qu'il me regarde et genre, quoi? Et genre, non, merde, j'ai oublié ce détail là. Pas du tout. Non, il t'a pas engagé. Freddy joue dedans. Personne m'appelle. Freddy joue dedans. Et donc voilà, c'est sorti vendredi dernier. Je vous invite à aller voir sur YouTube. En novembre, devrait sortir mon second album studio. Eh oui, j'ai eu des questions. Ok, trop bien. Ouais, je. Attends, de quoi, quoi, quoi? Ton album. Mon second album studio. En novembre. Donc vous avez le temps. Ça va. Ça, calmos. Nul comme info, nul. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux. Et en tout cas, merci au Flow de Cash. Je suis honoré parce que ça fait longtemps que je voulais venir. Ah, merci ça à me toi. Fait super plaisir. Ouais. Et pour les faut qu'on le dise maintenant, l'épée, c'était des bruitages. C'était des bruitages. Non, bruitages depuis tout à l'heure, parce que moi, j'amusais avec la bouche, je le fais vraiment bien, regarder. Oh, ah, ouais, alors, c'est des bruitages, mais le haut-parleur est dans le cul d'Ivic. Parce que ça sent vraiment de son cul depuis tout à l'heure, je vous le dis. C'est un bâtard, parce que il ment comme il respire, ce mec. Et donc, le cousin de Tex. Et donc, voilà, alors voilà, maintenant qu'on en parle, voilà. Tex est mon cousin. Et comme on dit, QLF. Tu l'as pas déjà vu genre à une que la famille. Réunion de famille, tu l'as déjà vu et tout ou... Alors je l'ai jamais vu mais en fait on a tous les deux, je lui en ai parlé parce que c'est un leutexier. Sauf que lui c'est un leutexier en avec un mots. Espace ouais. Exactement, avec le mec il connaît trop bien Tex. J'ai cherché tout à l'heure là. Et lui c'est avec un espace, moi c'est attaché. Sauf qu'en fait il y a une séparation dans ma famille, dans nos dans l'arbre généalogique à une époque. Il y a eu cette séparation là qui sont faites entre deux familles qui étaient entre guillemets rivales mais qui faisaient partie de la même famille. Putain, le fils rival, c'est Game of Thrones. C'est vrai, ouais. Ce que j'allais dire. Je suis l'étranger d'une énorme lignée. Lui c'est Lannister avec une apostrophe et moi c'est Lannister. Et donc voilà, arrêtez de rager si votre cousin. C'est pas de texte en fait. C'est ce ouais. Comme quoi, quand on a des gens de la famille dans le métier, c'est plus facile de réussir. Hein, mine de rien, t'en es la preuve. Hein. Et Adrien Méniel, où est-ce qu'on peut te retrouver? Petite story Insta. Non, mais non, mais. En plus, tu bosses de ouf en ce moment. Oui, bah oui, mais donc du coup, je vais pas dire venez me voir bosser. Bon, bah j'arrêterai de te le demander. Toujours Phantom Force qui sort le mois prochain. Ah oui, sur YouTube là. Ouais, là. Et comment ça s'est passé, Kane Série? Écoute, très sympa. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, notre projection, elle avait lieu dans une salle qui est un peu à part de là où tout le festival a lieu. Le Luminor, je crois que c'est là où. Miramar. Oui, c'est ça, c'est nous, on l'a fait là aussi. Et visiblement, c'est pas la salle qui attire le plus de monde, bah, comme c'est un peu à part et tout, les gens font pas forcément le déplacement et tout. Et donc vraiment, on a mis un pied à Cannes, ils nous ont dit, bon, il y aura sans doute personne quasiment, vraiment, donc on a dit ok, bah c'est pas grave et tout. On a croisé ensuite un mec de l'orga vraiment haut placé, il a fait, bon les gars, le tout c'est de s'amuser vraiment, éclatez-vous parce que bon, vous aurez sans doute pas grand monde. Ça va. Alors, donc on était, bon bah génial. Et en fait, on a eu genre 70 personnes, ouais. Qui étaient genre apparemment le record trop bien. De gens. On a battu Judor, on a battu Duris. Enfin voilà quoi. Après c'est pas une compétition, mais on avait plus de monde quoi. Non mais c'était très cool. Bon, à part des petits problèmes techniques, voilà, peut-être tester les projos avant de lancer le truc. Ils ont diffusé deux fois mon sketch zombie susceptible. Donc peut-être qu'il a moins marché la deuxième fois du coup. Bah en vrai, c'était un peu stylé d'avoir quand même des rires. Vraiment deux fois de suite, à la suite hein. Mais t'as dû très mal le vivre. J'ai pas adoré. Pas caché. Non mais c'est surtout que il nous avait dit, on diffuse le premier épisode de Groom, ensuite. On rallume la lumière, la meuf nous pose des questions. Ensuite, on diffuse Zombie Susceptible, Camille chez le médecin. On rallume les lumières, il nous pose des questions. Et ensuite, on diffuse Phantom Force, on rallume les lumières, questions. Voilà, Groom, voilà. Ensuite, Zombie Susceptible, il rallume les lumières direct, alors que normalement, il devait enchaîner avec Camille chez le médecin. Et juste, il rallume et personne ne vient sur scène, rien quoi. Et moi, j'étais dans le public et je fais... genre j'ai pas de micro, rien, donc juste je parle à voix haute, je fais des blagues et tout, genre bon bah voilà, super hein, et tout. Et il y a juste quelqu'un qui a ouvert il a passé la tête par la porte, il a dit on recommence. Et ils ont rediffusé le sketch, donc j'ai pas compris ce choix. Et après ils ont rallumé, ils nous ont donné des micros, j'ai dit ils ont dit ouais, il y a un problème technique donc on mettra pas Camille chez le médecin. Donc ils ont dit du coup on met deux fois le même truc, un choix assez étrange. Mais malgré tout, et ça et le fait que l'image de Phantom Force était saccadée. Cool. Et que les gens ont mis 20 minutes à s'en rendre compte vu que le programme est lui-même. Bah, au moins non mais au moins c'était le bon truc. C'est dans que, l'esprit. Voilà parce que tu dis ah il y a quelqu'un qui m'a dit ah vous avez fait exprès de faire une image saccadée. Voilà. Je dis et non. Et t'as dit oui bien sûr. J'ai dit non regarde-le sur YouTube ce sera voilà. Mais sinon du coup ouais c'était vraiment cool. Trop bien. Bon bah super. Et bah et quant à moi juste on a eu le droit à la question. Vous êtes des geeks. Oh génial. Sur scène et les deux ont fait bon pas ouf. Elle a fait oh bah si quand même vous êtes des geeks. On a fait ouais. Alors, moi, c'était vraiment bon si tu veux. Et quant à toi quant à moi bah toujours pitch de avec Baptiste Le Caplin. On diffuse sur YouTube très temps. Très bien ça. Ah c'est gentil. Bah écoute j'écris ça avec Baptiste. On est en train d'écrire 15 nouveaux épisodes et on essaie d'avoir un petit lien sur les 15 derniers. Alors là vous avez 15 épisodes où c'est un peu le bordel. On a tenté plein de trucs et j'espère que ça fera rire les gens. Et on en a 15 autres qui arrivent où là d'un coup il y a une petite histoire qui se crée un peu. L'important c'est de s'amuser. L'important. Le pire pote. Et voilà et puis bah pareil d'autres projets sur lesquels je travaille et qui je pense ne verront pas le jour avant 2020, mais bon en tout cas on est dessus à fond et on espère que ça sortira vite. Est-ce que tu seras à Cannes pour le festival? Bah je n'ai rien à y foutre Yvick en fait. Et toi Adrien? Encore moins moi. Bon en tout cas on vous fait des bisous et merci encore d'être venus les gars. Je monte les marches. C'est une info. Attends. Je monte les marches le 14. Mais pourquoi? C'est pas vrai. Au revoir. Ciao. Quelque chose, je suis déjà à genoux. Si moi jamais venais faire tes enfants, si moi jamais venais faire tes enfants, c'est moi qui t'ai caché que t'en.